Salut à toutes et à tous, ici Denis Jeep et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Cantina Chic Tabac. Alors, comme d'habitude, pour cet épisode, je vais être accompagné de mon compagnon de toujours, Macrimic. Salut Macrimic. Salut, salut. Bon, alors, pour cet épisode qui va être un épisode très spécial, doublement même spécial de la Cantina Chic Tabac, c'est surtout que ça va être le dernier de l'année. Ça va être aussi le dernier épisode de la Cantina, mais ça, je vous en parlerai à la fin du podcast. Et aussi, en fait, c'est même triplement un épisode spécial puisqu'on va faire un bilan, non pas de l'année 2019 dans le jeu vidéo, mais on va même faire un best-of de la décennie, donc 2010-2019, un best-of jeu vidéo, donc on va parler que de jeux vidéo, hein. Une décennie qui a vu les nouvelles générations débarquer au niveau des consoles, donc la PlayStation Vita, la 3DS, la Wii, la Wii U, la PS4, Xbox One. Bref, on a eu plein, on a même eu la Ouya qui est apparue, qui a disparu et plein d'autres. On va pas parler des consoles, on va pas parler de ça parce que c'est bon, voilà. Enfin, on va peut-être les mentionner quand on parlera des jeux, mais on va surtout parler donc que des jeux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on on va prendre notre DeLorean, notre retourneur de temps, si vous êtes fan de Harry Potter ou de Retour vers le futur, et on va remonter les années pour vous donner à chaque fois notre top 3 des jeux de ces années-là. On prendra beaucoup plus de temps à parler de nos GOTY. Et à la fin, on donnera notre top 3 de la décennie. Donc, Macrimic, j'espère que tu es en forme pour parler de tout ça, que tu as pris tes petites notes. Ah oui, des notes. Tu l'as vu, j'en ai pris un paquet, c'est un vrai bordel. Mais on va s'en sortir. Oui, bon, pour ceux, évidemment, vous ne le voyez pas, mais quand on a préparé le podcast, j'ai essayé de faire un tableau propre avec juste mes trois titres. Et Macrimic s'est amusé à faire un tableau en barrant des titres, en remettant. Il y a 15 titres par année. Exactement, c'était vachement clair. C'était compliqué parfois. Ouais, c'était l'ardoise de la cantina. On va la mettre un peu au propre pour vous servir donc notre menu Best of. Et puis sans transition, d'ailleurs, on va attaquer direct donc avec cette année 2010. Une année 2010 qui voit l'arrivée de très bons jeux, notamment par exemple, et je sais qu'il est dans notre top 3, un jeu comme Red Dead Redemption, donc Red Dead Redemption, hein, un jeu de Rockstar Games évidemment. On va pas trop en parler là parce qu'on en a déjà parlé dans un podcast précédent, qui était un podcast dédié à Red Dead Redemption justement. Donc on va peut-être pas trop en parler, juste dire que c'est quand même un jeu qui nous a marqué par son côté open world et puis surtout le côté western. Ouais, c'était une très très grosse claque à l'époque, on l'attendait un petit peu parce que bon, c'est quand même Rockstar qui est derrière et c'était un très gros kiff de... Enfin, à l'époque en tout cas, ouais, c'était super, super plaisant. Et bon voilà, mais ensuite effectivement on en a parlé donc ouais, on va pas revenir sur ce jeu là mais en tout cas voilà, c'était alors à chaque fois on a dit top 3, on a surtout mis un GOTY et après c'est deux jeux qui accompagnent sur le podium, donc il y a pas de numéro 2 et numéro 3 en fait, hein, c'est les deux jeux le trio. Ça nous facilite la tâche aussi parce que franchement pour départager les 2 et 3 ce serait super compliqué aussi. Ouais, et puis déjà limite il y a des 4 qui sont pas loin du 3 donc bon, hein, dont on parlera pas, donc c'est vrai que c'est quand même la plaie, hein, de faire il y a eu des années avec des jeux tellement magnifiques et différents que c'est là qu'on se rend compte qu'on a eu de la chance. Et en plus on n'a pas tout fait parce qu'on précise évidemment que c'est par rapport à nos goûts, donc on dit pas que ce sont les meilleurs jeux, hein. C'est les meilleurs jeux et les meilleures expériences vidéoludiques pour nous. Ouais, exactement. Alors, un autre jeu dont on a parlé récemment, c'est dans le podcast sur Halloween, c'était Alan Wake. Donc, Alan Wake, c'est pareil, hein, un jeu de Remedy Entertainment qui est sorti, qui était une exclu à l'époque en 2010 sur Xbox. Il sortira 2 ans plus tard sur PC. Donc, Alan Wake, c'est pareil, on l'a perdu très très récemment. On va pas revenir. Donc, toi, tu l'avais pas mis dans ton podium, je sais qu'il devait pas être très très loin. Moi, il était sur mon podium. Ouais, donc toi c'est toujours le côté de la... Toi c'est le gameplay que je sais qui t'avait un petit peu... Oui, on en a parlé un petit peu. Non, en vrai c'est une bonne expérience, j'ai kiffé, mais à la fin, c'est pas un jeu que je referais pour tous les défauts que j'avais cités dans le podcast dernier. J'en garde quand même un très bon souvenir. Mais bon, il y avait quand même d'autres clients dans mon année 2010, des jeux auxquels vous n'avez pas joué, et donc ouais, qui ont fait sortir Alan Wake du top 3. Je sais même pas en fait s'il est dans le top 5 en fait. Parce qu'il y avait deux gros jeux que j'ai kiffé cette année-là, et ouais, il fallait faire un choix. Comme et d'ailleurs, c'est bien de faire des transitions parce qu'effectivement, il y en a un que je n'ai pas fait, dont j'adore par contre les OST parce que les OST sont toujours mais superbe de ces jeux-là, et tu vas nous en parler. Ouais. Il est sorti en septembre 2010. C'est un jeu développé par Pixaris Games et qui s'appelle Sid Meier's Civilization 5. Cinquième opus de la série de Civilization, une série avec laquelle j'ai un affect particulier parce que le tout premier Civilization, c'est l'un de mes premiers jeux PC à l'époque où ça tenait sur 4 disquettes. Je les ai pas tous faits, et le 5, c'est le dernier, j'ai pas réussi à accrocher au 6. Et le 5 plus ces deux extensions, j'ai plus de 2000 heures de jeu dessus, j'y ai encore joué cette année. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce jeu, pour moi c'est le meilleur de la série, il a marqué le pas par rapport au 4 en dessinant un gameplay qui est assez différent. Et voilà, je prends toujours énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là, que ce soit en solo, avec des modes ou en multi. Aujourd'hui, je trouve qu'il tient encore la route dans ses mécaniques. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est sur mon top 3. Alors moi je te dis, c'est pareil, hein. C'est vrai que c'est un jeu, je suis pas très patient, j'ai jamais fait l'effort, mais effectivement par contre, le seul truc que je connais vraiment de Civilization, c'est son OST que j'aime beaucoup, et de manière générale, toutes les OST des Civilizations. Un autre jeu dont j'aime beaucoup l'OST, et puis d'ailleurs pour le coup ça tombe bien, on est en 2010, c'est notre GOTY à tous les deux, et c'est une saga dont on a parlé dans un podcast, mais pas en bien, puisqu'on a parlé d'un des récents, à savoir Andromeda. Donc je veux bien parler évidemment de la saga Mass Effect. Donc Mass Effect 2 qui sort donc tout début d'année, hein, 2010, sur PC, sur PS3 et sur Xbox. Et je pense que tu me contrediras pas, c'est probablement pour nous les deux le meilleur de la saga. Et en fait c'est un jeu donc qui est développé évidemment par BioWare, édité par Electronic Arts. Et donc voilà, avec en tête, mais on pourra pas citer tous les gens qui ont bossé dessus, mais en tête le duo Casey Hudson, hein, qui était creative director, et donc l'auteur Drew Karpchin, qui sont un peu eux qui ont créé la saga. Donc voilà, donc grand jeu, donc action RPG. Je te laisse en parler un petit peu, et puis de toute façon on va en parler un peu plus qu'un petit peu d'ailleurs. Ouais, parce que effectivement on n'a pas franchement parlé de cette licence là. On avait déjà été marqué par le tout premier Mass Effect qui était sorti. 2007 ou 2008. 2007 sur Xbox, et il était sorti sur PC un petit peu après. Et en fait, on avait aimé parce qu'en fait, c'est un space opéra, et puis des grandes sagas avec un côté franchement épique. Dans le premier, rien que l'intro épique, la fin épique, il n'y en a pas tant que ça. Et forcément, on attendait beaucoup, vu le cliffhanger du premier, on attendait beaucoup du 2. Et le 2, ça a été une grosse claque, même s'ils ont pas mal enlevé du côté RPG, dans un sens où en fait on ramasse plus son matos, ses armures, ses fusils par terre en fait. C'est des pouvoirs qu'on va davantage débloquer, donc ils ont changé tout ça pour mettre l'aspect sur l'action, mais sans pour autant délaisser l'histoire. Les personnages, etc. Enfin, on a un panel de personnages, c'est fantastique. Ouais. Et un casting de malade au doublage, quoi. Quand tu voyais les trailers, tu dis, mais c'est pas possible. Il y a Martin Sheen, Ivan Stravinsky, comment ça s'appelle ? Il y a Keith David, je crois. Ouais, Keith David. Et. La blonde de Battlestar, j'oublie son nom. Katie Sackhoff. Non, Trisha Helfer. Ah non, c'est Trisha Helfer, mais non, parce que Katie Sackhoff, je dis n'importe quoi. Mais Trisha Helfer qui fait la voix de l'IA. Ouais, de l'IA. Et oui, mais bon, le casting est franchement, enfin, c'est un truc de malade. Et tu te dis, putain, il y a Martin Sheen dedans. Et dès l'intro de Mass Effect 2, quand tu as. L'intro qui déboîte, le vaisseau qui explose, et là, t'as l'Illusive Man qui arrive avec ce son thème musical de ouf. Tu dis, waouh, là, ils sont vraiment au-dessus. du premier. Il y a vraiment quelque chose. Oui, c'est vraiment, quand on parle des, ça, c'est les suites qui sont meilleures que les originaux, et c'est vrai que ça prend un côté épique, c'est beaucoup plus épique, il y a une dimension au niveau de la galaxie qui est encore plus développée. Alors avant, dans le premier, il y avait le fameux Mako, qui était un petit peu pénible à utiliser, alors là, ils vont faire Ouais, un... mais moi, il me manquait. Ouais, parce Mais qu'il y a le côté, je comprends. Le côté de se balader sur Le les côté planètes. rébarbatif de l'exploration était un peu chiant, mais effectivement, ça a cassé le rythme. Et là, vu qu'ils ont mis enfin, c'était vraiment mis sur l'action, ils ont mieux dosé le rythme. Donc, il n'y a plus cette partie exploration, voilà, qu'ils avaient réintroduit dans Andromeda avec un certain succès, je trouve. Mais oui, bon, ouais, il y a plus c'est vrai. Mais d'ailleurs, justement, dans Mass Effect 2, comme tu dis, justement, les enjeux sont encore plus importants en fait que dans le premier. Et d'ailleurs, quand tu parlais d'ailleurs, donc pour Mass Effect, pour ceux qui ne savent pas, donc tu as dit, Saga Space Opera, d'ailleurs, les deux créateurs de Tête Pensante, Casey Hudson et Drew Karpyshyn, c'est eux qui étaient chez BioWare et qui ont créé en fait KOTOR, hein, le premier Knights of the Old Republic, hein, c'est les deux mêmes personnes. Donc voilà, ils sont vraiment doués là-dedans. Et donc on joue le commandant Shepard, donc on le crée, il peut être masculin ou féminin. Il y a tout un crew, hein, sur le Normandie. C'est vrai que dans le 2, en fait, c'est ça, on est dans la galaxie, on est dans notre galaxie à nous d'ailleurs, hein, mais on a trouvé des relais qui permettent de passer dans différentes. Les Mass Relays. Ouais, alors les relais cosmodésiques, je crois, en français. Oh la vache, je ne connais même pas le terme français de Mass Relay. Mais parce que malheureusement, j'ai fait le Mass Effect. Bon, on en parlera peut-être plus tard du Mass Effect 3. À l'époque, je l'avais fait avec la VF et il y avait un doublage extraordinaire d'un personnage, mais on le garde pour plus tard. Ah oui, ce ne serait pas Lance Henriksen en VO? Oui, Lance Henriksen qui est extraordinaire en VO et en français, c'est. Bon, on le garde pour tout à l'heure. Et c'est le start teasing. Donc vous savez que Mass Effect 3, on va en parler. Et donc oui, effectivement, donc on se balade. Enfin, et comme tu disais, la musique aussi, c'est le temps de parler de la musique. Donc c'était Jack Wall, un super compositeur, compositeur des Myst, par exemple, créateur aussi des video games. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le Video truc... Game Live. Ouais, voilà, c'est un des co-créateurs. Créateur et chef d'orchestre de Video Game Live. Ouais. Donc super truc. Et il était accompagné de Sam Ulick aussi, qui aura beaucoup bossé, qui va même bosser après sur le 3, puisque Jack Wall sera pas dans le 3. Et donc voilà, et Sam Ulick qui est aussi un super compositeur. Je crois qu'il a bossé aussi après par la suite sur les remasters, remakes là de Baldur's Gate, si je dis pas de bêtises. Bref. Du talent à tous les niveaux, vraiment. Il y a Carrie-Anne Moss aussi en doublage. Bah, c'est Trinity de. Oui, tu vois, monsieur. Voilà. Je la cite parce que voilà, elle me revient. C'est très bien. Mais non, mais franchement, les personnages, comme on dit, tu vois, on croise donc plein de persos. Donc on a un crew et il y a vraiment ce côté qui est vraiment développé. Hein. Il l'avait déjà fait dans KOTOR, mais là, et même dans le premier, mais là, ça va encore plus loin. Et c'est vrai que là, au niveau des. De la façon dont on peut discuter avec eux. Alors, il y a de la romance, évidemment. Hein. Ça, c'est un classique aussi qui a mené. Ouais. Et ça permet de vraiment créer des enjeux parce que c'est dans ce jeu-là, tu avais un choix, en fait, où tu avais un personnage dans le 1 qui pouvait mourir, l'un ou l'autre, que là, dans celui-là, suivant, en fait, comment tu fais des quêtes, en fait, pour tes personnages et comment tu es sympa ou non avec eux, tu peux, en fait, à la fin du jeu, les perdre. Tu peux même, toi, mourir. Oui, parce que en fait, le pitch vite fait, c'est que bon, il doit recruter des nouveaux personnages, des nouveaux mercenaires, on va dire, pour ce qui s'appelle une mission suicide. Ouais, mais déjà, on meurt au début du jeu. On va spoiler. On va parler des jeux, on va en spoiler. Hein, C'est parti. Ah bah oui, on va spoiler quand même. On meurt. Le vaisseau se fait littéralement déchiqueter par un vaisseau inconnu. Donc, on sauve une partie de l'équipage et Shepard meurt. Ensuite, il y a un petit comic un comics, pardon. Oui, parce que les gens vont croire qu'il y a un petit comic qui arrive. Oui, non, voilà, non. voilà, qui parle de cette transition où, en fait, le corps de Shepard est retrouvé et est donné à Cerberus pour un projet. Cerberus est conscient, enfin, connaît la réalité du danger qui menace la galaxie. Et ils se sont dit, non, mais la solution, en fait... C'est Shepard, il faut capitaliser dessus. Donc, il retrouve le corps, il le répare et en fait, il ressuscite littéralement Shepard d'outre-tombe. Et donc, suite à ça, donc Shepard ne peut pas contacter son ancien équipage parce que certaines choses se sont passées depuis. Et donc voilà, il va falloir recruter d'autres personnages sur dossier pour une mission suicide à la fin du jeu. Et effectivement, comme tu le dis, en fonction de, des missions de loyauté qu'on fait avec certains persos ou pas, certains peuvent mourir soit parce qu'on les emploie mal à la fin, soit parce qu'on n'a pas été assez loyaux envers eux. Mais voilà, ensuite c'est juste la petite critique du 2. En fait, c'est un petit peu trop facile d'avoir 98% du crew qui survit à la fin. Ouais, t'as juste un choix sur deux personnages, mais si t'es au moins tu fais ce choix là, si t'as suffisamment tes pouvoirs de persuasion, enfin je sais plus lequel qui est développé, tu peux arriver à t'en sortir. Et à part vraiment d'être stupide et de... Il faut le faire exprès. Mais ouais, effectivement, si à la fin tout le monde meurt pour des histoires de loyauté ou de mauvais emploi des compétences du crew, en fait, de l'équipage, c'est compliqué des fois. J'ai trouvé les mots français. Donc voilà, à moins d'être vraiment débile, c'est pas possible de mourir. Mais ils ont quand même incorporé une fin où tout le monde meurt. Une fin qui n'est effectivement pas raccord avec Mass Effect 3, effectivement, hein, parce que le personnage principal, Shepard, doit survivre pour le bien de la trilogie. Oui, exactement. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment un grand jeu. Ça a été une claque. C'est encore, enfin voilà, franchement, c'est un des plus grands jeux de la décennie. Ouais, ne spoilons pas sur nos futurs tops de la décennie, mais c'est un jeu extraordinaire qui est en plus. Alors, il y avait des DLC qui donnaient lieu à des nouveaux personnages, mais aussi un DLC surtout qui était vraiment très intéressant, qui était alors en anglais c'était The Lair of the Shadow Broker, c'est le courtier de l'ombre, je crois en français, et qui permettait, parce que tu dis qu'on a un nouveau crew, mais on va recroiser des personnages du 1 aussi qui peuvent arriver, ceux qui ont survécu, voilà, et qui peuvent ou non, certes pour certains, venir dans notre crew aussi, et ça permet de recroiser par exemple moi mon personnage préféré du crew, enfin il y en a deux, c'est un peu mes deux gars sûrs, à savoir Garrus qui est alors je ne sais plus quoi. Et Tali, évidemment, Tali, voilà. Tali, c'est... Bah moi aussi, c'est pareil, c'est le duo, le bon duo qui nous suit, enfin sur les trois jeux finalement. Ouais. Et franchement, ils étaient cool. Et le DLC en fait était vraiment intéressant parce qu'il permettait en plus, la durée de vie tout ça, mais c'est parce que ça permettait aussi d'avoir des infos en plus sur notre crew, tout ça, et sur la galaxie. C'était vraiment très intéressant. Ça faisait revenir un autre personnage aussi qui était du 1, qui était beaucoup aimé aussi par les fans. Donc il y avait un côté un peu fan service, mais en même temps qui développait encore mieux l'histoire. Enfin, ils ont fait des DLC qui étaient quand même vraiment très intéressants, même sur le 3 après. Je crois que c'était entre le 2 et le 3, ils feront Arrival qui permet de voir les comment se passent les transitions entre les épisodes. Donc c'était vraiment très intéressant. On va pas parler de tout ça, mais bon. Voilà, c'était vraiment un super grand jeu qui vaut le coup. Et voilà, si vous ne l'avez pas fait, on vous l'a spoilé un petit peu, mais dans tous les cas, ça vaut vraiment le coup. Puis c'est vous qui générez votre histoire et ça intègre bien en fait le joueur, le personnage, qui est quand même vraiment charismatique. Et donc voilà, et ça permet de croiser des personnages en fait, voilà, des grands personnages du jeu vidéo, comme l'ami, comment il s'appelle, le mec qui est fan de nous et qu'on croise dans les trois épisodes. Conrad Werner, le casse-pied de... Enfin, oui, non, casse-pied... Oui, un petit peu... Le fan numéro 1 de... Le fanat de Shepard qui va un petit peu trop nous coller dans la trilogie, parce que je me rappelle très bien de lui dans le 2. Dans le 3, je ne sais pas, mais si, je crois qu'on sort, c'est un petit peu le running gag aussi de la saga. Mais suivant comment on lui parle d'ailleurs, on peut influer sur sa destinée d'ailleurs à Conrad Werner. Oui. Mais sorti de cette blague-là, donc un grand, grand jeu de 2010, notre GOTY de l'année 2010. Et on va passer maintenant donc à l'année 2011, une nouvelle année, et cette nouvelle année-là, beaucoup encore de bons jeux. Je sais que, par exemple, toi tu voulais parler, tu as dans ton top 3 Star Wars The Old Republic, donc le MMO. On en avait parlé dans le premier podcast, à savoir le podcast spécial sur les jeux Star Wars. Est-ce que tu veux dire encore quelques mots dessus ou Jouez-y, c'est bien. Non, blague à part, c'est un jeu qui survit encore. Et d'ailleurs, je m'interrogeais auprès de toi, je lui dis, mais comment ça se fait que Disney, finalement, tolère encore la sortie d'extension sur ce jeu-là qui n'est pas canon? Parce qu'une extension vient de sortir il y a quelques semaines à peine, et c'est sorti en octobre. J'ai pas encore faite. Voilà, mais je vais la faire. Et voilà, donc je suis quand même étonnamment, agréablement surpris de voir que ce MMO parvient à survivre et sort du contenu de qualité. Parce que enfin, moi, j'ai envie de dire que cette extension est vraiment très bonne. Et voilà, bah, SWTOR, c'est un petit peu aussi le KOTOR 3 qu'on n'aura jamais, mais ça, on en a déjà parlé. Donc voilà, ensuite, faut pas se leurrer non plus, c'est quand même un MMO qui est en fin de vie. Je doute qu'une extension majeure sorte après celle-là. Mais bon, encore une fois, j'ai pas fait, il y a peut-être un cliffhanger de ouf, il y a peut-être autre chose en préparation, je ne sais pas, mais bon, là, ça fait quand même 8 ans. Le jeu vient de fêter ses 8 ans là, il y a quelques jours à peine, puisqu'il est sorti en décembre 2011. Ouais. Donc, à voir. Il est encore plaisant à jouer, même s'il est vachement plus facile qu'à l'époque. Je suis en train de le refaire avec un collègue, c'est pour ça que j'ai pas fait extension. Le jeu est très facile, mais toujours aussi plaisant, je trouve. Ouais, de toute façon, si vous aimez Star Wars, c'est le RPG. C'est... On peut le faire en plus, là tu fais avec un collègue, mais tu peux le faire limite, bien que le plus facile, solo. En solo, il n'y a pas de problème. Et tu peux faire toute ton histoire tout seul, l'histoire de la planète aussi. Et puis, franchement, le jeu, il est vraiment, vraiment beaucoup plus facile qu'à une époque. Donc, en solo, il y a absolument aucun problème. Donc, ceux qui n'aiment pas les jeux multi, hein, comme moi d'ailleurs, vous pouvez quand même le faire en solo. Et puis, en plus, au niveau scénario, tout ça, c'est quand même vraiment. Enfin, on est quand même dans la veine des KOTOR. Et donc, c'est vraiment plaisant. Et c'est vraiment du Star Wars. Et voilà. Donc, si vous aimez et que vous hésitez à le faire parce que le côté bah, c'est multi machin, ben non, dites-vous que vous pouvez y aller. Mais on en avait déjà parlé. Un jeu dont on n'avait pas parlé et on l'a en commun sur notre podium. C'est The Witcher 2 Assassins of Kings, donc qui est la suite du Witcher, le premier Witcher, donc c'était un jeu CD Projekt Red sorti en 2007, sa suite sort donc en 2011, toujours CD Projekt Red, hein, c'est leur licence phare. Évidemment The Witcher, alors là en plus, à l'heure où on enregistre, la série n'est pas encore sortie sur Netflix, mais à l'heure où vous écoutez le podcast, elle est disponible sur Netflix. Donc la série qui n'est pas adaptée des jeux, mais qui est adaptée des livres, car le jeu en lui-même adapte l'univers des livres. Pour rappel, donc The Witcher s'appelle Le Sorceleur en français. C'est un univers dark fantasy, hein, médiéval fantastique, en livre. Et les jeux n'adaptaient pas les livres, ils faisaient une suite, ils inventaient une suite en fait au livre. Donc voilà, donc The Witcher 2, qu'est-ce que tu peux en dire? Bon, déjà c'est un jeu qui est magnifique. Toi, je sais que tu avais fait le 1, moi j'ai découvert la saga avec le 2 d'ailleurs. Ouais, le 1 m'avait interpellé parce que on disait que c'était un excellent RPG dans ses mécaniques en 2007. Et je m'y attendais pas en fait, et j'avais vachement accroché à l'univers. D'habitude, moi je suis franchement pas héroïque fantasy. Enfin, typiquement, l'univers de Warcraft me sort des yeux, je n'aime pas ça. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que j'aime pas. Et là en fait. Et ben, étrangement, j'ai accroché parce qu'on on est moins dans les clichés des trolls, des orques, etc. Mais bon, on a quand même des elfes, des nains, et etc. Mais l'univers est étrangement. C'est moins manichéen, en fait, que les univers Heroic Fantasy ordinaires, entre guillemets, attention. Et c'est un univers. Très mature, très politique. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux politiques dans la série Witcher, je trouve. Et voilà. Et j'ai accroché à Witcher, donc forcément, j'attendais énormément d'eux. Et en fait, je dois dire que je l'ai mis parce qu'avec le recul, je trouve que c'est un excellent jeu. Allez, donc ce qui change complètement de style par rapport au premier. Le premier, c'était un peu contrôle à la souris, mais les combats étaient un petit peu brouillons. Là, on est plus dans de l'action RPG parce que ça se joue à la manette, etc. Avec une difficulté assez mal dosée quand il était sorti à l'époque. Mais ça tranchait complètement avec le 1. Je sais que moi, quand j'avais fait le 2, il m'avait pas marqué. En fait, il m'avait même déçu à l'époque quand il était sorti en 2011. Mais il est sur mon podium à moi. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, je me suis refait toute la série en 2018, c'est-à-dire que j'ai entrepris de lire tout livre en 2017. J'ai refait les trois jeux, mais de fond en comble, je les ai tous poncés. Et là, en fait, quand tu intègres The Witcher 2 à l'univers dans son ensemble, Là, tu te dis, mais ouais, en fait, c'est génial. C'est très politique, l'intrigue qu'il y a. Donc, c'est pas forcément accessible sur tous tes embranchements un petit peu compliqués. Et au final, il est surtout beaucoup plus ramassé que le premier, en fait. Hein. Il est plus court dans la mesure où, en fait, il se focalise vraiment. La narration était bonne dans le 1, mais il se focalise vraiment là sur, comme tu dis, sur cette histoire de l'assassin, mais aussi, comme tu dis, le côté politique. Et il fait un choix qui est très intéressant, c'est qu'il est en plusieurs actes. Et alors, grosso modo, ça fait directement suite au 1, en fait. Ah oui, c'est une suite directe. Il prend en compte les choix, mais pas tous, puisque tu as par exemple le personnage de Shani qui disparaît un petit peu. Donc, si tu l'avais choisi au lieu de Triss, par exemple, elle disparaissait un petit peu. Mais le truc intéressant, c'est qu'à la fin de l'acte 1, tu as un choix. Et pour les deux actes qui suivent, suivant le choix que tu fais, ça te fait deux jeux différents. Mais genre vraiment deux jeux différents. Tu vas croiser des personnages différents, des quêtes différentes, et pour la plupart. L'acte 2, t'es pas du tout dans le même camp. Grosso modo, c'est toi, t'es du camp des humains, ou soit des non-humains, on va dire. Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a des rebelles, en fait ? Il y a une rébellion, et puis après, il y a des guerres entre différents. Né avec des elfes et des nains. Et du coup, il y a un potentiel de rejouabilité qui est pas du tout... qui est pas du tout surfait, en fait. C'est pas pour pousser les gens à faire autre chose, non, c'est juste que l'histoire est complètement différente et les quêtes secondaires sont différentes, enfin c'est juste rien à voir, et voilà. Donc du coup il y a une certaine richesse là-dedans, et la qualité aussi bonne dans un sens que dans l'autre, c'est ça qui est très bien. C'est pas un truc qu'ils font pour faire plaisir ou pas, c'est vraiment tu as une limite deux jeux en un, en fait. Oui, t'as deux jeux différents, tout à fait. Et donc, comme tu disais, alors moi, comme j'ai commencé par là, tu vois, donc moi j'ai pas été déçu, puis le côté action RPG me plaisait bien. Après, graphiquement, ça fait pas tout, mais il était magnifique. Claque de l'année, hein, cette année-là. La musique était bien. Alors, j'ai pas dit les œuvres, hein, les bouquins sont écrits. Alors, je vais massacrer son nom, Andrzej Sapkowski. Pas citer tous les noms des auteurs, directeurs, creative directors, et même des compositeurs qui sont sur. Je le garde quand on va parler de Witcher 3, parce qu'on va parler de Witcher 3 évidemment. On va massacrer leur nom et on s'excuse. Et pour ceux qui nous écoutent, qui parlent peut-être polonais, tout ça, on s'excuse de flinguer un peu tout ça. Mais en tout cas, moi c'était pareil, il est sur mon podium, c'est un jeu qui m'avait marqué. J'hésitais avec d'autres jeux, mais notamment le Old Republic. Mais c'est vrai que ça m'avait vraiment marqué. Et moi, c'est à la suite de ce jeu-là que ça m'a donné vraiment envie, pour le coup, de lire les bouquins et de faire le 1, parce que le 1 je ne l'avais pas fait à ce moment là et d'ailleurs moi le faire la transition du 2 au 1 avec les combats, ça m'a fait drôle, vraiment. Ça m'a fait un peu drôle, mais bon, après il y a quand même le 2, ils ont rééquilibré le tout, enfin des années plus tard ils ont sorti un méga patch déjà pour avoir des textures plus haute résolution. Il y avait un gros patch de rééquilibrage des combats et aussi pour rajouter du contenu aussi sur la fin qui rend le jeu quand même bien meilleur. Moi, quand je l'ai refait en 2018, au final, je me suis dit, est-ce que je vais me forcer à faire le 2, un jeu qui m'avait pas plu à l'époque, et au final, j'ai pris mon pied. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est sur mon podium. Ouais, parce que la fin du 2, le dernier acte était un peu abrupt, en fait. Et je crois que ça, ils ont rééquilibré tout ça. Ouais, en fait, le dernier acte, c'est une autoroute, c'est t'arrives, et en fait, d'habitude, t'as le temps d'explorer, etc. Et si tu prends un embranchement qui te mène trop vite sur la quête principale, et bien en fait, t'es dans un couloir et t'en sors pas. Et donc, t'as plus toute cette partie exploration. C'est vraiment une autoroute vers la fin, et tu te dis, mais attends, c'est pas possible, comment ça se fait que là, le dernier acte, il est aussi court ? Non, c'est juste que, c'était pas super bien fait. Donc voilà, mais sachant ça, si tu le rejoues, tu te dis, bon, ce coup-ci, je vais pas faire la quête principale et je vais explorer un petit peu, faire les d'autres quêtes secondaires. C'est le classique, le monde va exploser. Oh, mais c'est pas grave, moi je vais aller jouer aux cartes. Enfin, ça, c'est dans le 3. Ouais, mais, on va jouer aux dés. On va jouer aux dés. Ah oui, le poker 2D, c'était pas la meilleure idée qu'ils ont. Ah non, franchement, ça en mini-jeu, c'était pas. Le mini-jeu n'était pas top, mais bon. Non, mais en tout cas, quand même. Ça, et le bras de fer. Ah, le bras de fer, ouais. N'en parlons pas. En tout cas, il y avait des super scènes, des grandes scènes. Il y avait Triss Merigold aussi, qui faisait tourner les têtes. Et puis t'as des fins multiples qui sont certaines carrément dégueulasses. Ça peut finir en chasse aux sorcières, franchement. Et après, t'as des implications d'ailleurs sur le 3 quand il sortira. Il y avait moyen de créer son monde et d'intégrer et des personnages que tu peux croiser ou non suivant les choix qui auront été effectués. Avec Radovid, typiquement, donc le roi, là. Effectivement, dans le 3, ça peut changer un certain nombre de choses. En fonction de ce qu'on a fait dans le 2. Je pense qu'on a fait, et c'est ça qui était quand même très intéressant. On en parlera peut-être quand on en parlera du 3. En parlant de 3, un jeu que moi j'ai mis sur mon podium, forcément en tant que fan de la saga absolue, c'est Uncharted 3, Uncharted 3, 3 Drake's Deception, pour la faire en franglais. Donc un jeu de Naughty Dog, évidemment, sorti en 2011. Les troisièmes aventures de Nathan Drake et de sa petite troupe. Donc, voilà, une nouvelle aventure de Nathan Drake. Pourquoi je l'ai mis? Je sais qu'il s'appelle Drake's Deception, qui ne veut pas dire déception, hein, c'est pas décevant en anglais, hein, c'est plutôt les mensonges et comment on détourne les gens. Mais en tout cas, je sais que ça a été une déception pour pas mal de joueurs, en fait, qui a, même pour toi, je crois, d'ailleurs. Un petit peu. Et parce que justement, mais il est passé après le 2 qui était voilà, un grand jeu, probablement un des plus grands jeux de la décennie précédente, qui avait un peu tout dynamité. Et moi je l'ai mis parce que j'ai beaucoup d'affection. Bon, en même temps j'ai de l'affection pour tous les jeux de la saga, donc c'est un peu facile. Mais j'aime beaucoup ce jeu-là. Effectivement, le rythme n'est pas du tout le même que celui du 2. Mais c'est un jeu en fait qui paradoxalement je trouve est jamais aussi bon que quand justement il veut pas faire de l'épique. Les scènes épiques sont super, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est justement dans les moments de creux qu'il est bien, je pense. Et je trouve que le scénario, la narration, en fait, mais je trouve qu'elle est plus posée, plus intime, en fait, et pour moi aussi plus lyrique que le 2. J'ai beaucoup aimé l'écriture. Et donc voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup d'affection. Je le défends souvent. Peut-être que je mettrai le 2 en termes d'expérience de jeu au-dessus, mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'en fait, dans les non-dits, dans les ellipses, ils arrivent à très bien gérer ça. Le personnage du méchant dans celui-là est différent. Celui-là du 2 était un peu raté, c'était un peu le boss un peu bourrin. Ouais. Celui-ci est beaucoup plus réussi. Et voilà, et donc même s'il y a de la redite par rapport au 2, son plus grand défaut, c'est quelque part de passer juste après le 2, peut-être. Et les gens attendaient. Oui, effectivement. Puis c'est vrai qu'au niveau du traitement de personnage, mais les gens sont déçus et disent: ah oui, mais un tel personnage, on le voit vraiment pas assez, ça sert à rien, etc. Par contre, si on est fan de Sully, c'est le gros atout du 3. Ouais, Victor Sullivan. Parce que ça développe justement l'histoire, comment ils se sont rencontrés, etc. Donc ça j'ai trouvé ça super cool. Et moi, j'aime beaucoup ce duo avec Sully qui marche très bien jusqu'à la fin. Ouais, voilà, donc Sullivan qui est son mentor. Là, on va voyager pas mal. On va aller du côté de la péninsule arabique, mais pas de suite. Et c'est ça aussi que les gens pensaient qu'on serait vraiment dans le désert, tout ça. Mais on va pas se faire un tour par la France, la Syrie, des niveaux qui plaisent pas forcément parce qu'ils sont assez calmes et tout ça. Moi, j'adore. En fait, moi, c'est paradoxalement, c'est vraiment la première partie du jeu que j'aime la plus. Celle-là, juste celle-ci. Bah, l'intro à Londres, elle déchire. Hein. Dans un pub londonien. Puis même dans les égouts, etc., à chercher des trucs. Enfin, moi, j'avais beaucoup apprécié le prologue, on va dire. Et puis surtout que techniquement, donc c'était l'époque où quand il le développe, donc c'est toujours Ami League qui est dessus. Il y avait une équipe aussi de. Il y avait deux équipes qui étaient en train de bosser. Enfin, c'était un peu partagé, Naughty Dog, puisqu'ils étaient déjà en train de bosser sur The Last of Us. Et pourtant, ils arrivent vraiment à faire un super boulot. Alors là, c'est pareil, hein, le crunch, ça a dû y aller. Hein. Mais ouais, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Il y a des personnages, comme tu dis, qu'on revoit moins. Et pourtant, genre Elena, qu'on voit moins, moi j'aime beaucoup son utilisation. Et enfin, voilà, il y a un truc d'écriture que j'aime vraiment dans ce jeu-là. Peut-être que je en termes de jeu, je te dis, je préfère sans doute le 2, mais peut-être qu'en fait, quelque part, il y a un truc qui me touche plus dans le 3. Et il y a aussi probablement la meilleure BO de l'ensemble de la saga. Hein. Donc, les trois premiers jeux, c'est Greg Edmondson, hein, qui est connu notamment parce qu'il a fait la BO de la série culte Firefly. Et donc, en fait, l'OST est super. Et donc, voilà, c'est du Uncharted. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas mon GOTY. Mais je vais te laisser parler de toi, ton GOTY de l'année 2011. C'est un jeu dont tu avais déjà parlé, en fait. Ouais. Ben, c'est Portal 2, tout simplement. Je pense que ouais, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué à l'époque. Parce que c'était pas une suite que j'attendais particulièrement par rapport au premier Portal, qui était un jeu concept, où il y avait de bonnes idées. Dans la narration, dans l'histoire et forcément sur les mécaniques, avec la mécanique des portails, effectivement. Et j'étais sceptique sur le 2 parce que je voyais pas trop ce qu'il pouvait faire. Et en fait, J'étais étonnamment surpris, le jeu est beaucoup plus long. Il y a une histoire qui est franchement intéressante et amusante, enfin avec un personnage Wette qui est franchement drôle. Et j'étais surpris de m'attacher à ces personnages qui sont pas humains évidemment parce que c'est des IA. Et donc voilà, bonne expérience. Et à un moment donné où tu te dis, bah, tiens, ça va être une expérience courte comme le premier, et bah, là tu te dis, bah, tiens, là le jeu il va se terminer. Et puis là le jeu te surprend, et puis non, tu pars dans un nouvel arc où tu vas découvrir et explorer les vestiges des premiers laboratoires de Aperture Science qui ont un côté vraiment rétro. T'as l'impression d'être dans les vieux labos de la NASA des années 50-60, etc. Avec beaucoup de nouvelles mécaniques dans le gameplay, etc. Et un final en apothéose, moi franchement ça m'a vraiment marqué. Et ouais, franchement moi je trouve que c'était une super suite. J'ai pas du tout été déçu. C'était une sacrée surprise. Donc c'était un jeu Valve, hein, on va le dire, parce que c'est à l'époque où ils faisaient des jeux, encore. C'est à l'époque où ils sortaient des jeux de temps en temps. Ouais, Half-Life 2. Voilà. Et qu'ils n'achetaient pas des studios pour les faire bosser sur des projets, mais pour après les flinguer. Je te sens encore amer là-dessus. Je suis très amer, oui, sur cette histoire. Nous parlons évidemment de l'affaire Campo Santo et de l'ensevelissement de In the Valley of Gods, qui malheureusement a l'air un peu momifié. Mais bon, on va revenir sur nos GOTY. Donc moi, le GOTY de l'année 2011, c'est Skyrim, donc Elder Scrolls 5. Donc un jeu développé par Bethesda Game. Donc Skyrim, bah c'est pareil en fait, donc j'avais déjà aimé forcément Morrowind, ça avait été assez une claque à l'époque quand il était sorti. Oblivion aussi, forcément, donc les deux précédents jeux. Et celui-ci en fait, si je l'ai mis, bon alors, donc c'est un RPG, action RPG, hein. Tu t'en souviens toi ou tu l'as fait en anglais aussi? Moi j'ai pas fait ce jeu en fait. Ah bah attends, je t'ai persuadé que t'avais fait Skyrim. Bon, bah je sais pas pourquoi. Ah non. Typiquement, enfin, j'avais commencé et j'ai pas du tout accroché à l'univers. C'est exactement ce que je disais avec, avec The Witcher, Heroic Fantasy, à la base c'est pas mon kiff. Et Skyrim, mais même Morrowind que j'avais essayé à l'époque, j'arrive pas à rentrer dedans. Et donc voilà, j'ai tout simplement pas fait ce jeu malgré toutes ses grandes qualités, j'en doute pas. Non, ouais. Je suis pas accroché. Et c'est bug, hein, parce que c'est un jeu Bethesda, donc forcément il sort un peu buggé. Ouais. Mais après, il y a toujours des super modes et des super. C'est horrible en fait, c'est parce que c'est les jeux Bethesda. À chaque fois, des mecs sortent des super modes, tu dis bah, je vais réinstaller pour tester, et puis après, tu repars pour Center, quoi. Et c'est juste insupportable. Mais bon, on le sait, c'est comme ça, c'est leur charme. Donc voilà, donc on se trouve dans le royaume en fait, donc de Tamriel. Avec une histoire avec des dragons, le fait de pouvoir. Comment ça s'appelle, être le Dragonborn, hein, le joueur qu'on, enfin, le personnage qu'on joue, donc on va créer, hein, on va créer son ethnie, on va créer si c'est un homme, une femme, tout ça, ses caractéristiques, bref, pur jeu de rôle. Et ce qui est assez amusant avec ce jeu-là, c'est que j'ai dû passer, mais je sais pas combien d'heures, au moins 200 heures, et je l'ai jamais terminé. Je crois qu'il doit me rester j'ai dû faire de la quête principale, qui est pas la plus intéressante au truc du jeu, hein, loin de là. J'ai dû faire de me rester le dernier acte en fait à faire de la quête principale, et j'ai poncé tout le reste, même j'ai quasiment fait après tous les DLC qui sont sortis, et j'ai jamais bouclé ce jeu là mais l'expérience en elle-même me suffisait, tu vois. Et il y a une espèce de contentement quand tu parcours ce monde là c'est vraiment hyper agréable. La direction artistique est top, les différentes quêtes sont vraiment intéressantes, et c'est même pas forcément que les quêtes, même s'il y a des super arcs, hein, parce qu'on va pouvoir influer sur l'Empire version les rebelles, hein, c'est pas Star Wars mais c'est un peu ça. Les confréries d'assassins, de mercenaires, mais c'est même juste se balader, se découvrir, se faire happer par cet univers là en plus, c'est donc l'artistique est super beau, ça happe. Il y a la musique de Jeremy Saul, compositeur, qui met une musique extraordinaire, hein, probablement. Ben, on fera pas les tops des plus grandes OST en fait de la décennie, mais moi je le mettrai dedans parce que c'est elle est dantesque. Et c'est vraiment moi un jeu en plus, anecdote personnelle, enfin c'est pas une anecdote, donc il est sorti à l'hiver en novembre 2011, hein. Et c'est à un moment où en fait j'avais vraiment des problèmes à la fois de santé, puis même des problèmes dans ma vie, et en fait j'étais limite agoraphobe, limite pas sortir de chez moi et d'aller juste au boulot ou faire les courses, mais j'avais vachement peur de tout. Et ce jeu en fait, je me dis pas qu'il m'a sauvé la vie, mais il m'a permis vraiment en fait de voyager différemment, de me sortir un peu l'esprit d'autres choses. Et donc c'est rien que pour ça en fait que c'est mon GOTY en fait. c'est parce que c'est pour l'expérience, c'est ce qui m'a amené à ce moment-là, même si j'aurais pu mettre Uncharted 3, parce que quelque part, je refais beaucoup plus Uncharted 3 que Skyrim, mais voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a apporté, et c'était vraiment une respiration à ce moment-là, et c'est ce que ce jeu est en fait. Il permet de vraiment, on peut rentrer dedans, il offre une respiration, il offre, peu importe si on fait le jeu en entier, si on fait quelques quêtes, ou si on fait juste que se balader, et je crois que c'est un peu le but aussi des open world aussi, c'est pas que être un bac à sable en fait, c'est une différence entre les open world et les bacs à sable, c'est pas forcément la même chose. Et là c'est vraiment, voilà, c'est à la fois il ouvre le monde, mais il ouvre aussi le joueur pour peu qu'on ait envie de s'y mettre. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce jeu là en fait c'est mon GOTY de 2011. Et donc voilà, donc je dis merci Bethesda, rien que pour ça je ne pourrais jamais te haïr, même si après à chaque fois tu nous sors des jeux qui sont buggés et tu comptes sur ta communauté pour corriger tout ça. Pour les réparer. Exactement. Ils sont forts chez Bethesda. Ah, c'est... Mais on les aime bien et à chaque fois on revient pour leur jeu. On va déboucher en 2012 avec des jeux dont on, deux jeux dont on a parlé. Alors toi, il est dans ton top, c'est Diablo 3. Donc on a parlé, quand on parlait des suites qui nous ont déçus, comme un qui est dans mon top aussi, qui est Max Payne 3, qu'on a parlé dans le podcast aussi des suites qui nous ont déçus. Donc c'est paradoxal, ils sont dans le top parce qu'on trouve que ce sont des bons jeux, même des très bons jeux, mais c'est juste qu'ils nous ont déçus par rapport aux jeux précédents de la licence et par rapport à ce qu'on en attendait en fait. Exactement. Donc on va peut-être pas revenir là-dessus, on va peut-être avancer. Hein. Ouais, parce que sinon on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir et on sera mort avant que ce soit fini, mort comme il y a dans The Walking Dead qui débarque en 2012. Il est dans notre top à tous les deux. Au début j'ai failli mettre un GOTY. Et finalement, j'ai fait un choix. Après, je me suis dit non. On a le même GOTY parce que voilà, parce que c'était obligé. Mais The Walking Dead, quand même, qui est un jeu important. C'est le jeu qui marque vraiment le renouveau de Telltale. C'est avec ce jeu-là, parce qu'ils vont voir, d'ailleurs, je crois le Game Award. Alors les awards, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais là, c'était quand même assez intéressant qu'un jeu comme ça épisodique, donc qui sort en 2012, hein, surtout dans l'année 2012, en 5 épisodes. Donc Telltale Games, hein, qui a été créé par comment ça s'appelle, des anciens de Lucas Film Games ou Lucas Art après. Donc il débarque, donc c'est la célèbre, c'est adapté hein, de la série de comics de Kirkman. Il y a aussi la série télévisée, mais pour le coup le jeu vidéo s'inscrit vraiment, si on faisait un canon, dans l'univers des comics et non celle de la série télé. Et on va croiser des personnages des comics. Et donc format épisodique, c'est un jeu qui est une sorte de point and click aventure en fait, hein, c'est comme ça qu'il est vendu, même si le côté des puzzles et point and click va disparaître progressivement, mais dans la première saison, c'est quand même là. Et en fait, ça parle de quoi, ben, Macrémic, tu vas dire de quoi ça parle. Donc ça se passe en parallèle avec les événements de la BD, en fait, donc, et l'apparition des zombies. On va suivre des personnages avec des profils complètement différents, et donc il y a notamment un... Alors désolé, par contre, j'ai oublié son nom. C'est Lee. Pardon ? Lee. Lee, il s'appelle Lee, comme le général. Lui, en fait, il était... Ouais, sauf que lui, il est noir et que le général, il était plutôt avec les confédérés, avec les sudistes, donc... Mais bon. Donc, c'est un taulard, en fait, il était dans une voiture de police en plein transfert. Et donc, suite à ce bordel, la voiture va avoir un accident. Il va s'en sortir et donc il va intégrer... une communauté de survivants où il va faire notamment la connaissance de Clémentine, donc une petite fille qu'on va retrouver dans les autres saisons de Walking Dead. Et voilà, donc tous les personnages sont réussis, il y a pas de problème là-dessus. Mais ce duo-là marche franchement bien. Et voilà, sans spoiler, je veux dire, à la fin, ça te brise le cœur, tout simplement. J'ai pas énormément de souvenirs sur toutes les aventures de la troupe, mais certains quand même. Hein. Mais la fin, c'est déchirant. Ouais. Oui, parce qu'en fait, quelque part, avant de tomber, en fait, c'est parce qu'on va croiser des personnes au fur et à mesure de l'aventure. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui vont disparaître. Il y a des choix. Alors, c'est le fameux attention, ce que vous allez dire va faire des choix, mais les choix ne comptent pas toujours. C'est l'illusion du choix, c'est propre au jeu Telltale. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment le côté un père de par procuration, un Lee qui va essayer de prendre sous son aile cette petite fille-là. Et le rapport qu'il y a entre les deux est vraiment magnifique. On fait un voyage comme ça, c'est dans ce côté post-apo. Et effectivement, oui, il y a une ambiance. La musique est une musique assez, assez intimiste, assez calme. C'est Jared Emerson Johnson, hein, qui est le compositeur attitré de Telltale, qui a toujours fait du boulot super sur les différents épisodes et différents jeux dans lesquels il aura bossé. Et un truc qui est très intéressant, c'est que ce premier épisode-là, il y a quand même les deux auteurs principaux en fait de cet épisode-là, de cette saison-là, hein, parce qu'en fait on savait pas qu'il y aurait plusieurs saisons. Hein. Pour le coup, ils ont fait le premier et après ça fonctionnait, il y a eu les suites. C'est en fait Sean Vanaman Jason Rodkin. En tout cas, c'est Rodkin, son de famille. Je sais jamais si c'est Jay Jason. Et en fait, ils sont les deux personnes qui après vont quitter Telltale à la fin de cette première saison-là pour aller fonder Campo Santo. On revient chez eux. Et maintenant, les chances c'est Valve. Merci Valve. Allez, encore un second tacle. Et donc voilà. On retrouve déjà dans ce qu'on va retrouver par la suite dans leur jeu, hein, chez Campo Santo. C'est cette ambiance-là, cette manière de nouer en fait des liens de manière très mature et à la fois très très intime. Ça touche à l'intime. Il y a un côté pudique. C'est super bien écrit. Et ce qui fait que le jeu va toucher un public qui d'habitude n'est pas forcément le public de ce genre point and click. Et d'ailleurs, ça va toucher même plus le public extérieur que les grands fans de l'aventure point and click, qui eux vont trouver les puzzles quand même pour le coup très simples. Et puis derrière, à la fin, aux saisons suivantes, comme je disais, peut-être elle va laisser tomber ça parce que c'est vraiment pas là où ils sont les meilleurs. Et c'était plutôt un frein qu'autre chose. En fait, c'est peut-être le défaut principal de cette saison 1 de ce premier jeu. En fait, c'est ces puzzles qui servaient un peu à rien. En tout cas, voilà, c'était un vraiment super beau jeu qui lance après Telltale. Et voilà, c'est le début de la gloire. C'est pas leur premier coup d'essai, parce qu'il faut préciser que Telltale, avant, ils avaient bossé, donc ils avaient fait des séries par épisodique sur des grosses licences. Ils avaient fait Jurassic Park, Retour vers le futur, etc. Ouais, mais c'est ce qui les fait connaître du grand public, en fait. Mais on va parler de notre GOTY quand même, qui est un GOTY qui est développé par BioWare, édité par Electronic Arts. On retrouve encore Casey Hudson à la baguette, mais pas chez les auteurs. Drucker Pichin, lui, était parti entre-temps. On parle bien sûr de Mass Effect 3, donc un action RPG qui est à la fin de la trilogie Shepard, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce Mass Effect 3? Bah oui, bien sûr que je peux t'en parler. Mass Effect 3, c'est sans transition la suite quasiment directe du 2. Où ça y est, la menace arrive, la Terre est directement confrontée aux Reapers. C'est quoi en français? Les moissonneurs? Ouais, c'était les moissonneurs. C'est bien, tu fais les questions-réponses. Ah oui, t'as vu? Oui, voilà. Je suis très fort. Je pourrais travailler au gouvernement. Et donc, ça y est, donc, le but de Shepard, c'était de dire à toute la communauté, non mais ils arrivent, il s'agirait peut-être de se bouger le cul. Et au final, bon, c'était très compliqué parce que du coup, il s'est rangé du côté de l'Alliance. Il a quitté Cerberus parce qu'il s'est aperçu que l'immotivation de l'homme trouble, The Elusive Man, était un petit peu... Enfin, éthiquement, c'était pas type... mais bon, c'est un antagoniste qui rêve aussi de pouvoir. Donc voilà, donc là, le but, c'est que ça y est, la guerre est là. On est vraiment en état d'urgence, ils sont déjà en train de ravager tous les mondes, faut y aller, c'est vraiment la guerre. Donc là on est complètement dedans. Il y a toujours cette situation d'urgence où il va falloir aller sauver des mondes et ça y est, mais ah non, mais on a peut-être trouvé un truc sur les archives sur Mars qui était la planète où on avait trouvé la technologie des mass relays, etc. C'est là où on avait qui avait propulsé technologiquement la Terre, enfin les humains, technologiquement c'était un bon. Ouais, puis il y a une civilisation en fait qui a disparu, mais qui est... Les Procéennes. Ouais, voilà, exactement. Et voilà, et donc c'est ça qui leur a ouvert les portes de la galaxie et du voyage, et qui leur a permis de découvrir aussi les autres espèces de la galaxie. Et donc voilà, donc il y a peut-être une solution, on a peut-être une solution pour annihiler donc là c'est le rush final. Il va falloir aller dans plein d'endroits différents pour récolter des plans, des trucs, etc. Ouais, d'ailleurs, ce qu'il faut dire dans Mass Effect 3, c'est pareil, donc on va avoir encore un crew un peu différent, donc c'est toujours pareil, hein, ça va être un mix entre des nouveaux personnages, on va recroiser des anciens, même des fois on va croiser des personnages qui vont pas forcément dans notre crew, mais donc on va pouvoir là encore influer en fait sur ce qui va vivre ou pas, qui va nous rejoindre ou pas. Il y a vraiment, comme tu dis, ce côté d'urgence. D'essayer de capitaliser le maximum de force et le maximum aussi eh ben, de matière, de économique, écologique, enfin bref, tout ça pour essayer de faire une sorte de coalition en fait contre les moissonneurs qui veulent donc tout ravager, hein, c'est un peu leur but, hein, classique. Donc voilà, donc un jeu qui est vraiment pour le côté encore dans l'épique, encore dans l'action, c'est encore plus développé ce côté action là. Le jeu en fait a pu décevoir. Moi je sais que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je trouve que le 2 est meilleur, mais je trouve qu'il y a quand même, comme tu dis, ce côté un peu désespéré qui est bien rendu. Il y a des niveaux qui sont extraordinaires, il y a des quêtes qui sont vraiment très bonnes, et puis il y a la fameuse fin. On va peut-être en parler un petit peu de cette fameuse fin là qui est super bien, mais qui, quand elle est sortie, elle était un petit peu tronquée, ça avait été un peu rushé. Alors je sais plus trop comment ça s'est passé, je pense que Electronic Arts est peut-être dans le coup pour essayer de sortir le jeu à la date prévue. Oui, possiblement, oui. Et donc une fin là qui ensuite après a été refaite parce que les fans ont râlé, et les fans ont été après écoutés. Il y a beaucoup de monde qui a râlé, ouais. Ouais, donc ça a déçu beaucoup de monde. On a dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette fin de merde, etc. Effectivement, sous la pression, on va dire ça comme ça, et ils ont sorti un patch gratuit, encore heureux. C'est quoi, c'était Extended Cut, ouais, qui permettait d'avoir une fin qui était moins, parce que c'est vrai que c'était quand même assez rushé, et c'est dommage parce que la fin était quand même bien. Moi je la trouvais bien, et je suis jamais, j'aime pas faire ça sans marre. Bon, après là c'est vrai que ça améliore encore le jeu, mais le coup du ouais, mais on est les fans, j'aime pas en fait la dictature des fans non plus. J'avoue que quand c'est ce truc là alors je pense que les créateurs en eux-mêmes avaient été un petit peu bousculés par l'éditeur. Donc au final c'est pas plus mal, hein. Mais j'aime pas la dictature des fans de manière générale. C'est pour ça que j'aime pas les mecs qui gueulent après George Lucas quand il fait sa prélogie. Ils ont le droit de pas aimer, hein, mais d'aller voir quémander des choses. Comme ça que je n'aime pas du tout les mecs qui ont gueulé avec l'affaire Sonic récemment, en disant oui mais il ressemble pas machin chouette à Sonic. Alors maintenant après ils étaient contents parce qu'on leur a fait un Sonic qui leur ressemble, et là on s'est rendu compte que le studio a fermé, qu'en fait ils ont fait des crunchs, que leurs heures seront pas payées, tout simplement pour faire plaisir aux fans. Et puis les producteurs qui sont aussi coupables, hein, qui disent ah mais vous voyez, on vous a écouté, mais par instant ceux qui traînent ce sont les créateurs et les artisans donc de l'industrie, et ça c'est un truc qui m'énerve assez. Et je comprends cet aspect fan, hein, moi je l'ai aussi, hein, mais j'avoue que c'est vrai que c'est toujours dur de se placer là, même si après on est évidemment content d'avoir une fin peut-être plus digne de ce qu'est la saga Mass Effect. Donc après bon voilà, je pense qu'en fait c'était plus du, enfin ça a pas été ils ont pas tout refait, donc bon voilà, en termes de boulot c'est peut-être pas comme s'il y avait du crunch dans tous les sens, mais voilà, je suis toujours un peu entre deux sur ce truc-là. Bon, en tout cas, cette Extended Cut existe, elle bonifie encore plus le jeu, ça permet aussi de pouvoir dire au revoir à certains personnages de manière plus, on va dire, plus posée. Mais c'est vrai que c'est un truc qui avait assez râlé à l'époque, mais n'empêche qu'en l'état, le jeu, pour moi maintenant, donc, eh bien, c'est un peu notre GOTY. Donc on va pas revenir à ce qu'on a dit avec Mass Effect 2, mais voilà, c'est une trilogie. Alors je sais que toi on a été les deux déçus par Andromeda, toi beaucoup plus que moi, mais en tout cas la trilogie Mass Effect, voilà, c'est un truc que vous pouvez trouver vraiment sur console, donc sur les anciennes consoles, hein, de génération, ou sur PC. Il y a des modes sur PC qui permettent vraiment encore le jeu, il tourne encore très bien, et puis il est quand même vraiment assez beau, la direction artistique fait que franchement ça passe encore super bien. Le premier peut-être pique un peu, et encore franchement c'est sympa. Non, franchement ça passe. Et donc encore une fois, super direction artistique, les quêtes sont bien, les personnages sont vraiment touchants. Les nouveaux sont peut-être moins bien, mais comme on recroise les anciens, ben, ouais, ça marche super bien. Ouais. Certains nouveaux sont un peu moins bons. Ouais. Mais voilà. Dans l'ensemble, c'est quand même un super grand jeu, et c'est notre GOTY de cette année, en fait, 2012. Bonne BO aussi, faut le signaler, malgré le retrait de Jack Hall. Alors désolé, je confonds toujours les deux. Je confonds toujours Clint Mansell et Cliff Martinez. Tu vas me dire lequel des deux c'est est le Clint batteur. C'est Clint Mansell qui... Mais Clint Mansell, en fait... Clint Mansell, donc, qui est connu pour notamment les OST des films de Aronofsky, hein, notamment The Fountain, qui est une OST extraordinaire. Même si vous n'avez pas vu le film, si vous n'aimez pas le film, l'OST en elle-même est fantastique. Évidemment, connu aussi, puisqu'il y avait le Kronos Quartet sur le thème de Requiem for a Dream, donc toujours Aronofsky. Clint Mansell qui fait quelques thèmes du jeu, mais c'est pas lui qui a fait toutes les musiques. Ils sont nombreux à l'avoir fait, donc il y a Samuel Leak, il y a Chris Velasco aussi qui est dedans, qui fait des bonnes musiques. Je sais plus trop, mais en tout cas, il y a des très belles OST comme tu dis. Oui, il y avait une petite déception parce que les gens se disent oh mon dieu, Jack Wall n'est pas dans le 3, etc. Et puis bon, au final, effectivement, c'est un style différent, mais la BO de Mansell est quand même très très bonne. Très bien. Après, comme je te dis, Mansell, je crois qu'il est crédité sur 2-3 pistes, et après, c'est vraiment Samuel Leak qui était déjà dans le 2 avec Jack Wall, donc il y a une espèce de filiation quand même qui fait qu'on a quand même des superbes pistes. Bien sûr. Et c'est, non, voilà, grand jeu, grand OST, bref, on le conseille. C'était notre GOTY 2012, donc 2013, on passe à 2013, qui là, c'est la plaie pour aller faire un top 3, parce que c'est une année, moi, je pense que c'est probablement, pour moi, la meilleure année de cette décennie-là. Je crois que c'est même mon année préférée du jeu vidéo. Alors, je sais qu'il y a des années comme 98 qui ont peut-être plus marqué avec les jeux qui sont sortis, mais moi, personnellement, en expérience de joueur, 2013, pour l'instant, est mon année préférée du jeu vidéo. Voilà, c'était pour l'anecdote. Donc, plein de grands jeux. Il y a des petits jeux indés aussi. Gone Home, moi, il était sur mon top 3. Gone Home, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. J'en ai parlé récemment dans le podcast, justement, sur... vous pouvez retrouver, c'était sur Halloween, je crois. Donc, je vais pas revenir là-dessus, mais Gone Home, moi, c'est un jeu indépendant qui m'a beaucoup marqué, hein, donc, par The Fulbright Company, écrit donc notamment par... Steve Gaynor, donc voilà, donc c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Un autre jeu aussi qui était un reboot qui débarque en 2013, qui a failli se retrouver sur mon top, mais qui s'est retrouvé sur le tien, c'est Tomb Raider de Crystal Dynamics. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Bon, Tomb Raider. Oui, rapido, en sachant que c'est pas le premier Tomb Raider de Crystal Dynamics, mais celui-là c'est vraiment celui qui reboot le scénario avec une Lara jeune au tout début de ses aventures. Et voilà, et moi franchement j'ai beaucoup aimé, que ce soit l'ambiance, le gameplay, etc. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu, les thématiques, etc. La construction du personnage aussi, même si les mecs ils disent non mais attendez, c'était une petite nature, et puis à la fin elle dissoude. Ouais, il y a des transitions qui sont peut-être un peu trop flagrantes, mais bon, c'est le côté. Hein. Il y a côté Rambo en fait. Oui, voilà, mais bon, c'est le gameplay qui veut ça, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce reboot. En tout cas, bien plus que les deux autres jeux qui ont suivi après, mais bon, ça, on va pas en parler. Ouais, ben moi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué aussi. J'étais jamais été fan de Lara Croft avant. Donc, Crystal Dynamics, d'ailleurs, ils avaient fait beaucoup de jeux, Tomb Raider, hein, c'est eux qui ont fait. Je fais une dédicace d'ailleurs, s'ils n'écoutent, à Mathieu, donc j'allais dire Break Culture, mais qui est maintenant aussi sur Naughty Dog Mag et sur JV France, parce que c'est un grand fan de Tomb Raider. Et les gens qui nous suivent sur Twitter savent très bien qu'on adore se chambrer là-dessus, parce que lui est fan des anciens Tomb Raider. Il a détesté les reboots et les jeux qui sont arrivés après, et que moi j'adore Lara Croft via les reboots. Souvent ça donne lieu à des passes d'armes, mais toujours entre gens de bonne compagnie sur Twitter, et je sais que les gens aiment bien nous voir s'amuser à nous batailler l'un l'autre là-dessus. Donc voilà, un petit coucou à Mathieu s'il nous écoute, et c'est un grand fan de Tomb Raider, donc Crystal Dynamics qui avait fait pas mal de Tomb Raider hein, avant, et qui donc là passe vraiment à autre chose. Donc comme tu dis, c'est un côté vraiment survival, il y a un reboot du personnage. Moi c'est là vraiment que j'ai adoré ce perso. Ça reste, je pense, aussi mon préféré des trois. Par l'ambiance qu'il y a, le côté vraiment viscéral. Et donc voilà, donc c'était vraiment un jeu donc sur une île, hein, sur l'île de Yamatai. Donc Lara qui mène l'enquête. Et après, voilà, il y a un côté un peu fantastique qui va apparaître parce que c'est le cas. Et comme tu dis, après, il y aura deux suites, moi que j'ai bien aimé, notamment la troisième, mais qui ne m'auront pas fait l'impact que m'aura fait ce reboot de 2013 qui était vraiment un jeu marquant de cette année-là. Donc voilà, pas sur mon podium, mais il aurait pu y être. Un autre jeu de cette année-là qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Alors, est-ce que je fais ton GOTY ou est-ce que je fais mon GOTY? Parce qu'on a inversé les deux titres. Ouais, dans le sens que tu veux, peu importe. Bon, ok, ben je vais te laisser parler. De toute façon, je l'adore aussi, il aurait pu l'être le mien. On va parler donc de ton GOTY, d'un jeu qui sort donc en 2013, qui est la nouvelle IP hein, à l'époque, puisqu'on les connaissait par Uncharted notamment, de Naughty Dog, et puis d'autres jeux avant, Jak and Daxter, Crash Bandicoot, c'est The Last of Us, donc sorti en 2013. Un jeu qui se passe pendant une pandémie, hein, apocalypse, alors zombie, en tout cas infecté, où on va suivre donc Joel, donc qui est un quadragénaire, même peut-être un quinquagénaire, pas loin, et qui va se retrouver à accompagner une jeune fille qui s'appelle Ellie, qui n'est pas Ellen Page, et parce que c'était l'année où il y avait des jeux qui avaient des personnages qui ressemblaient à Ellen Page, parce qu'il y avait aussi Beyond Two Souls de Quantic Dream, mais pour le coup c'était vraiment Ellen Page. Ellie n'est pas Ellen Page, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont un peu modifié le perso au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Last of Us, que tu peux en parler toi, je pourrais en parler moi aussi, mais je préfère te laisser en parler, c'est ton GOTY. Ouais, tout à fait. Donc sorti sur PS3, exclusivité Sony. C'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. L'intro, L'intro m'a franchement marqué au début. Donc, bon, on sait pas trop ce qui se passe. Donc, on incarne un personnage, un père qui vit seul avec sa fille. À aucun moment, je crois qu'on parle de sa femme. Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'ils sont séparés, etc. Je me suis toujours posé la question. D'ailleurs, on n'écarte pas le père dans le prologue, on écarte la fille au début. Le tout début, on écarte la fille. Oui, Sarah. pardon, effectivement, on incarne la fille. Donc, il y a son père, il y a son oncle, etc. Et puis, brutalement, son père arrive et dit. Faut qu'on fonce, il se passe quelque chose. Donc la pandémie est arrivée, donc on incarne la fille, bon vite fait, donc on doit évacuer la ville. Qu'est-ce qui se passe? On passe une ferme à côté d'une ferme, mais voilà, donc il faut juste se barrer. Et mon Dieu, la fin du prologue. Donc bon, on va en parler, on va spoiler effectivement. Donc le père et la arrive à fille. Oh là là, je leur fais. Le père et la fille arrivent. Mais il y a un checkpoint qui est contrôlé par l'armée. Le mec demande des ordres. Il dit mais ouais mais il y a une fille et tout et il donne juste l'ordre de les tuer. Donc il tire dessus. Le père s'en sort. Sauf que la fille a pris une balle mortelle et mon Dieu quand elle meurt dans ses bras et que le thème se lance. Là, tu te dis, wow, je pense que ça va être un jeu qui va être chargé en émotions. Et effectivement, c'est le cas. Donc, bon, ça, c'était juste le prologue. Le jeu se passe des années après 20 où ans plus le tard, père ouais. a 20, ouais, 20 ans. Oh la vache. Ah ouais, donc, ouais, il est vraiment quinquagénaire. Donc, du coup, 20 ans plus tard, donc. Parce que il me semble qu'on dit qu'il avait eu sa fille très jeune. Bah on sait pas trop quel âge il a, je suis pas Je le. crois, mais c'est vaguement évoqué, Mais en mais plus peu c'est son importe. anniversaire, enfin en tout cas c'est pas loin de son anniversaire au début du jeu, elle lui offre un cadeau derrière une fameuse montre Bah après qui va oui, bah revenir. c'est complètement son anniversaire parce qu'il rentrait tard du boulot et puis sa fille en fait lui offre un cadeau, elle lui offre une montre, etc. Et tu vois qu'il y a une relation avec sa fille. Mais où est-ce que t'as trouvé l'argent pour cette montre? Ouais, je vends de la drogue et tout ça, Ouais. machin. Ben après c'est la qualité d'écriture de chez Naughty Dog, les mecs ils arrivent instinctivement, enfin très rapidement tu t'attaches au personnage, il y a vraiment une profondeur Ouais. et c'est pas tant l'histoire en elle-même parce que l'histoire après qu'on va suivre c'est une histoire qu'on a vue dans des films en mieux, dans des livres en mieux, hein, mais c'est en fait effectivement la manière dont les personnages le vivent et donc le joueur le vit, c'est ce qu'ils arrivent à créer entre qui est vraiment fantastique et ils ont vraiment un talent pour ça dans ce côté on va dire cinématique expérience au niveau du jeu et comme tu dis après ben voilà après ça lance ça lance le jeu 20 ans plus tard, parce que donc quand elle meurt, t'as un panneau en fait avec marqué juste The Last of Us, qui est une sorte de décalque de l'ouverture en fait d'un grand film auquel le jeu emprunte beaucoup pour moi, qui est Children of Men, donc Les Fils de l'Homme. Probablement un des plus grands films d'anticipation des années 2000. Et donc c'est vrai qu'après, ouais, voilà, et après on est parti pour cette espèce de traversée dans l'Amérique. Où finalement il y a les infectés qui peuvent faire flipper, mais c'est surtout par rapport à l'humanisation ou la déshumanisation. L'humanité est flippée aussi, et donc voilà, donc on incarne toujours Joël qui a pas franchement fait le deuil de sa fille, et là on va lui confier une mission extrêmement importante, donc c'est d'escorter Ellie, donc qui est une jeune fille qui est immunisée à la maladie, et donc il faut l'envoyer chez un groupe qui s'appelle les Firefly, rien à voir avec la série. Pour tenter de produire un vaccin, tout simplement. Espèce de road trip donc avec les rapports et donc c'est vrai que c'est la manière dont ils ne s'aiment pas forcément au début dont ils vont créer des liens parce que voilà parce que Joel c'est un anti-héros hein, c'est un mec qui a fait des saloperies tout ça on comprend bien que pendant ses 20 ans il a pas toujours été du enfin, voilà c'est un personnage très très Ah, mais sombre pour survivre, il le dit, ouais, ouais, tu fais des saloperies. et Ellie qui elle n'a connu que le monde tel qu'il existe maintenant donc il y a vraiment des super ça on va pas tout reparler en tout cas mais c'est un jeu vraiment extraordinaire mais vraiment un grand grand jeu. Une grande expérience en fait avec des personnages et qui va jusqu'au bout de son idée en fait, puisque je sais que la fin on a surpris quelques-uns. Alors, on va pas forcément la spoiler là, on pourrait, mais bon, c'est peut-être pas alors, pour ceux qui voudront le refaire. Mais en tout cas, au moins ils vont jusqu'au bout du processus de vraiment de l'humain plutôt que d'aller chercher des grandes théories quoi que ce soit. Et c'était vraiment une fin qui, moi je trouve fantastique parce que justement dans ce cas-là d'intimiste et de terriblement humaine, donc après il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, il n'y a pas de manichéisme ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est vraiment un jeu fantastique et donc qui se suffit à lui-même. Mais il y a eu un DLC qui va sortir une année plus tard, donc qui s'appelle Left Behind, où on voit un peu Ellie avec quand elle est plus jeune avant de rencontrer Joël, puis après on voit aussi Joël quand il est blessé pendant le jeu. Enfin bref, c'est un truc qui s'intercale entre les deux. Et donc il y aura le fameux The Last of Us Part 2 qui sort donc en 2020, donc l'année prochaine. Et on jouera Ellie, donc on verra bien, et ce sera peut-être un des jeux de la prochaine décennie. En tout cas, celui-là, moi c'est pareil, en fait, je pense que ça aurait dû être mon GOTY si la même année. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à décider lequel des deux jeux je mets en GOTY. Moi, mon GOTY, c'est un jeu que tu as aussi sur ton podium qui s'appelle Bioshock Infinite, donc qui est un jeu développé par Irrational Games, feu Irrational Games, puisqu'ils ont disparu depuis, ils vont disparaître en 2014. Donc avec aux manettes Ken Levine, le grand Manitou. C'est édité par 2K Games, et donc voilà, sorti en mars 2013, et je m'en souviens bien parce que quand je l'avais commandé la version collector et tout ça, et je ne savais pas que je partais pour... quand j'ai lancé le jeu, je pensais que je partais pour un grand Bioshock, un Bioshock, je suppose que toi comme moi, c'était un de tes jeux préférés de la précédente décennie, je parle du premier. Ouais, 2007, ouais, de mémoire, ouais. Un très grand jeu, ouais. Et donc voilà, moi je m'attendais, je me disais ah, ça va être super bien, puis il y avait ces trailers avec ce personnage, tout ça, bon, la demoiselle en détresse, je m'étais dit à l'époque, tiens, on va se lancer là. Et je ne savais pas qu'en lançant, un peu comme Last of Us, hein, qu'en lançant le jeu, j'allais jouer à mon jeu préféré de ma vie, en fait. Donc je ne pouvais pas deviner, même si c'est des jeux peut-être que... Enfin, c'est même pas un jeu, en fait, pour moi, c'est plus que ça. Et donc voilà, donc pourquoi c'est mon GOTY je pense que je ferai un spécial, je le dis à chaque fois, un Bioshock Infinite un jour, donc je vais pas non plus m'apesantir, juste l'histoire. Donc ça se passe en 1912, on joue Booker DeWitt. Alors un truc qui est amusant, c'est que Booker DeWitt, il est joué par Troy Baker, et Troy Baker qui faisait aussi Joel dans The Last of Us, parce qu'on l'a pas dit dans The Last of Us, mais les acteurs quand même sont super bons, donc le duo Joel et Ellie, donc Troy Baker et Ashley Johnson, c'est fantastique. Et dans Bioshock Infinite, c'est pareil aussi. Le duo est fantastique, à savoir donc Booker et après Elizabeth, donc Troy Baker et Courtney Draper. Donc Booker, qui est dans une espèce de détective privé, qui a des dettes, qui a un mec un peu pourri aussi, hein, qui est pas net du tout, et donc on lui propose de liquider ses dettes. Pour ça, il doit ramener une jeune femme qui s'appelle Elizabeth, qui est sur une cité volante. Alors dans Bioshock, c'était Rapture, la cité qui était sous les eaux, hein. Et là, c'est Columbia, la cité volante, donc en 1912. Et donc, c'est une cité où, en fait, tout est beau, tout est mignon, hein, en tout cas, quand on voit le décor. Mais derrière le décor, c'est quand même assez pourri. Et c'est très ancré dans le côté l'Amérique, les Américains blancs, croyants, tout ça. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui va créer, on va dire, le contexte du jeu. Et donc, on va récupérer cette fille-là et on va se rendre compte que cette fille-là, elle a des pouvoirs, elle peut ouvrir des failles, des tears, comme on dit en anglais. Et donc... un passage entre les différents des dimensions, les différents mondes. Donc je vais pas tout raconter, mais en tout cas c'est pareil, on va créer des liens avec elle. Et à ce moment-là, quand le jeu sort, Elizabeth est probablement, pour moi ce jour encore d'ailleurs, mais bon, j'ai une relation particulière. Mais pour moi c'est le personnage, en fait, le PNJ le plus vivant et le plus touchant jamais créé. Et donc voilà, et donc la façon, en plus c'est un FPS, hein, donc autant dans certains jeux où il y a beaucoup plus de cinématiques, tu peux créer en fait des rapports différemment. Là, c'est vraiment tout par le jeu, par le in-game, par la façon aussi dont il va raconter les choses, dont elle va se déplacer. C'est un personnage qui quasiment te devance toujours ou va faire ses occupations et ne te suit pas bêtement. Et rarement, en fait, elle est là derrière toi à rien faire. Et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est un personnage que moi, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc après c'est du FPS, donc bon, scène d'action, comme dans Bioshock, le premier du nom, c'était les plasmides, là ça sera les vigueurs, mais bon, ça sera donc des sortes de pouvoirs qu'on peut débloquer, hein, pour posséder les gens, pour envoyer des corbeaux, pour balancer des éclairs, pour cramer, bref, on peut faire des combos avec les armes. La musique, on retrouve Gary Schliemann qui fait une super OST, même si peut-être que dans l'ensemble, je préfère celle du premier... hein. Avec ses cordes, ça, c'était plus lancinant et mélancolique dans Bioshock et Bioshock 2. Bref, voilà, un grand, grand jeu pour moi. Alors, en plus, il y a un côté mindfuck, parce que voilà, au niveau du scénario, il y a tout un truc qui est assez, assez fabuleux. Voilà, c'est Ken Levine, hein, c'est un mec. Il nous manque beaucoup aux jeux vidéo, hein, il est temps qu'il fasse un nouveau jeu. Ils ont fondé un studio qui s'appelle Ghost Story Games. On n'a pas encore eu de jeu, donc voilà, ça commence à faire un petit moment. J'espère qu'on va le revoir, parce que c'est vraiment un auteur, un créateur qui manque aux jeux vidéo. Et bref, voilà, donc pour moi c'est le GOTY, parce que c'est vraiment un grand grand jeu, c'est un jeu qui m'a mis en larmes à la fin, et surtout quand il a fait un DLC qui s'appelle Burial at Sea, où on repart sur Rapture, et qui va conclure en fait toute la saga Bioshock, et qui là m'a foutu totalement en larmes aussi, donc voilà, donc merci, je ne vous remercie pas pour ça, En tout cas, c'est un grand, grand jeu. Toi, si tu avais envie de dire quelques mots, je te laisse la parole avant de passer à autre chose. Bon, t'as à peu près tout dit. Ensuite, moi, j'ai envie d'être un petit peu l'avocat du diable et de critiquer un petit peu le jeu. Globalement, j'ai vraiment kiffé. Enfin, toute ta direction artistique est à tomber. Il y a des passages, quand tu vas dans je sais quel niveau, il te sort le Requiem de Mozart, enfin, le Lacrimosa de Mozart, etc. C'est vraiment bien. Moi, le petit problème que j'ai avec les jeux Bioshock, c'est l'équilibre entre, on va dire, l'exploration, la narration et le gameplay. Donc, je trouve que c'est un petit peu le genre de jeu qui est un peu bouffé par le gameplay, qui est un petit peu, des fois, trop omniprésent, même s'il est mieux fait, plus dynamique que dans le premier Bioshock. J'ai pas fait Bioshock 2 personnellement. Et voilà, globalement, c'était bon. Et à la fin du jeu, moi, j'ai eu un sentiment très bizarre de. Comme si je savais plus quoi faire. Et peut-être aussi parce que j'étais un peu trop. Abreuvé d'éléments narratifs. Ça, c'est l'un des reproches que je fais au jeu. Enfin, le jeu a une bonne durée de vie. Enfin, je sais pas combien de temps il fait, mais admettons sur 20 heures. On te distille des événements de narration, enfin il a un rythme très bon sur l'ensemble du jeu. Et à la fin, eh ben, y a une accélération, t'as beaucoup d'éléments narratifs qui viennent, et ça va peut-être un petit peu trop vite et tu saisis pas certaines subtilités. Donc à la fin, tu es partagé entre l'émotion, parce que c'est un moment vraiment très, très, très émouvant, très, très chargé, et aussi des fois un petit peu l'incompréhension, tu te dis mais. Est-ce que j'ai pas raté un truc ? Est-ce que j'ai vraiment compris tout ce qui se passe à l'écran ? Donc voilà, c'est le petit reproche que j'ai à faire à Bioshock, mais reproche que j'ai pas du tout eu à faire, par exemple, dans les DLC qui sont, tu l'as dit, franchement, excellents. La fin, c'est vraiment du grandiose. Ouais, bah c'est un truc. Bah après, voilà, pour le coup, c'est un truc que j'ai pas envie de spoiler, même s'il y a longtemps. Mais effectivement, ouais, je vois ce que tu dis au niveau des infos, mais en fait, ça va avec le propos du jeu, parce qu'il y a un propos méta aussi sur ce qu'est le jeu vidéo et ce qu'est le rapport du joueur au jeu vidéo. D'ailleurs, je crois même qu'il y a un personnage, son personnage à un moment va dire « Mais je comprends pas », et Elisabeth va te répondre « Oui, mais c'est pas grave, ça ne changera rien ». Et c'est un jeu, en fait, qui peut, et je sais qu'il y en a qui ont détesté pour ça, parce que c'est un jeu qui te fait comprendre, en fait, que justement, tu ne maîtrises pas tout, il te le balance à la gueule, et ça peut vraiment ne pas plaire. Et c'est pour ça que ça me fait penser à une série qui lui emprunte beaucoup, hein, la série Westworld, qui est un peu dans ce genre-là aussi, qui sait qu'elle est brillante et qui va te le montrer, et si t'as pas toujours suivi comme ça, tu peux ne pas aimer parce qu'il te le dit clairement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de parallèles entre Bioshock et Westworld, pour plein d'aspects. Et donc effectivement, voilà, la manière dont ils te balancent des infos, effectivement, à la fin, c'est limite, mais c'est volontaire, hein, il t'enlève le contrôle du jeu, il t'enlève toi le contrôle en tant que joueur. Et c'est toi, tu subis, toi, le personnage subit et toi, tu le subis. Et effectivement, ça peut vraiment désarçonner. On va passer à l'année 2014. On prend vraiment beaucoup de temps. Année 2014 qui débarque donc dans mon top. On va passer assez rapidement sur lui, mais j'avais bien aimé. C'était un peu le renouveau pour cette saga-là. C'est Wolfenstein The New Order. Donc c'est Machine Games, hein, publié chez Bethesda, développé par Machine Games. Donc on retrouve William Beji Blazkowicz. Et donc New Order, bah, c'est un peu un univers dystopique, hein. Les Allemands ont gagné la guerre, on est dans les années 60, Blazkowicz il est encore en vie parce que bah, en fait, on le croyait mort mais il revient, et donc on va en fait dans cette Allemagne nazie, enfin ce monde, cette Europe nazie dystopique, on va aller taper du nazi, et aussi avec des combos d'armes et tout ça, donc c'est violent, c'est un FPS, c'est bourrin mais c'est assez jouissif, et il y a des scènes en fait... Il y a une écriture qui est plus poussée qu'on pouvait croire dans ce jeu-là. Donc voilà, moi ça avait été une très bonne petite surprise. Et c'était vraiment très, très, très intéressant. Ils ont fait une suite par la suite. Ah oui, fatalement. Mm-hmm. Que je n'ai pas fait, qui s'appelle The New Colossus. Mais en tout cas, The New Order était vraiment très sympa. C'était un jeu qui m'avait vraiment agréablement surpris. Et donc je l'ai mis sur mon podium de 2014. Ouais. Je l'ai fait aussi. On peut défoncer du nazi sur la lune. Et ça, c'est cool. Exactement. Déjà, rien que pour ça. De toute façon, voilà. De toute manière, défoncer du nazi. En règle générale, voilà. Référence un petit peu à Iron Sky, film complètement sous-coté que j'adore. Non, bon, bref. Et donc voilà, ils ont fait un Iron Sky 2 d'ailleurs, avec des dinosaures et Hitler sur des dinosaures, mais là je ne l'ai pas encore vu et je ne sais pas si je le verrai de suite. Un autre jeu, il n'y a pas des dinosaures, mais il y a des dragons, C'est Dragon Age Inquisition, et ça c'est pareil, c'est un jeu, il y avait eu les deux premiers, donc Dragon Age Origins, qui est un de mes jeux préférés, sorti donc en 2008 ou 2009, Dragon Age Origins. Ouais, juste après le premier Mass Effect, où on retrouve bien des mécaniques et les petits gimmicks, on voit bien que c'est le même studio qui a bossé sur les deux, avec notamment les magnifiques sorties de champ des personnages. Quand tu mets fin à un dialogue. Exactement, enfin, oui, les dialogues étaient fantastiques. Mais moi j'aime beaucoup Dragon Age Origins, c'est un de mes jeux préférés. Oui, non, super bon. Et que t'as toi aimé, tu vois, et là on va parler d'Inquisition. Alors le 2, moi c'est pareil, le 2, j'ai beaucoup d'affection pour le 2, même s'il y a plein de défauts, mais on va pas s'attarder sur le 2. Ah oui. Plein de défauts en termes de construction de jeu, hein, de gameplay, de level design, sur tout ce qu'on veut, mais en termes d'écriture, je trouvais qu'il était très intéressant, très politique aussi. Mais on va pas s'arrêter là-dessus, on va aller sur Dragon Age Inquisition qui avait annoncé, qui n'était pas forcément attendu par énormément de personnes suite à Dragon Age 2 qui s'était un peu vautré. Moi j'attendais beaucoup parce que j'adore cette saga-là. Et donc c'était une très très très belle surprise, un très très bon jeu et qui sort et qui assume ce côté-là. Alors c'est pas de l'open world, hein, c'est des grandes maps avec des hubs. Et donc on va jouer donc un nouveau personnage, hein, ni le personnage du 1 ni le personnage du 2, donc le fameux Inquisiteur. C'est toujours écrit par David Gaider, qui était donc le créateur de la saga. Donc développé par BioWare, hein, toujours. Et donc voilà, un jeu qui est vraiment très intéressant. Donc il y a un côté très politique, puisque dans les premiers jeux, le premier jeu se passait en fait dans le royaume de Ferelden. Par la suite, on était juste dans la ville de Kirkwall. Et là, on va avoir les différents royaumes, hein, dont on parlait dans les précédents jeux. Il y a tout un univers qui a été créé autour de Dragon Age qui est très intéressant. Les livres, les artbooks là-dessus sont super beaux. Enfin, c'est vraiment, vraiment passionnant. Et toi, tu as aimé, et pourtant, c'est quand même un jeu qui est typiquement dans le côté fantasy, quoi, médiéval fantastique. Alors, qu'est-ce qui fait que t'aimes ? Là, bah, lui, j'ai accroché, va savoir pourquoi. C'est assez inexplicable. Enfin, déjà, parce que tu as toujours un côté épique, parce qu'il y a, bon, bah, t'as une quête où voilà, on a besoin de toi, parce que t'es le seul à posséder une marque qui peut fermer des failles, on va dire. Et moi, le gameplay m'avait plu. Enfin, on n'est pas du tout dans la richesse du premier qui était extrêmement tactique. On est plus dans la dynamique du 2 où en fait on incarne un personnage et il y en a deux autres à côté de nous. Et je sais pas, il y a un truc qui marche en fait. C'est, comme tu dis, c'est l'open world, mais c'est pas non plus. On te projette pas non plus dans un univers où on t'explique rien. On te guide un petit peu, tu sais qui tu incarnes, tu sais pourquoi tu es là, et voilà. Ensuite, bon, je t'avoue que maintenant j'en ai, enfin, des souvenirs sont un petit peu diffus, mais moi je sais que le jeu m'avait surpris dans le sens où on te dit il y a une menace, elle est identifiée, et à un moment donné, à la fin, tu te dis bah tiens, bah, le jeu il va se terminer comme ça, c'est fini. Et pas du tout. Et là, tu repars sur une aventure qui est beaucoup plus longue que ce que je croyais. Et voilà. Et avec des personnages, donc on retrouve des personnages du premier. On va retrouver notamment un personnage du 2, super, super important, vu que c'est le héros qu'on incarne. Enfin, dans le 2. On pouvait l'implanter, le 2, ouais. Et ils vont même mentionner, mais on ne le reverra pas, le personnage du 1 qu'on jouait, s'il est toujours en vie, parce que suivant les choix qu'on ouais. a. Ouais. Et après, c'est vrai que c'était le petit défaut. Tu dis, oh, vous devez contacter le héros de Ferelden. Ouais, t'inquiète, je vais le contacter. Ouais, non, mais en fait, il dit bon courage, et puis il te file un item de merde. Et là c'est un peu la ouais, déception. Ouais, il est occupé par autre chose. Et c'est hyper rageant, parce qu'en plus, moi j'adore, enfin, quitte à choisir, moi, le héros de Ferelden, ça reste mon héros préféré Dragon Age. Et puis en plus, il y a sa romance avec Liliana que tu recroises là, en fait, qui est un peu dans les généraux qui sont avec toi. Il y a plein de personnages intéressants. Et alors, en fait, grosso modo, c'est vrai que Dragon Age, c'est Mass Effect appliqué à l'Heroic Fantasy, quoi. Oui, oui, bah oui, c'est le même studio, voilà. On retrouve ces qualités-là et les défauts aussi, mais bref, c'est super intéressant. Les personnages, il y en a qui sont quand même vraiment très très bons. Il y a un truc qui est très très bien aussi au niveau de la représentation des sexualités et des sexes dans celui-là, que ce soit donc les sexualités et les orientations sexuelles, mais aussi les sexes. On a un personnage qui est un personnage, je sais même pas s'il est transgenre ou si. Enfin, il est très intéressant, très énigmatique, pas par rapport à ça, hein, de manière générale, il est très bien écrit. Et voilà, et au niveau des. Il y a des trucs qui. Au niveau de la sexualité, c'est vrai que souvent ça peut être un peu la foire. Et un truc que j'avais beaucoup aimé au niveau de ces orientations-là, c'est qu'il y a des personnages, par exemple, qui sont ouvertement pansexuels ou bisexuels. Il y en a qui sont ouvertement hétérosexuels et d'autres qui sont ouvertement gays. Et ça veut dire qu'en fait, genre, ah, mais moi j'aurais envie de romancer machin. Oui, mais en fait, il est gay, donc Non, tu peux pas. Tu t'es créé ta. Tu, par exemple, tu veux créer ta jeune femme qui est inquisitrice. Tu veux romancer Dorian qui, lui, en fait, est quelqu'un qui est homosexuel. Et ben non, en fait, il dira non, mais c'est cool, on reste amis. Et ça, je trouvais ça bien que ce soit pas à la foire, à, genre, on peut sortir avec n'importe qui, tu vois. Il y Ah, avait. comme dans Andromeda. Mais comme dans Andromeda, ouais, effectivement, on sait Parce que bien. ça a été très mal traité. Enfin, pour le coup, c'est vraiment la foire dans Andromeda. Ouais, C'était incroyable. c'était un peu n'importe quoi. Que là, j'ai bien aimé ce côté-là. Et d'ailleurs, le personnage, il y a toute une réflexion sur l'orientation sexuelle, puisqu'il lui vient d'un royaume où justement c'est très mal vu. Il a été ostracisé pour ça. Et il y avait des choses qui étaient vraiment dans la présentation très intéressantes. Et des fois, il te l'amène, il te dit pas, ah, mais vous avez vu, on a placé notre agenda. Et voilà. T'sais, non, c'est amené naturellement. Et ça, c'était vraiment. Il y avait vraiment, c'était vraiment intéressant, mais après, l'intérêt du jeu aussi se trouve par ailleurs. Bref, vraiment un super bon jeu. Moi, j'ai passé des heures dessus. Et donc voilà, donc ça aurait pu être un GOTY, mais ce sera pas Ouais, mon ça aurait GOTY. été peut-être un GOTY s'ils avaient mis un système d'importation de sauvegarde. Je ne sais pas pourquoi ils ont pondu un système complètement naze où tu dois faire une sorte de tapisserie où en fait tu dois réécrire les choix que tu as fait dans les deux premiers jeux. Pourquoi vous n'avez pas fait un système Mais tu d'importation sais de pourquoi? sauvegarde? Parce que les consoles, Bordel. monsieur. Parce que les consoles. Eh oui, eh oui. Ouais, voilà. Eh C'est oui, encore ces eh ben putains de moi je suis joueur consoleux de PC. merde. Voilà, vous pouvez nous mettre des. Ça, Non, ça... mais. Oui, ça me fait chier parce que en plus ils le font parfaitement dans les Mass Effect. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et donc du coup, bah tu te retrouves des fois avec des trucs. Hey, mais l'héros ou l'héroïne du 2, c'était un homme ou une femme. Donc ils trouvent des petites astuces pour recontextualiser certains jeux. Mais franchement, moi j'ai galéré à refaire tous mes choix. Non, Voilà, mais bon, moi j'ai bref, même voilà. été jusqu'à recréer exactement mon personnage du 2 pour que quand tu le croises, tu aies la tête, pas générique, et la tête Oui, du 2. mais enfin, bref. J'ai passé du temps là-dessus. Voilà. Bref, et en plus ça pouvait provoquer un bug si tu modifiais le personnage, donc il fallait faire gaffe. Mais bon, en tout cas, il y a eu des DLC aussi après qui sont intéressantes et l'histoire continuera peut-être. En tout cas, il y a un Dragon Age 4 qui apparemment est en développement. J'espère qu'avec les récents trucs qu'il y a eu entre BioWare et Electronic Arts, on n'aura pas un jeu à la con. En tout cas, on peut toujours espérer. Bref, Dragon Age Inquisition. On va parler d'un jeu qui est en GOTY de cette année-là, qui s'appelle Assetto Corsa, sorti en Ouais. décembre 2014. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc là, changement de registre, on va attaquer un truc dont on n'a pas du tout parlé. Donc, moi, je suis fan de sport automobile et de simulation automobile depuis très longtemps. J'avais passé pas mal de temps sur la série, enfin, sur Gran Turismo 5 sur PS3. Donc, pas tapé hein, pour ceux qui n'aiment pas Gran Turismo. Moi, j'avais passé du bon temps. Et Assetto Corsa, donc simulation PC qui est sortie sur console en 2016, je crois, de mémoire. Donc là, on est vraiment dans le genre de simulation austère, on va dire. C'était pas un jeu qui te prend par la main, on n'est pas comme dans la série des F1 2000, donc 10 ou 19, qui sont de bons jeux, mais que je trouve surfaits à bien des égards. Assetto Corsa, voilà, donc ensuite, bon, je vais pas en raconter des caisses, c'est juste que moi, c'est un jeu qui me marque. Oh, désolé. Ah oh, ouais, pas un jeu de caisses, ouais. Eh, putain, elle est bonne, hein. Donc voilà, je vais pas en raconter des masses, et donc c'est vite fait, c'est développé par un studio italien qui s'appelle Kunos, et qui a sorti il y a pas très longtemps Assetto Corsa Competizione, qui n'a rien à voir avec Assetto Corsa, parce que le premier, en fait, le gros point positif d'Assetto Corsa, c'est qu'en fait c'était ouvert au mode et on a vu débarquer tout et n'importe quoi, donc des circuits réels ou fictifs, des voitures. Et moi en fait, ça me marque parce que donc j'ai intégré une communauté via un forum. Donc j'ai fait des courses avec des combos n'importe quoi, des vieilles bagnoles sur tel circuit, mais juste pour se faire de la gueule, et aussi des championnats un petit peu plus sérieux. Et voilà, pour moi, c'est une année charnière parce que donc, voilà, dans cette communauté-là, bah, je me suis fait réellement des amis que j'ai vus en vrai. Donc, Assetto Corsa, je l'ai lâché depuis. Je suis passé sur un autre jeu qui nous a fait voyager carrément donc, au Danemark au mois d'octobre dernier pour un événement, pour une course d'endurance, les 24 heures du Mans. Donc voilà, je voulais quand même citer Assetto Corsa parce que voilà, je me suis fait vraiment des potes grâce à ça et ça reste un excellent jeu. Vite fait sur Assetto Corsa Competition qui est sorti, c'est pas du tout la suite, ils ont rajouté beaucoup de choses, mais il est sous licence du championnat Blancpain, donc c'est un championnat de voitures de GT. Et du coup, ça fait que celui qui est sous licence, il est fermé au mode et on est un petit peu coincé avec le contenu que nous fournit l'éditeur. Malheureusement, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, donc un très bon jeu, j'ai passé des centaines d'heures dessus. Ok, donc Assetto Corsa. Un jeu qui était sur ton podium et qui est mon GOTY de cette année 2014, c'est The Wolf Among Us, donc un jeu Telltale Games. Et oui, il y a des Telltale Games, je suis un fan de Telltale. Hein. Et celui-là, en plus, c'est parce que c'est un très très bon jeu, donc c'est adapté de l'univers comic book Fable, hein, créé par Bill Willingham. Donc c'est un jeu épisodique, le premier épisode sort... pour le coup, à l'automne 2013, mais les 4 autres vont sortir en 2014, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en 2014. Donc on joue quoi? On joue le grand méchant loup, Big Wolf, qui est le shérif de la communauté donc des Fables, Fableville, qui est une communauté cachée dans New York. Et on va mener une enquête, il y a une disparition, hein. Les Fables donc, sont des personnages issus des contes de fées, contes légendes de fées. Et normalement ils peuvent pas trop mourir, ou en tout cas il en faut beaucoup pour qu'ils meurent, mais là il y a une personne qui meurt, il va mener l'enquête, donc c'est vraiment un côté très film noir ou néo noir, c'est du Telltale, donc voilà, une sorte de point and click avec des choix, des dialogues, et donc on va suivre on va suivre l'enquête à pas de loup, mais aussi avec les poings et les griffes, et donc voilà, il y a une super ambiance, il y a un côté vraiment polar hardboiled, donc on va retrouver les grands classiques aussi du polar dans la manière de parler, et c'est vraiment un jeu prenant, une enquête prenante avec des faux semblants, avec les grands classiques de la littérature ou du cinéma noir. Et donc voilà, donc moi c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Là c'est pareil, c'est un jeu, je me rappelle, je crois que quand j'ai fait le dernier épisode, je l'ai refait en suivant le jeu tellement ça m'avait marqué. J'étais déjà fan des comics Fable, donc c'est un préquel, ça se passe avant les comics, et j'étais déjà vraiment fan des comics. Pour moi c'est un des meilleurs comics qui m'était donné de lire, une longue série qui s'est achevée depuis. C'est très intelligent, c'est à la fois drôle, c'est touchant, ça peut être sombre. Le jeu vidéo était très bien fait. Je pense que c'est en termes d'écriture, il y a vraiment les super auteurs de chez Telltale qui sont sur le coup, hein, comme Pierre Chorette, qu'on va retrouver par la suite. On a Adam Hines qui lui va partir après, il va quitter The Wolf Among Us, il va aller chez Night School Studio, fondé à Night School avec Crankel, qui vont donner Oxenfree, un jeu dont on parlera sans doute plus tard. Petit teaser là aussi. Bref, c'est un super jeu, la musique est géniale. Et voilà quoi, et le personnage de Big Wolf est un super personnage. C'est un jeu aussi qui fait découvrir avec Snow l'actrice Erin Yvette, dont je suis totalement amoureux de la voix et de son jeu d'actrice. Donc voilà, donc j'adore tous les jeux dans lesquels elle joue. Et voilà, donc moi c'est vraiment un grand grand jeu, mon GOTY 2014, je sais que toi aussi t'as beaucoup aimé, et on peut annoncer que on pensait qu'il y aurait une saison 2 qui avait été annoncée, puis Telltale a coulé, donc on pensait qu'on n'aurait plus jamais de saison 2, et au dernier Video Game Award, donc très récemment, ils ont annoncé, puisque Telltale a été racheté, qu'on aurait un The Wolf Among Us 2, donc finalement on l'aura, et en plus Telltale, le nouveau studio, va développer le jeu avec Haddock, qui est un nouveau studio de développement qui s'est créé par des anciens de Telltale, donc notamment Pierre Chorette, et Nick Herman, donc, qui étaient les directeurs créatifs sur The Wolf Among Us. Donc bref, c'est un miracle de Noël et on est très contents. Toi, je sais pas si t'as quelques mots rapidos à dire sur The Wolf Among Us. Bah, non, de toute façon, t'as tout dit. Moi, j'ai adoré le jeu pour son côté, effectivement, polar, noir, qui marche super bien. Je m'attendais pas à accrocher autant avec des persos qui sont potentiellement des animaux. Et j'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai accroché. Je pense que c'est vraiment l'ambiance polar noir qui... Mais parce que c'est un grand grand jeu, tout simplement. Oui, voilà, c'est un super jeu. Et dans les grands jeux, c'est pareil, l'année 2015, il y en aura eu. On va passer peut-être très rapidement, il y aurait plein à dire, mais bon, on parlait Telltale, on va continuer avec Telltale parce qu'il est deux dans notre top. C'est Tales from the Borderlands. Qui est un jeu qui est de Telltale, qui s'inscrit dans la saga Borderlands, donc une saga qui a été créée par Gearbox. Gearbox Software, et donc voilà, qui est un univers très frappadingue, c'est un mélange de, on va dire, de Mad Max, de cartoonesque, et puis parfois la Cowboy Bebop aussi, mais bon, ou Firefly si on veut, mais en côté, puis il y avait un humour très très très bas du plafond, hein, un humour un peu pipi caca. C'est très fun, c'est un jeu où on fait du loot, où on joue en coop, et donc on se dit, tiens, Telltale va faire une histoire là-dedans, on voyait pas du tout ce qu'il pouvait faire là, surtout qu'il y a un côté quand même assez comédie. Et pourtant, ils vont faire probablement, pour moi, ce qui est le meilleur jeu dans l'univers Borderlands. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. En tout cas, au niveau de l'histoire, on va jouer deux personnages cette fois-ci qui racontent l'histoire un peu. Il y a un côté un peu, chacun raconte son histoire un peu en mode Rashomon, hein, le film de Kurosawa. Donc des fois ils mentent, ils racontent des conneries. Et il y a un humour qui est vraiment très diversifié pour le coup. On retrouve l'humour Borderlands, mais on a plein de références à droite à gauche. C'est vraiment très rare des jeux en fait où on rigole vraiment. C'est très dur de faire rire en fait, de manière générale, et dans un jeu vidéo encore plus, je trouve. Et là voilà, c'est pareil, il y a des super plumes, la musique est excellente. Donc toujours pareil, hein, Jared Emerson Johnson hein, qui est toujours là. Et donc 5 épisodes sortis, le premier en 2014, et puis après ils ont eu beaucoup de temps à faire la suite, puisqu'ils ont développé parallèlement Game of Thrones, qui sera plutôt une déception, même un petit échec pour moi en termes de qualité. Et donc voilà, donc on suit Rhys, Fiona et toute la bande, et en fait c'est vraiment un jeu qui met la pêche. Il y a de l'émotion quand il faut, mais sans jamais non plus tomber dans le pathos. Enfin, c'est vraiment génial, et je pense que toi t'es comme moi. En fait, je sais que quand je l'avais fait... je t'avais dit, mais vas-y, fais-le, tu vas voir, tu vas adorer. Tu étais méfiant. Et j'ai adoré parce qu'effectivement, l'univers Borderlands, sur le papier, bon, ça me faisait absolument pas envie. J'ai pas joué FPS, j'ai pas du tout l'intention d'y jouer, bien que le 3 soit sorti il y a pas longtemps. Et ouais, sur le Tales, ça m'a surpris. L'humour, mais c'est n'importe quoi. Je pensais pas accrocher autant. Et comme tu dis, il y a aussi cette petite dose d'émotion, pas uniquement avec la BO, mais ensuite avec des musiques qui ont été utilisées pour le jeu. Je sais que je crois que c'est l'épisode 4, mais le début, il chercherait presque à te faire couler une petite larme. Mais effectivement, ça donne la pêche. L'univers, le burlesque, les persos qui sont des fois, mais complètement con, ils se retrouvent dans des situations parce qu'ils réfléchissent juste pas à ce qu'ils font ou à ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé, ouais. Pour moi, c'est le meilleur Telltale devant The Wolf Among Us et Walking Dead. Ouais, ben moi je mets ils sont tellement différents, Tales et Wolf Among Us, mais pour moi, c'est les deux. Et j'ai beau aimer Clémentine et tout ce qui est Walking Dead, pour moi, c'est clairement les deux meilleurs. Et parce que, alors que c'est pas ceux sur lesquels on miserait le plus, hein, mais parce qu'effectivement, comme tu dis, ce qu'ils arrivent à faire avec Tales, quand même, c'est vraiment, ils arrivent à passer d'un registre à l'autre, de faire un truc qui va vraiment émouvant, et après, en suivant, faire disparaître un personnage, tu vas être assez ému, et en suivant, ils font un concours de flingue avec les doigts. Enfin, The Office, d'ailleurs, l'humour de The Office, un peu, on retrouve là. Hein, The Office, donc série anglaise à l'origine, et puis après, qui a été faite aux États-Unis. Et franchement, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment génial. Et le casting est absolument fantastique. On va retrouver Nolan North, donc Nathan Drake, connu, enfin, il a fait plein de rôles, mais bon, Nathan Drake. Troy Baker, Erin Yvette, Ashley Johnson. On retrouve aussi, comment ça s'appelle, Laura Bailey. Enfin bref, il y a un casting frappe à dingue. Les mecs se régalent vraiment, on sent vraiment qu'ils s'amusent. Et donc voilà, donc c'est un jeu qu'on conseille si vous voulez passer vraiment un super moment, une aventure vraiment un peu folle dingo, vraiment super cool. Un autre jeu qui nous a beaucoup touché, qui est beaucoup moins drôle, et qui est par un studio français qui s'appelle Download Entertainment. C'est un jeu épisodique aussi qui s'appelle Life is Strange. Donc Life is Strange, on joue le rôle de Max Caulfield, hein, qui est une jeune femme de 18 ans, étudiante en photographie, qui vient dans la célèbre Blackwell Academy, donc qui est une académie très prisée, à Arcadia Bay, c'est dans l'Oregon, aux États-Unis. Et en fait, en étant témoin d'un accident meurtrier qui coûte la vie à une jeune femme aux cheveux bleus dans les toilettes de la fac, et bien il se passe quelque chose et elle va acquérir le pouvoir de rembobiner le temps. Et à partir de là, se lance une aventure. Elle se rend compte que la personne dont elle a sauvé la vie, justement, c'est son amie d'enfance qu'elle avait perdu de vue. Et il va avoir une enquête aussi avec des disparitions de personnages. Bref, un jeu vidéo... très étrange, Life is Strange. Non, un jeu vidéo qui est très émouvant, qui fout en larmes à la fin, 5 épisodes. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, parlons-en. Donc, Max Caulfield, donc qui revient à Arcadia Bay parce que ses parents avaient déménagé, je crois. Et donc, elle revient et effectivement, donc elle tombe nez à nez avec sa meilleure amie d'époque avec elle. Bon, ben voilà, c'est quand tu t'éloignes, forcément, ben. Tu commences par prendre des nouvelles et puis ensuite, bon, ben, t'en as de moins en moins, etc. Et donc, effectivement, elle a la possibilité de rembobiner le temps et de se retrouver à un endroit. Alors, comment ça marche exactement? Elle peut voyager aussi à travers une photo. Voilà, il faut qu'elle ait une référence, en fait. Donc ça peut être une photo, si elle, elle peut décider de rembobiner à l'époque où la photo est prise, etc., etc. Donc c'est ensuite c'est un jeu de choix finalement, hein, parce que tout est dans les dialogues et les réponses qu'on donne et les choix qu'on fait, etc. Et ouais, globalement, enfin, t'as tout cet aspect un petit peu campus universitaire où les personnages sont assez différents et attachants. Et puis t'as ces deux copines d'époque qui sont complètement différentes. Max, elle est un petit peu timide, introvertie, etc. Alors que, merde, j'ai oublié son nom. Chloé Price. Chloé. Elle a vécu d'autres choses. Oui, c'est un peu la rebelle, limite un peu toxique avec son ami d'ailleurs, hein. Même si après elle a des choses dans sa vie, puisqu'elle a un deuil avec son père qui est décédé, tout ça, oui, fait qu'il explique. Son père est décédé et ça, elle le vit très mal. Sa mère s'est mise avec un mec, un ancien militaire, et ça passe pas du tout, du tout, du tout. Et aussi, elle a pas fait le deuil de la perte d'une amie qui est. Qui a disparu, ouais, d'une fille qui a disparu. Voilà, et qui est justement le fil rouge un petit peu de ce jeu-là, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de références à elle, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Elles vont mener un peu une sorte d'enquête sur des. Puis il y a aussi des choses qui se passent un peu troubles à la fac, donc il y a une espèce d'enquête. C'est un peu un mélange, il y a un côté très indie dans la réalisation, puis il y a un côté un mélange, voilà, donc c'est teen movie ou même un peu à la Véronica Mars, donc de mener l'enquête, puis après l'effet papillon évidemment, parce que. Le fait d'avoir des pouvoirs implique des grandes responsabilités, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, c'est surtout un jeu aussi du passage à l'âge adulte. Et après, il y a des choix à faire, notamment des choix qui ont des impacts. Et notamment à la toute fin, qui a un choix qui peut proposer vraiment deux voies différentes. Et chacun, alors je sais qu'il y en a qui ont dit oui, il y a la bonne fin, il y a la mauvaise fin. Non, après, c'est toujours pareil. C'est suivant chaque joueur, en fait, choisira ça. Il n'y a pas à vouloir comparer. Moi, je sais que le choix que j'ai fait, que le choix que je fais à chaque fois, que je fais toujours le même choix, hein, quand je refais le jeu, parce que c'est pour moi, c'est le choix. Il n'y a pas de choix en fait. Et il me coûte beaucoup, il me fout en larmes à chaque fois, mais en tout cas, ben voilà, c'est mon choix. Et pour citer une émission bien naze qui était sur France 3 et qui est maintenant sur les chaînes de la TNT. Mais en tout cas, c'est un jeu qui, il y a vraiment une super réalisation. L'écriture, il y avait eu des critiques comme quoi l'écriture, par moment. Ils parlent pas forcément comme des ados et les personnages sont des fois un peu, sont pas clichés, mais c'est un peu les tropes, on va dire, c'est pas de la caricature, mais c'est les classiques, hein, de ces trucs-là de campus, mais on retrouve vraiment l'ambiance, ben voilà, de ces films-là, de ces séries-là. Mais en tout cas, il y a vraiment, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Dontnod, il y a vraiment une patte Life is Strange, et c'est vraiment un jeu qui a vraiment marqué, qui a résonné chez moi ce voyage-là, et toi aussi, je sais, donc c'était, voilà, sur le podium sans hésiter. Un jeu marquant même de la décennie pour moi, en fait, cette licence-là qui a amorcé. Bah ça, je te confirmerai quand j'aurai fait le 2. J'ai fait Before the Storm, hein, qui était très intéressant. Mais on va peut-être en parler plus tard, je crois. Ou on en parlera peut-être pas même plus tard, parce que je crois qu'on l'a pas mis, mais en tout cas, on peut en parler rapidement. Il y a eu un préquel qui sort en 2017, où on joue cette fois-ci Chloé avant, et on la joue quand elle rencontre la fameuse Rachel Amber, qui est juste mentionnée, enfin, c'est un peu le fil conducteur du 1. Donc voilà, et qui était un très bon jeu, qui n'était pas... fait par par Dontnod, c'était fait par Deck Nine Games, et voilà, donc c'est rapido, donc c'était un très bon préquel que je conseille beaucoup. C'est pas du tout quelque chose de, il surfe pas sur la vague, ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire, ça creuse les personnages et c'est très touchant et c'est très joli aussi. Mais bon, en 2015 le GOTY c'est le même pour nous, parce qu'en 2015 sort un petit jeu, troisième opus d'une saga dont on a parlé précédemment, qui est The Witcher 3 Wild Hunt de CD Projekt Red. Je te laisse en parler. Ok, merci pour le bâton auquel je ne m'attendais pas. C'est l'apothéose. Donc on a un peu parlé de Witcher 2, donc le 3, c'est la suite, incroyable. Mais bon, sans qu'il y ait franchement de temps mort entre les deux jeux. The Witcher 3, c'est un jeu qui, malgré tout, peut rebuter, parce que c'est dans ce jeu-là où, en fait, ils vont inclure un personnage où on te fait croire qu'en fait il est central, il est super important, mais tu dis mais qui c'est cette nana, je l'ai jamais vue, et c'est normal, elle vient des bouquins, et là c'est un peu voilà, ça peut être déconcertant, parce que c'est pas une trilogie en fait, parce que ce personnage là n'apparaît absolument pas et n'est même pas évoqué dans les deux premiers jeux. Il est évoqué dans le premier jeu au détour d'une conversation, je crois. Ouais, voilà. Donc, bon, tu rates la conversation, en fait, tu sais même pas si ça existe. Et pourtant, ça va devenir le pilier de ce jeu-là. Mais attends, tu ne lis pas toutes les lignes des codex? Oh, attends, ouais. Si, mais enfin, bon, enfin, non, peut-être pas à fond, mais... En fait, c'est le jeu qui fait vraiment le plus référence directe au livre. Et vraiment, tu vas croiser beaucoup de personnages là, et suivant que tu as une affinité ou non, que tu as lu le livre ou non, et bien en fait, tu vas pas regarder les personnages différemment. Et il y a même des choix, des fois, que tu vas faire différemment, suivant en fait des persos. Tu vois, un mec, tu vas te dire, bon, lui, je m'en fous de lui, donc bah, on va laisser mourir. Alors que si tu as lu les bouquins, que tu as aimé le personnage dans les bouquins, tu vas dire, ah, putain, mais c'est génial, et j'ai pas envie de le... Donc effectivement, c'est ça n'exclut pas les joueurs qui n'auraient pas lu les livres, mais c'est clair qu'il y a vraiment deux... Enfin, quand tu as lu les bouquins, ça t'amène quelque chose vraiment en plus, quoi. Évidemment, évidemment. Donc bon, là, le personnage dont je parle de Ciri qu'il faut retrouver. Ensuite, bah, y a le personnage de Yennefer dont on parle, pour le coup, dans les jeux. Et là, bah, ça y est, elle est enfin là. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des trucs... Tu vas voir un personnage, alors désolé, j'ai plus... c'est quoi, c'est Doudou ? Doudou, qui est un Doppel, ouais. Ouais, un Doppel, exactement. Et la première fois que tu vois, il dit « Ouais, mais Gérald, c'est moi !» Et là, tu dis « Attends. » Est-ce que j'ai vu dans le 1 ? Est-ce que j'ai vu dans le 2 ? Non, mais c'est qui cet abruti ? Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu. Je vais pas dire c'est dommage en fait. Mais je peux comprendre que ça en rebute certains et voilà. Sinon, ça reste un très très très grand jeu. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? Enfin, il est super beau. On est en open world. Ouais, on est en open world. On suit Geralt. Enfin, après, il y a différentes régions. Enfin, en fait, tu peux bouger, mais c'est. Enfin, c'est l'apothéose du, enfin pour moi, de l'action RPG, on va dire occidentale. C'est la qualité d'écriture. Alors, parce que alors déjà la direction artistique, l'univers, enfin la manière dont tu passes de tableau à l'autre est hyper organique. Je veux dire, t'as pas de transition abrupte comme tu vas avoir dans certains jeux où t'as des transitions abruptes. Genre là, tu passes vraiment dans les plaines d'un coup. Enfin, tu sais, il y a vraiment chaque paysage a sa propre substance, sa propre identité. Mais quand tu passes de l'un à l'autre, ça se fait, les transitions sont douces. T'as pas l'impression en fait d'être balancé sur une nouvelle carte. Tout est vraiment organique. Et ce qui est vachement organique aussi, et c'est vachement rare pour un jeu comme ça, RPG, c'est que c'est la qualité d'écriture. C'est-à-dire que même des quêtes, t'as pas de quête FedEx. Enfin, chaque quête est différente. Et même des quêtes secondaires peuvent être super bien écrites. Les personnages, enfin bref, c'est ultra mature. T'as pas de bon choix, de mauvais choix, tu sais jamais en fait si tu fais le bon choix, entre guillemets. Et des fois tu vas te rendre compte d'un truc, mais 10 heures de jeu plus tard, et sans forcément le jeu te dira au détour d'une conversation ou même en croisant des personnes. Moi je sors toujours cet exemple là, il y a une quête en fait où on dit, ouais, il y a un monstre qui attaque, c'est aussi soldat hein, qui vient te dire, on a un contrat, il y a des monstres qui attaquent des chariots, donc c'est une quête vraiment ultra secondaire. Tu vas enquêter, tu te rends compte en fait que c'est des rebelles. Donc soit tu peux tuer les rebelles et après revenir, soit tu peux en fait mentir au gars et dire aux rebelles, bon mais je vous laisse tranquille, tu reviens voir le soldat, tu lui dis, ben non en fait j'ai tué le monstre et tout ça, tu peux mentir. Ou tu peux dire la vérité, il n'y a pas de monstre, c'est des rebelles, et tu te barres. Et moi je sais que j'avais dit ça, et genre mais 10 heures de jeu plus tard, en me baladant dans une ville, mais c'est même pas une cinématique, rien, j'entends un mec qui me hèle, enfin c'est une femme d'ailleurs, qui me dit, hey Witcher, tu te souviens de moi? Et elle commence à me tirer une flèche. Alors tu m'étonnes, j'avais... Mon Witcher était genre 10 niveaux supérieurs, donc moi je me réflexe, on me tire une flèche dessus, bah je lui balance un coup d'épée quoi, tu vois, normal. Bon chasseur, un truc qui bouge, tu tires. Ouais, voilà, c'était même pas un truc, je lui pensais à un signe de hard, ou de ignie, j'ai dû la cramer. Ouais. Et là en fait je me rends compte que c'était la chef des rebelles, et donc en fait le jeu ne te le dit pas, mais tu peux que supposer que bah, les soldats ont dû aller attaquer ces rebelles là, ils ont bougé, et après voilà. Mais le jeu ne te dira pas, bah, ceci, cela, non, c'est de manière organique dans le jeu. Et où d'autres fois, en fait, tu vas penser faire un bon choix, et en fait, après, tu vas repasser dans le village. Genre, une quête, on te propose une quête, oui, on se fait attaquer par des hordes de ghouls. Tu dis, ouais, ben ok, j'ai pas que ça à foutre, j'ai le monde à sauver, je reviendrai bah, plus tard. Sauf que si tu laisses trop de temps passer, le jeu te dit rien, mais par contre, tu reviens dans le village, et bien, dans le village, et bien, en fait, les mecs sont tous morts, et t'as des ghouls à la place. Et t'as plus de quête ni rien. C'est marrant. Dans le choix, et dans les choix moraux à faire et les conséquences, y a aucun jeu qui le fait mieux. Et effectivement, il y a ce côté aussi un petit peu abrupt ou austère où on va pas te mettre cutscene et te dire hey, tu te rappelles moi, tu sais ce que t'as fait il y a 10 heures de jeu. Non, c'est, tu vas juste croiser un personnage, mais on en croise plein des fois des personnages dans la rue comme ça, Ouais, voilà. Mais tu peux ne pas les croiser. Tu vas à quel moment tu passes, ils peuvent ne pas y être et tu le sauras pas. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un souci du détail là-dessus qui est assez dingue. Et ce qui est vachement bien, c'est que même le non-choix est un choix. Refuser une quête, alors tu vas refuser la quête, mais ça va influer sur le monde. Par exemple, si tu refuses une quête toute bête où tu dois aller planter des trucs par rapport à la religion de quelqu'un, à la fin, en fait, il y a un mec qui va te dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu me fais chier à la religion ?» Et en fait, tu vas devoir te battre avec lui, puis tu vas tuer quelqu'un, et ça va avoir une micro-incidence sur l'univers, hein, pas sur l'histoire générale du jeu. Mais en fait, refuser cette quête-là, ben, ça t'amène à un truc différent où le personne ne t'attaquera pas. Bref, ça influe sur le monde. Et c'est ça, en fait, Geralt, par là où il passe, par ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, il influe sur le monde. Et pourtant, il n'est pas le héros du jeu. Le héros du jeu, c'est Ciri, quelque part, en fait, même si tu ne la vois pas beaucoup. Et dans les livres, c'est pareil. Dans les livres, en fait, le personnage principal, ce n'est pas Geralt. Il est un peu un vecteur, il a une super identité. Hein. Il y a un côté roleplay nous chez nous, mais le personnage est quand même vraiment bien écrit aussi à la base. C'est-à-dire que c'est pas comme un Shepard que tu crées ou un inquisiteur que tu crées en fait vraiment de A à Z. Ils ont fait vraiment un super mariage entre les deux, entre ce que tu as le choix de faire en roleplay, mais aussi la caractéristique du personnage. Et donc le jeu en fait il te happe, et là tu peux passer des heures et des heures de jeu. Moi je sais que tu parlais de sensations de vide que t'as, moi je sais quand j'ai fini ce jeu là j'avais une sensation de plénitude et en même temps une sorte de détresse, parce que tu sais plus, c'est un jeu qui te prend tellement ou tu donnes tellement que j'avais même plus pendant un moment envie de jouer à quelque chose d'autre, tellement le jeu en fait m'avait à la fois contenté et plus que ça, tu vois, ça tellement tout te prend, et c'est pareil, il y a de l'émotion aussi. Et on parlait de la direction artistique, l'OST est extraordinaire, je vais être obligé de dire son nom. Il y a Mikolaj Struinsky, Piotr Musical et Marcin Prihov. Il y a des Z dans tous les... Prsibilovic, mais c'est peut-être pas comme ça que ça se dit. Et il y a des Z et des Y, enfin les mecs au Scrabble, ils gagnent, c'est sûr. Et bref, c'est un jeu qui est fantastique. Et comme tu dis, les personnages, que ce soit les bouquins, donc Yennefer, Triss, après c'est toujours pareil, qui c'est qu'on choisit, Triss ou Yennefer et tout ça. Alors les fans des bouquins diront, mais c'est Yennefer parce que dans les livres, tout ça. Mais même le jeu te propose aussi de pouvoir choisir et créer toi-même aussi. Il te fait pas ça de manière anodine. T'as vraiment des quêtes qui te permettent de mettre en valeur les personnages. C'est un jeu fantastique et je vais arrêter d'en parler. Je vais peut-être juste laisser finir parce qu'on va les citer rapido, les deux, parce qu'ils le valent très bien. Les deux DLC, je vais laisser toi parler des DLC parce que j'ai suffisamment parlé sur le jeu là. Ouais, donc Heart of the Stone qui était sorti la même année, et l'année d'après c'était Blood and Wine. Donc Heart of the Stone qui se passe, on va dire, dans le même monde, ils ont juste agrandi un petit peu la map et ils ont rajouté des qui peuvent être faits avant le dénouement final, c'est pas après la fin de Witcher. Et effectivement, Heart of the Stone, donc ça inclut un personnage absolument extraordinaire, donc un des meilleurs antagonistes, je pense, qu'on ait vu dans le JV, avec The Elusive Man, peut-être. En anglais, c'est Gunther Odim, et je sais plus comment ils le font. Master of Mirror. Master of Mirror, ouais, qui est un personnage fabuleux. Voilà, donc un personnage assez énigmatique qui va passer un contrat avec Geralt, etc. Et ce personnage est génial et odieux à la fois. Je sais pas comment le décrire. Ensuite, il n'y a pas que lui en personnage, parce qu'on va retrouver Shani. On va retrouver donc l'autre type qui est le contrat, en fait. Il faut plus ou moins s'en débarrasser. Hogrid, ouais. Qui est une espèce de David Beckham dans l'univers The Witcher. Il a un peu la dégaine de David Beckham. Ouais, toi aussi, t'as trouvé. Ouais, et qui est un super personnage. Ouais, mais c'est vrai que Odim, enfin le thème musical et la fin avec l'énigme qui pose, etc. J'ai beaucoup aimé. Au final, ça reste énigmatique. On sait pas d'où il vient, on sait pas ce qu'il est. C'est jamais dit, mais le jeu sous-entend qui il est, et quelque part, tu peux pas avoir de endgame avec lui aussi. Et c'est ça qui est vachement bien, en fait. Et le jeu, comme tu dis, on retrouve Shani, qui est un super personnage, qui est vachement bien écrit, un personnage des bouquins. Secondaire des bouquins, mais qui était intéressant, qui était dans le 1. Ouais, je trouve franchement super dans... Mais je pense que l'écriture de l'histoire principale, parce qu'après il y a quelques quêtes et puis ça amène des trucs, mais de l'histoire principale, pour moi, elle est meilleure même que l'histoire principale de Wild Hunt. Je trouve que c'est parce que sans doute c'est plus resserré, donc en fait ça te prend vraiment... Ouais. Il y a des quêtes qui sont vraiment... Il y a une scène de mariage qui est frappadingue aussi, où on va jouer avec un fantôme. C'est vraiment top. Et en plus, après je te laisse finir, parce que le DLC suivant, celui-là il se fait en dizaine d'heures, et le suivant, se faire une trentaine d'heures. Il a plein de quêtes. Et pour moi, pour le, même en termes d'écriture, pour moi, c'est l'apothéose. C'est même meilleur que le jeu principal, c'est Blood and Wine. Donc je te laisse en parler, qui est pour moi, c'est vraiment l'apothéose, en fait, de la saga Witcher. Ouais, Blood and Wine, donc pour le coup, ça se passe vraiment après. Et donc c'est... Alors par contre, il va falloir que tu m'aides sur les noms. C'est dans la région de Toussaint, monsieur. Il parle comme ça, d'ailleurs, Toussaint. Alors ça, je sais que c'est à Toussaint. Mais comment s'appelle la princesse? La duchesse Arietta. La duchesse Arietta qui est évoquée dans les bouquins parce que c'était une copine de notre chère Tenderlein ou Jaskier en français. Elle est dans les bouquins d'ailleurs, on la voit, il passe un long moment dans la province de Toussaint. Et enfin... Oui, parce qu'il passe un petit moment à Toussaint et puis là, Maître Gérald, faut que vous veniez, on a un problème, elle vous appelle, etc. Et donc là, changement de décor, on se retrouve dans un côté qui est... Il y a un côté très français dans cette extension de manière générale parce que Toussaint c'est français. Et là c'est Blood and Wine, bienvenue dans le monde du pinard avec... C'est un peu l'Italie ou la Provence en fait. Il y a vraiment ce côté-là, même dans la structure, dans les... Bah, je trouve que c'est très provençal pour le coup. Il ferait du visan, je serais pas étonné. C'est du vin, le visan. Et voilà, et donc du coup, c'est changement de décor, c'est très lumineux, c'est très beau. T'as des vignes dans tous les sens. Il y a un côté aussi très méditerranéen dans certaines maisons, etc. Et tu dis, ouais, il y a un monstre, ok, d'accord, on arrive. Et donc là, il y a beaucoup de vampires. Et on retrouve un personnage des bouquins extrêmement attachant. Tu t'attends pas du tout à le revoir. Mais on le croyait mort, surtout. On le croyait mort et liquéfié et calciné dans les bouquins. Et on n'entend pas du tout. Enfin, on l'évoque pas du tout dans les deux premiers jeux, ni même dans le 3 et sa première extension. Donc c'est Régis. Je vais pas citer son nom en entier parce qu'il a un nom à rallonge. Je le mémorise pas. On l'a sur le nom des cartes, on n'a pas parlé du Gwent qui est un jeu de cartes créé avec The Witcher 3 qui était un super jeu. Et on en parlera plus tard du Gwent peut-être d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et Régis qui est un vampire supérieur qui au fil de sa vie finalement a réussi à plus ou moins développer la capacité à se passer de sang et qui est... Il n'est pas hostile comparé aux autres vampires inférieurs ou supérieurs qu'on peut croiser dans le jeu. Et dans les bouquins, de toute façon, on le ressent bien. Au début, il se méfie. Et puis Gérald, il confiait, je crois, c'était à Jaskier. Jaskier dit, mais si jamais il se retourne contre nous, tu crois que tu peux l'avoir? Et il lui dit, je crois qu'il va me défoncer, en fait. Et voilà, mais finalement, il y a une amitié qui se lève par rapport à la quête des bouquins où beaucoup de protagonistes vont finalement mourir contre un personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait passer un sale quart d'heure à Ciri dans les bouquins et dont on apprend dans le premier jeu qu'il est mort. Et bon, voilà, ensuite, bon, là... On peut pas trop en parler parce que ça va spoiler peut-être la série. Ouais, voilà, on spoil un peu trop. Mais voilà, donc, super bouquin... Et voilà, donc là ensuite, donc c'est très vampirique forcément parce que toute la quête tourne autour de ça. Et voilà, et franchement, il y a un plaisir à se balader dans Toussaint. Franchement, c'est paradisiaque. Je vais pas dire qu'on est dans un camp de vacances, mais il y a un côté conte de fées en fait. Il joue sur le côté conte de fées, mais il y a le côté féerique un peu disneyen en fait, d'un côté. Et derrière ça, c'est le duché. Et après, donc, il y a le côté de cette histoire quête principale, mais il y a plein d'autres secondes quêtes qui vont être vraiment qui tournent là-dessus, qui sont vraiment super bien. D'autres personnages aussi avec la duchesse qui tourne autour d'elle. On va pas forcément nommer parce que le jeu est quand même plus récent aussi. Mais il y a vraiment il y a une très belle histoire avec aussi des côtés. Il y a un côté un peu noir, enquête, roman noir aussi, puisqu'il y a des manipulations et tout. Et c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment l'apothéose de la formule The Witcher. Et donc voilà, donc maintenant le jeu il est accessible donc en version GOTY avec 15 balles. Voilà, avec tout son contenu en plus. T'as des packs Witcher complets où t'as toute la trilogie, t'as tout. Pour moins de 20€ tu l'as. Et moi, Witcher, enfin moi, comme j'avais expliqué, j'avais tout refait en 2018. Parce qu'à l'époque j'avais fait que Witcher 3 en 2015. Et donc ensuite j'avais profité, j'avais racheté les extensions et j'avais vraiment tout refait à la suite, les bouquins, le jeu, etc. Ah, je sais que les bouquins, je sais que j'étais tanné pour lire les bouquins, je t'ai dit mais vas-y, lis les bouquins. Ah ouais, je peux dire que je les ai dévorés. Et donc Witcher 3 plus ses deux extensions, c'est 250 heures de jeu, peut-être, si on en prenant bien le temps de faire tout ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est à peu près le temps que j'ai passé sur ce jeu-là. Ouais, bon, après, tout dépend aussi. Si vous êtes comme moi et que vous jouez en mode facile, parce que moi, j'aime pas taper des monstres, je préfère me balader, faire des quêtes, vous pouvez peut-être réduire un peu la durée horaire, encore que je pense vraiment beaucoup de temps, moi, à me balader. Mais effectivement, ouais, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Je dirais peut-être pas 250 heures, parce que mais bien 200 heures, ouais. Et en tout cas, le truc qu'il y a vraiment bien donc avec ces jeux-là, c'est qu'effectivement, si vous pouvez aller les lire. En plus, je pense que les livres, ils sont déjà édités, mais ils vont... En poche, vous allez les trouver aussi parce que avec la série, forcément, ils vont remettre la com dessus. Et en tout cas, les livres sont vraiment super, super bien aussi. Moi, j'aime beaucoup. Ça a commencé avant Game of Thrones, hein, la saga The Sorcerer. Hein, donc, c'est un auteur polonais. Et franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup. En plus, pour le coup, on a eu les bouquins, on a eu la fin, contrairement au Trône de Fer. Et franchement, c'est vraiment super intéressant. Et. Les deux premiers livres sont des recueils de nouvelles et après les cinq suivants sont des romans. Et c'est vraiment, vraiment super agréable. Les personnages sont vraiment top. Et les jeux, ben voilà, c'est. En tout cas, GOTY, sans commune mesure, forcément, Witcher 3, c'est un GOTY. Et même ses extensions, notamment Blood & Wine, qui sort, je crois, donc en 2016. Bon, moi j'avais un autre GOTY en 2016, mais franchement, je pense qu'en termes de jeu. Ce DLC-là, il défonçait tous les actions RPG sorties la même année. Je sais qu'il y aura des fans d'autres jeux qui diront « mais non ». Mais moi, je dis « mais si », puis chacun ses goûts et c'est pas grave. Eh ben oui, mais oui. Voilà. On va arrêter à répéter deux fois les mots. Et on va passer à l'année 2016. Donc pour cette année 2016, dans mon top, j'avais Oxenfree. J'ai parlé plus précédemment de Adam Hines, hein, qui était chez... Telltale Game, donc sur The Wolf Among Us, et qui fait partie du studio Night School Studio, donc qui a fait Oxenfree, c'était leur premier jeu, donc paru en 2016. Donc Oxenfree, je vais pas en reparler, puisqu'on en a parlé très récemment dans le podcast pour Halloween. Donc voilà, donc un super jeu avec des dialogues très naturels, très sympa, une ambiance extra, une DA aussi, et donc voilà, donc vous pouvez retrouver nos avis sur le dernier podcast de la chaîne. Un autre jeu dont on a parlé dans le dernier podcast aussi, c'était Along the Edge. Donc je sais qu'il est dans ton top, moi il est pas dans mon top, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, donc Along the Edge, Macramic, on en a parlé rapidement, si tu veux enregistrer dire un mot, peut-être sur le studio, juste pour leur faire un petit coucou aussi, parce qu'ils font du bon taf. Oui, voilà, un joli coucou à Novabox Studio Bordelais, qui a pondu en 2018 Sir Isle, et dont on attend le prochain jeu en 2020, Across the Grooves. Et Along the Edge étant leur premier jeu, donc on en a parlé. Moi, j'ai vraiment adoré le style, le visuel et toute l'ambiance à laquelle dont on peut s'imprégner parce qu'on peut s'identifier à certains personnages et aux lieux, etc. Voilà, donc un super jeu, franchement. Et du coup, le deuxième jeu du studio était très bon, donc. Il n'y a pas de raison que le prochain soit bon. En tout cas, il fait très, très envie. Et je sais que toi aussi, tu l'attends. Oui, ça fait partie de mes jeux les plus attendus de l'année 2020. Alors, il y a des jeux qui se rajoutent. Mais en tout cas, si je devais faire un top 10, il serait largement dedans. Un autre jeu que tu voulais mettre en valeur, et c'est un jeu dont on avait déjà parlé dans le podcast sur nos jeux de l'année 2017. Donc, c'est un podcast qui remonte un peu plus loin. Et tu l'avais mis en 2017 parce qu'il était sorti un peu à cheval sur l'année, en fin d'année. Donc... J'avais un peu triché à cette époque-là et c'était passé sous mon radar, j'avais pas fait gaffe, mais tu vas en parler dans l'année 2016, donc voilà, rendons à César ce qui est à César. C'est en fait, et là pour le coup, c'est pas les Romains, c'est plutôt les Shoguns, puisque c'est au Japon, je crois, c'est Shadow Tactics, c'est ça? Ouais, Shadow Tactics, Blades of the Shogun, ou Blades of Shogun. Un jeu de tactique, un peu à la Commando. Donc voilà, j'en ai parlé, donc je vais être bref là-dessus. J'ai beaucoup aimé parce que pareil, la direction artistique graphiquement c'est de toute beauté, ils ont vraiment bien retranscrit l'aspect Japon féodal, et le gameplay juste parfait, il est très très bien équilibré entre les compétences des personnages. Il y a un scénario qui est intéressant, des environnements très variés, tout ça super beau. Et c'est un jeu qui est super difficile si on cherche vraiment la difficulté. Et bien là, il y en a. Donc c'était produit par le studio Mimimi Productions, qui est allemand. Et j'attends aussi leur prochain jeu, qui est Desperado 3. Donc c'est exactement le même genre de jeu, mais là, dans le Far West. Donc il a annoncé, je crois qu'il sort l'an prochain aussi. Et bien pareil, je l'attends au tournant aussi. Bon, impeccable. Un autre jeu qui nous avait beaucoup marqué, en tout cas moi je sais qu'il m'a beaucoup marqué, toi je pense qu'il doit pas être très loin de tes tops non plus. Ça a été compliqué de autant sur la première place, il y a pas de souci, mais ensuite les deux autres, même Oxenfree, je l'ai dégagé un peu à regret, mais et le prochain jeu, ben c'est pareil, c'était un peu compliqué. Ouais, bah en tout cas, le tout cas, c'est qu'on se complète, donc on peut en parler. C'était Firewatch, donc j'ai parlé aussi plutôt dans le podcast de la team Sean Vanaman et Rodkin, qui avaient bossé sur la première saison de The Walking Dead. J'ai fait un mélange de The Wolf Among Us et The Walking Dead, c'était un crossover. The Walking Dead, je sais pas pourquoi. Attends, tu viens de donner une idée là, c'est pas très intéressant. Ça peut être peut-être très intéressant, donc en tout cas, voilà, c'est parce qu'on arrive à plus de 2 heures de podcast et je suis un petit peu à la ramasse. En tout cas, ce qui n'était pas la ramasse, c'était Firewatch, donc le jeu de Campo Santo, premier jeu sorti donc en 2016. Et donc un super jeu. On joue le rôle de Henry, qui est un quadragénaire, qui a des problèmes en fait dans sa vie. Et qui va fuir un peu tout ça pour aller se réfugier, prendre un boulot dans la Shoshone Forest, donc c'est dans le parc Yosemite, dans le Wyoming. Et ben en fait voilà, donc il va être un peu garde forestier, enfin il est garde forestier, surtout il s'occupe de surveiller les feux. Et donc en fait voilà, donc il va être un peu tout seul, il fuit un peu, il se fuit lui-même, il fuit ses problèmes, perdu dans la nature, et son seul contact ça va être essentiellement par talkie-walkie avec sa boss qui est dans une tour elle aussi mais à l'autre bout de la vallée, qui s'appelle Delilah. Et c'est un très très grand, pour moi, petit jeu dans le genre jeu indépendant, mais ça n'empêche pas que c'est un très grand jeu, très super bien écrit, là encore très mature, les dialogues, les acteurs sont fantastiques, à savoir donc Cici Jones, qui est une très très très très bonne actrice dans tout ce qui est le jeu vidéo, vraiment elle est vraiment parfaite. Vous avez connaissez peut-être sa voix parce qu'elle était dans The Walking Dead, elle était dans The Life is Strange, bon elle a fait plein d'autres jeux. Et Henry est joué lui par Rich Schumer, qui est un acteur qu'on trouve dans des films indépendants, où on l'a trouvé aussi dans la série très connue Mad Men. Et donc voilà, donc des super acteurs, c'est super bien écrit, la DA est à tomber aussi, super DA, une musique aussi, enfin bref, c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé, qui parle aussi d'une manière d'accepter ses problèmes, d'arrêter de fuir, qui parle de résilience, et qui est un jeu qui a pu décevoir pas mal de joueurs et joueuses par son côté anticlimatique, puisqu'il y a des mystères qui se lancent, mais peut-être que la réponse n'est pas ce à quoi on s'attend le plus. Et parce que comme disait Conan Doyle dans un roman de Sherlock Holmes, des fois en fait, passer toutes les hypothèses les plus farfelues, la vérité c'est souvent quelque chose de simple. Et donc voilà, et c'est la beauté de ce jeu en fait, c'est sa simplicité quelque part, et sa simplicité qui n'empêche pas une profondeur. Bref, moi c'est beaucoup aimé, c'est un des jeux de ma vie. Ça veut pas dire que je dis que ça passe partout, mais c'est vraiment un de mes jeux de ma vie parce qu'il m'a parlé à ce moment-là encore. Et ça voilà, c'est quelque chose qui a vraiment fait écho à une période de ma vie que je traversais. Donc voilà pourquoi je l'ai aimé. Si tu veux dire deux mots, tu peux y aller, sinon on peut passer au suivant. Oui, alors je voulais dire un mot, parce que pour l'avoir vu personnellement il y a presque 25 ans, le Yosemite Park, et c'est pas dans le Wyoming, c'est en Californie. Et par contre, le jeu se passe bien dans le Wyoming. Mais c'est pas grave. Mais pourquoi, je sais pas, pourquoi je dis Yosemite? Ou alors en fait, ils sont basés sur le Yosemite, mais qu'est-ce que c'est? Alors peut-être. Je viens de vérifier parce que du coup je savais pas où le jeu se passait, donc il se passe bien dans le Wyoming et en 1989, c'est l'époque. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé, mais tu vois comme quoi en fait des fois on fait des constructions mentales. Et donc magie du montage, on a fait une coupe pour justement aller vérifier que je racontais pas n'importe quoi, et je racontais partiellement n'importe quoi. Effectivement, le parc Yosemite ne touche jamais le Wyoming, mais pour la direction artistique, ils ont en fait, par rapport à la certaine flore, adapté justement, ils sont inspirés du parc Yosemite. Donc voilà, donc si vous voulez visiter ce parc là, écoutez Macrimic et aller en Californie, et n'écoutez pas moi, n'allez pas au Wyoming, qui est un très bel état par ailleurs. Si vous y allez, vous me direz à quoi il ressemble, parce que bon, il y a eu des incendies qui l'ont un petit peu ravagé quand même il y a quelques années de ça. Donc voilà, mais bon, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment un parc splendide. Et sinon, pour en revenir au jeu, alors oui, j'avais aimé, En particulier, ben, l'aspect mystérieux, en fait. Parce que si tu creuses un petit peu, je vais pas dire qu'il y a des incohérences dans le scénario, mais tu commences à réfléchir à certaines choses, tu dis, mais est-ce que je serais pas un petit peu manipulé donc, par rapport à une histoire qui s'est passée à l'époque, par rapport à la femme qui, dès le début, t'as un dialogue où tu sens qu'il te cache des choses. Quand tu retraces un petit peu certains événements, tu dis, il y a quand même quelque chose de louche derrière. Et donc ça c'était assez intriguant, mais bon, même si on n'a pas le fin mot de l'histoire, c'était assez habile en fait, parce Ouais. que c'est fait exprès, c'était pas des erreurs, hein, c'était fait exprès. Oui, voilà, en fait, quand tu parles d'incohérence, c'est pas une incohérence du scénario, c'est qu'en fait, c'est une incohérence dans la manière dont le personnage, et donc toi en tant que joueur, reçoit les informations, et le personnage et toi commencent à te dire si t'es pas parano ou s'il y a vraiment un truc, et il joue vraiment sur ce côté-là et sur l'isolement, puisque finalement, mis à part cette personne-là que tu peux croire ou non, parce que je l'ai pas dit, avec Delilah, en fait, tu peux donc lui parler par talkie-walkie, mais des fois, tu peux ne pas lui parler, et suivant comment tu interagir avec elle, et bien en fait ça changera aussi la dimension de l'histoire d'Henri et donc du joueur. Exactement. Et alors un autre jeu pour le coup où on parle beaucoup mais pas que par Talkie-Walkie, où on est souvent d'ailleurs accompagné, et c'est pas dans le parc du Yosemite non plus, mais on va beaucoup beaucoup voyager, c'est notre GOTY de l'année 2016. Ça va peut-être pas surprendre des gens qui me connaissent, ou même toi, parce qu'on a déjà quand même parlé de cette saga-là, c'est le fameux Uncharted 4 A Thief's End, donc c'était conclusion d'une saga en 2016, donc c'est fait par Naughty Dog, avec le duo Bruce Straley, et c'était Neil Druckmann à la baguette, et puis après beaucoup beaucoup d'artistes de talent avec eux. Et donc voilà, Uncharted 4, donc c'était les aventures de Nathan Drake, la dernière aventure de Nathan Drake, où son frère, dont on n'avait jamais entendu parler, débarque dans la saga. Et va l'emmener pour une dernière aventure qui va aller faire bouger un peu partout sur le trésor en fait de Henri Avery. Donc cette fois-ci on part avec le côté vraiment pirate. Et c'est un jeu en forme un peu de. Il y a beaucoup de références, beaucoup d'échos avec tous les jeux de la saga. Et il approfondit des thématiques qui étaient déjà présentes, notamment dans le 3. Et de manière vraiment virtuose. Bon, je vais te laisser en parler parce que moi si je me lance, en fait, je sais que ça va durer 5-6 heures. Super. Alors bon, on va essayer de faire court. Alors oui, l'histoire est franchement excellente comme d'habitude, avec avec un nouveau thème. Hein, donc le premier c'était la jungle, le second c'était les montagnes, et le troisième c'était le désert. Et là, il y a un petit peu un melting pot de tout. Mais bon, il y a une ambiance un petit peu Pirates des Caraïbes forcément, à la chasse à un trésor enfoui depuis des années. C'était alors par rapport aux autres jeux, il y a c'est t'as une quête qui est beaucoup plus intimiste en fait, parce que déjà effectivement on parle de son frère. Au début j'étais un petit peu sceptique quand son frère a débarqué, je me suis dit oula, mais t'as l'impression qu'il sort un petit peu du chapeau et tout ça. Au final non, je trouvais qu'il s'intégrait parfaitement à l'histoire, et le fait que justement c'est une quête qu'il avait entrepris des années auparavant et qui ressurgit un petit peu comme ça, et c'est finalement la quête la plus épique de la saga. Ouais, franchement, c'était pas mal. Ensuite, bon, on va pas parler en plus du rapport qu'il a avec Elena, sa femme, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il cherche à s'évader et On en tout. avait parlé dans le podcast sur les couples, de toute façon on avait dit que Ouais, sur les c'était couples, pour ouais. nous le plus beau couple, en tout cas pas le plus beau, enfin c'est toujours ni le meilleur ni quoi que ce soit, mais en tout cas c'est pour nous c'est vraiment le couple le mieux écrit en fait du jeu vidéo, ce n'est que notre avis, hein. Mais effectivement c'est là que ça prend une dimension Ouais. encore plus profonde qui avait été déjà, et là pour le coup il surfait déjà sur ce qui avait été sous-entendu, mais de manière très par petites touches dans le 3, et là c'est vrai que c'est encore plus approfondi, ça permet Parce que dans le 3, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'écran, en fait. Ouais. Et alors que là, non, on est vraiment témoin de la relation, enfin de leur relation, qui est pas aussi simple que ça, en tout cas pas idyllique. Et voilà, et ensuite, un épilogue franchement fantastique, qui clôt vraiment la saga. Et enfin voilà, donc super jeu. Le seul petit regret, c'est de peut-être pas voir d'autres personnages, mais bon, c'est, enfin, pas les anciens personnages, mais bon, ça fait la part belle justement à Drake, son frère et Elena, qui est le trio gagnant de ce jeu. Du jeu, ouais. Après, t'as toujours celui dans les parages, parce que le trio, c'est vrai qu'en fait, mais c'est vraiment, ouais, dire au revoir au personnage. Il y a vraiment, c'est le projet était hyper casse-gueule, parce qu'on, t'as toujours la peur de l'épisode de trop. Et on sait que dans les numéros 4, par exemple, dans certaines sagas au cinéma, ça peut être l'épisode de trop. Chez les aventuriers, d'ailleurs. Et pourtant, en fait, justement, ils ont réussi l'exploit d'amener le jeu, justement, encore sur quelque chose de meilleur, en gardant... Alors, le rythme est différent. C'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être préférer le rythme du 2 encore, parce que c'est vrai que là, on prend le temps. Et moi, j'aime cette de prendre le temps, cette perte même qui peut être considérée comme de la perte de temps, parce que justement il faut petit à petit se mettre dans la disposition de dire au revoir, et ça prend du temps de dire au revoir à des personnages qu'on aime, parce que finalement la grande qualité de cette saga là plus même que les histoires de chasse qui sont sympas, mais bon, je veux dire, voilà, c'est tu qu'on peut voir un peu partout, mais ça revient à ce qu'ils disaient pour The Last of Us, hein, c'est un côté vraiment qu'on retrouve chez Naughty Dog, en tout cas sur les jeux qu'ils ont fait à partir de la PS3 et donc maintenant PS4. C'est justement les personnages, les interactions, et voilà, quand on s'est attaché aux personnages, il faut leur dire au revoir de belle manière et de bonne manière, sans trahir qui que ce soit. C'est pas facile, ils ont vraiment réussi. Il y a des moments vraiment touchants. Moi, c'est un jeu qui m'a arraché des larmes à la fin, et pas de tristesse ou quoi que ce soit, c'est juste de plénitude. C'est très très rare, en fait, tellement t'as peur que la magie, en fait, soit déchirée. Et donc, ils ont réussi, comme tu dis, l'épilogue est vraiment parfait. Et donc, voilà, c'est... le grand jeu que la saga méritait, c'est probablement pour moi ma saga préférée du jeu vidéo. Et donc voilà, donc GOTY moi pour cette année 2016, toi aussi je sais. Et ça nous permet de débarquer sur l'année 2017. Alors l'année 2017, pour le coup, comme je l'ai dit, on a fait un podcast justement, on avait donné nos coups de cœur de l'année 2017. Donc on va aller passer assez rapidement sur les jeux. On parlait de Uncharted 4 en 2017, ils sortent Uncharted The Lost Legacy, où cette fois-ci en fait ça se passe avant l'épilogue du 4. Mais après, en fait, la conclusion de l'aventure du 4 aussi, donc c'est un peu intercalé. C'est en fait, au début, ça devait être un DLC, finalement, ça va être une sorte de standalone où on va jouer avec Chloé Fraser, donc qui était dans Uncharted 2 et Uncharted 3, et avec Nadine Ross, qui était un antagoniste d'Uncharted 4, et qu'on retrouve là plutôt en co-protagoniste. Donc voilà, donc c'est une aventure qui se passe, on en avait déjà parlé, hein, qui se passe en Inde. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, je profite pour balancer l'annonce sur la chaîne, donc sur la chaîne YouTube, je mettrai maintenant plus que les podcasts et je vais plus faire de vidéos, j'ai plus le temps, mais j'en avais fait une à l'époque sur le jeu, donc voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, tout le bien que je pense de ce jeu-là. Là encore, chez Naughty Dog, on s'était dit, mais pourquoi faire un spin-off? La fin du 4 suffisait elle-même, pourquoi rajouter de plus? Uncharted Nathan Drake, ça va pas tenir. Eh bien, il se trouve que ça tient très très bien. Donc voilà, donc on l'avait mis. Si tu veux balancer quelques mots avant qu'on passe à autre chose, allons-y. Eh ben, c'est un bon jeu, achetez-le. Non, blague à part. Moi, j'avais peur qu'en fait, ils fassent un jeu pour rentabiliser le moteur de Uncharted 4, parce que c'est les deux seuls jeux qui sont sortis sur PS4. Et voilà, bon, et finalement, pas du tout. Il y a vraiment une histoire à part entière. Même si on peut sentir peut-être un petit peu de redite. Par rapport à certains aspects mystiques de l'Inde par rapport au deuxième jeu. Mais sinon, il y a une phase très sympa dans une ère qui est un pseudo monde ouvert. Et finalement, ben, on s'attache à des personnages, à des seconds couteaux qu'on ne pensait pas revoir dans la saga Uncharted, vu que Chloé n'était pas dans le 4. Et finalement, il y a un duo... assez explosif, qui marche bien, où tu sens que c'est un petit peu une alliance un petit peu de fortune, parce qu'elles ont toutes les deux besoin de l'autre sans nécessairement le savoir, donc forcément des fois il y a des petites frictions, et ce côté là est plutôt sympa. Et ensuite, est-ce qu'on spoil sur l'arrivée d'un troisième personnage? 2017, on va peut-être arrêter avec les spoilers là maintenant, on arrive dans des années où le jeu n'a pas encore été fait. Donc... Ah ok, bon, on spoil pas, mais bon voilà, il y a un troisième personnage qui est assez surprenant à découvrir dans ce jeu-là. Et voilà, ensuite il y a peut-être juste le méchant qui est pas super, enfin qui m'a un petit peu déçu. Au début il me plaisait bien parce que toute l'intro est absolument géniale dans la ville, et c'est un petit peu dommage qu'on en ait pas assez. Mais voilà, mais sinon, enfin, il y a des séquences quand même assez mémorables. Et voilà, c'est un jeu que j'ai fait qu'une seule fois et j'aimerais bien le refaire. Je crois que je le refasse un de ces quatre. Bon, je ne peux que t'entendre à le refaire parce que bon, mon perso, j'aime beaucoup aussi. Mais bon, voilà, c'est pas nouveau. Et si vous voulez la version en valise spoiler, vous aurez donc ma vidéo. Il faudra aller l'exhumer, comme les archéologues en fait, hein, l'exhumer des vestiges de ma chaîne. En tout cas, Uncharted The Lost Legacy, un autre jeu dont on avait parlé, on avait parlé de façon de tout. Ces jeux-là, donc on va faire assez rapide, je me répète. C'était un jeu qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Toi, tu l'as mis sur ton podium, moi je l'ai pas mis, mais je l'aime et puis j'attends son prochain qui va sortir cette année. C'est Emily is Away 2. Ouais, et effectivement, il était déjà dans mon podium à l'époque. Et donc, Emily is Away, donc deuxième épisode. Le premier jeu était gratuit, mais ce jeu-là ne vaut qu'une bouchée de pain. C'est donc un jeu où en fait on reproduit un petit peu donc l'époque des années 90 avec les chats en ligne. Donc là c'est complètement pompé sur le chat de l'époque, c'était qui était IM pour AOL Instant Messenger, ambiance pixel 90 etc. Où en fait donc on incarne un personnage et on chatte avec donc Emily dans le premier jeu. Et là, dans le second, il y a Emily et une autre acolyte qui s'appelle... Evelyne. Merci. Et autant le premier jeu, on sentait que c'était un petit peu un concept, mais le deuxième, ils ont vraiment poussé le truc plus loin parce qu'ils ont mis en place de faux sites internet. Donc, c'était pas YouTube, parce qu'ils n'ont pas le droit de réutiliser les noms, mais... Donc il y avait d'autres trucs, donc avec des fausses pages, mais avec des vraies musiques de l'époque pour le coup. Et donc eh ben, on discute avec ces deux filles et forcément on essaye de se rapprocher de l'une ou de l'autre, voire des deux, avec les conséquences que cela implique. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est presque un test psychologique du joueur, savoir comment est-ce qu'il réagit, enfin... quelle approche il va avoir, est-ce qu'on joue vraiment l'honnêteté avec les deux protagonistes, est-ce qu'on essaye de mentir en sachant qu'à la fin tout peut se retourner contre soi, enfin non, justement ne sachant pas que à la fin justement tout peut se retourner contre nous. Donc voilà, c'était une expérience vraiment sympa. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il n'y a pas que le côté dating sim, il y a vraiment tout ce côté aussi. Si on a grandi dans cette époque-là, parce qu'il va créer un faux Facebook, c'est un peu les débuts de ce côté-là, mais c'est pas encore. Donc, quelque chose qu'on aura dans le troisième jeu, je pense que tu vas le dire. Mais autre chose, on dit ils, mais en fait, c'est un gars tout seul, hein, c'est Kyle Seeley, il s'appelle, c'est lui qui développe ces jeux-là. Et c'est vrai qu'en fait, comme tu dis, ouais, il y a un côté humain. Les personnages, en fait, tu t'attaches vraiment à ces personnages-là. Ils paraissent vraiment vrais. Alors, c'est une tautologie un peu stupide de dire vraiment vrai. Mais je veux dire, c'est quand même rare. Et d'autant que là, il n'y a pas de... Bon, il y a des chansons, mais c'est que du texte. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. Il arrive à faire créer. Enfin, voilà, tu sens que ces personnages-là sont vivants et vivaces. Et c'est super intéressant. Ouais, et puis surtout pour nous qui avons la trentaine et qui avons connu cette époque, ça fait forcément écho... À des trucs que nous avons vécu dans les années 90 aussi. Alors aujourd'hui, peut-être que la génération d'aujourd'hui avec Facebook et Messenger, c'est un petit peu différent. Quoique, non, enfin, je sais pas. Enfin, à méditer. Mais nous, on a vraiment connu AOL, AIM et tous ces trucs-là. Et donc, forcément, ça nous rappelle aussi des souvenirs. Et ça marche très bien sur nous, en tout cas. Ouais. Et donc, comme je le disais un peu en intro de ce jeu-là, donc le troisième opus, il est un peu décalé parce que justement là encore, ils veulent développer encore plus. Donc le concept justement avec les liens, les fausses pages et tout ça, il y aura plus de personnages aussi, il y aura encore plus de fins différentes, plus d'interactions. Et donc voilà, donc le jeu devait sortir début d'année là, il sortira plutôt à l'été 2020. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à déjà faire le premier parce que comme le premier est gratuit, toujours sur Steam je pense. Le deuxième, comme tu dis, coûte vraiment pas cher, donc si vous aimez, faites-le. Et si vous aimez, soutenez-le, mettez-le en wishlist, ce Emily is Away. Alors c'est 3 cette fois-ci avec le logo du hashtag cœur avec les doigts. Et en fait voilà, et c'est vrai que c'est un jeu, voilà, je ne l'ai pas mis sur mon podium, mais comme tu en as parlé, je suis très content parce que c'est vraiment un jeu qui est vraiment très touchant. Là encore, un grand petit jeu pour moi en fait, et qui peut ne pas parler aux gens, mais en tout cas quand il vous parle, ça remue quand même pas mal les choses. Un autre jeu qui remuait aussi beaucoup, je sais que tu l'as pas encore fait, j'en avais parlé, c'était mon coup de cœur en fait de l'année 2017, c'est Night in the Woods. Donc Night in the Woods, qui est un jeu en fait de Infinite Falls, donc qui est sorti donc en 2017 évidemment, et où on joue le rôle en fait de May, qui revient dans sa ville natale, Possum, je sais plus comment s'appelle la ville, c'est Possum Springs, et en fait qui a arrêté le collège, qui va retrouver sa bande d'amis, mais chacun un peu évolué, et on va suivre en fait la vie un petit peu de May, comment elle se remet un peu à niveau, elle est un peu en vrac, hein, May, et tous les gens qu'on va croiser aussi. Donc ce qui est vachement amusant au niveau de la DA, c'est que les personnages en fait sont des... Ils ont un côté animal en fait. Alors comment on dit ça, le mélange zoomorphique, c'est ça, ça se dit Bah si ça se dit pas, tu viens l'inventer. Zoomorphique, non mais aucune idée. Zoomorphique, c'est en anglais et en français, ça doit avoir un truc. Vous savez en fait quand vous êtes un corps humain avec une tête d'animal. Et donc bon, May a une tête de chat, elle a un ami qui a une tête de renard, un autre qui sera un ours, une autre qui sera un crocodile. Et là encore en fait des super personnages, les dialogues sont super bien écrits. L'ambiance, la musique, alors il y a des mystères aussi, mais c'est pas le plus important. Il y a vraiment, moi c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé aussi, parce que, alors qu'il peut être redondant dans son gameplay, mais justement cette redondance correspond à la redondance, l'espèce de on va dire d'anesthésie aussi que ça peut créer chez le personnage principal, le fait de refaire un peu les jours, se lever, elle a arrêté le collège, elle a pas de boulot, elle traîne un peu chez les parents, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. D'avoir un peu échoué à la fac, de revenir chez moi, et quelque part les parents, c'est normal, sont déçus, te font un peu subir à juste titre le fait que t'es échoué et puis que t'as un peu rien foutu et tout ça, et donc ça m'a vraiment beaucoup parlé. Il y a une ambiance vraiment particulière, c'est vraiment là encore un super jeu qui est vraiment top. Voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé et je le conseille vraiment à beaucoup de personnes s'ils veulent se lancer dans ce jeu là. C'est là encore, je fais qu'utiliser cette expression de c'est un grand petit jeu, mais en fait je sais pas même pas s'il y a des petits jeux ou des grands jeux. En tout cas il y a juste des jeux qui touchent des très bons jeux, et celui-là en fait partie. Et un autre jeu qui est ton top de l'année 2017, tu n'en avais pas parlé justement dans le podcast parce que tu ne l'avais pas encore fait, et tu vas en parler maintenant. C'est un jeu aussi qui est gratuit, je crois qu'en fait on peut donner après ce qu'on veut à ceux qui l'ont créé. C'est Doki Doki Literature Club. Tout à fait. Alors effectivement, dont j'avais pas parlé parce que bon ben là on arrive à la fin de la décennie, donc il y a forcément des jeux qu'on fait après, soit parce qu'on n'a pas le temps ou soit parce qu'on passe à côté. Et Doki Doki Literature Club est un jeu j'en perds mon latin. C'est un jeu auquel je parle comme Yoda. Putain, moi c'est pareil. Ouais. Bon, démerde-toi. Auquel j'étais passé à côté. Bah non, ça se dit pas. À côté duquel j'étais passé. Ben non. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, bref, je pense que les gens, les auditeurs et les auditrices auront compris que au départ, tu étais passé à côté de ce jeu-là. Je l'ai complètement raté, bref. Et je crois que c'est toi qui m'en avais parlé un petit peu, puis ensuite, j'ai lu des papiers qui en parlaient, et de façon toujours très énigmatique, parce que quand tu vois les screens du jeu, tu dis ouais, d'accord, mais. Et puis en fait, les mecs, tu devines leur sourire mesquin quand ils écrivent le billet, tu dis ah, Doki Doki, tu verras. Et donc, du coup, j'ai essayé. Alors, je vais en parler un petit peu plus en détail parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est vraiment une expérience qui m'a marqué beaucoup. Donc, c'était un visual novel qui est développé par la Team Salvato. En fait, la Team Salvato, c'est juste Dan Salvato, il est tout seul. C'est un américain, Vision Novel, développé avec des outils et un style qui donne un aspect très très très japonais, qui rappelle les visual novels japonais. Donc le pitch est vite fait, c'est que donc on incarne aux surprises dans le grand style des visual novels et des dating sims japonais un lycéen entouré de plein de filles avec tous les archétypes possibles. Que ce soit l'ami d'enfance, la nerd un peu énervée, la nana introvertie, etc., etc. Et puis bon, le mec, il se fait chier un petit peu, il cherche des activités, il me dit, tiens, mais si pourquoi tu viendrais pas dans le club de littérature ? Ouais, ok, voilà, j'y vais. Et puis finalement, il intègre le club parce qu'il a pas franchement d'autre chose à faire, il n'a pas de raison valable de refuser. Et donc le jeu déroule comme ça, voilà, on discute avec les filles, etc. On fait des poèmes et tout. Et c'est là, en fait, tu te dis, bon, ok, c'est très niais, c'est agréablement écrit, mais tu te dis, mais à quel moment le jeu, il va vriller ? Parce que quand tu regardes le style de jeu, les tags sur Steam, par exemple, tu vois marqué interdit au moins 18 ans, horreur psychologique, gore, etc. Tu te dis, ok, bon, quand est-ce que ça vrille ? Et le jeu vrille au tiers, donc on doit subir un petit peu le début qui est un petit peu poussif, mais c'est fait exprès. Et le jeu part complètement en cacahuète, on change complètement de registre, on vire dans le gore, etc., avec des personnages qui pètent des plombs. Mais au-delà de juste des personnages qui deviennent fous, en fait, t'as l'impression que c'est le jeu qui devient fou, ou alors c'est toi qui deviens fou. Le créateur s'amuse vraiment à jouer avec toi, en fait, avec comment tu perçois le jeu, quoi. Et donc ça va de flash où les persos, ils vont apparaître en gros plan, ils vont te susurrer des mots à la bouche, ou c'est genre, tiens, regarde mon poème, tu vois, le truc, c'est une lettre de mort écrite avec du sang et des taches de partout, c'est n'importe quoi. C'est des personnages qui vont se planter le coup dans le cœur, c'est n'importe quoi. Et au-delà de ça, en plus, c'est un jeu qui va briser le quatrième mur, en fait. Donc le quatrième mur au cinéma, c'est quand les acteurs, en fait, ils s'adressent un petit peu au spectateur, c'est en regardant la caméra, ils vont faire une réflexion qui est destinée au spectateur. Et là, ça va encore au-delà de ça, il y a vraiment un jeu dans le jeu où, à un moment donné, les personnages ne vont plus s'adresser au personnage que tu incarnes. Je sais même plus s'il a un nom, mais il va même jusqu'à fouiller, en fait, fouiller entre guillemets, c'est pas intrusif, mais il va dans tes fichiers Steam et, en fait, il dit non, je te parle à toi, Macrémique, toi derrière l'écran. Tu dis, waouh, c'est un truc de dingue. Ça va même te faire aller fouiller dans les fichiers du jeu. Des actions que tu vas avoir avec les fichiers du jeu vont avoir une répercussion dans le jeu lui-même, et ça, c'est complètement dingue, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et en plus, il y a énormément, il y a tout un jeu de pistes et d'indices dans certains fichiers qu'on va pouvoir aussi décoder. Donc là, il faut maîtriser un petit peu Photoshop, il faut maîtriser un petit peu Audacity pour remettre des fichiers audio un petit peu à leur place. C'est très très tordu, où tu te rends compte qu'il y a aussi d'autres sites internet qui ont été créés par Dan Salvato via un projet dont j'ai oublié le nom, etc. Mais ça va tellement loin, il y a une sonne de petits détails. C'est dingue, et moi, franchement, mais c'est quand ce personnage m'est apparu à la fin et dit non, je te parle à toi, Macrémique, et je me suis dit, mais c'est du génie, c'est juste du pur génie, quoi. J'ai jamais vu une expérience comme ça, et ça m'a profondément marqué. Et je peux dire que quand je l'ai fini, ce jeu là, je me suis dit, mais je le relance tout de suite. Et je crois que j'ai relancé une partie tout de suite parce que je voulais voir d'autres choses dans le jeu. Alors, c'est super compliqué de le faire en entier. Parce qu'il y a vraiment, ça va dans le détail, et t'as aussi des événements aléatoires où tout le monde n'a pas forcément une expérience identique, mais ça va très très loin, et ceux qui prennent le temps vraiment d'analyser le jeu, donc ça se soit sur internet et toutes les théories qu'il y a, voilà, et dit mais on sait que c'est Monica qui l'a tué, parce que là on entend la même musique au piano mais jouée plus lentement, etc. Donc Il y a vraiment un souci du détail de Dan Salvato qui est assez incroyable. Et donc voilà, c'est gratuit. Moi, je recommande de faire cette expérience. Je recommande à tout le monde de vivre cette expérience. C'est unique. J'ai jamais rien vu de tel. Et moi, je trouve ça absolument génial. Ouais, bah écoute, je sais pas que t'as donné envie aux gens de le tester, en tout cas. Voilà, bon, Just Monica, hein, pour le mot de la fin de Just Monica. Just Monica. Ceux qui l'ont fait comprendront. mais franchement, bah écoute, je l'ai fait, je comprends très bien, et moi j'avais aussi beaucoup, beaucoup aimé, comme tu dis, en fait, c'est brillant, et c'est pas que le côté faire des twists pour le petit malin, hein, il y a vraiment, comme tu dis, ce fait de casser les codes du genre, de casser les propres codes qu'il semble lui-même s'y mettre, des codes que toi tu entres quand tu es joueur aussi, et les principes et les je veux dire les réflexes limites pavloviens qu'on a en tant que joueur quand on joue à ce genre de jeu là Et effectivement, comme tu dis, il y a vraiment des foules de petits détails. Je pense que tu as dû le creuser plus que moi d'ailleurs. Mais ça ah, je l'ai bien retourné. Et puis, quand j'ai vu que j'arrivais à ma limite en fait, de ce que je pouvais décoder dans le jeu, j'ai regardé sur internet. Et effectivement, c'est là que je me suis dit que. Où je me suis aperçu que il y a vraiment beaucoup de contenu et voilà, mais faut être curieux, faut fouiller. Il y a vraiment un autre jeu derrière le jeu qui est tout aussi intéressant. Ouais, il est vraiment protéiforme en fait ce jeu-là et c'est non franchement c'est vraiment intéressant. Il faudra suivre ce que va faire Dan Salvato par la suite parce que comme tu dis là, il a vraiment fait. C'était avec Renpi, donc c'est un truc qui est gratuit pour faire des visual novels. Il a un ou deux artistes qui a travaillé avec lui, mais sinon tout l'ensemble, c'est lui qui l'a. Ouais, pour la musique et puis une voix aussi qu'on entend à la fin. Mais bon, c'est le cerveau derrière ce jeu-là. Ouais. Et moi, je le suis sur Twitter et j'attends vraiment avec impatience de voir ce qui pourrait sortir de son cerveau. Et en espérant que ce soit du même acabit, donc je sais pas, on va voir. Mais c'est sûr qu'il bosse sur quelque chose. Écoute, on verra ça, on espère en tout cas. Un autre en fait qui n'est pas tout seul, mais pas loin, et qui fait aussi ces jeux, des jeux qui sont des petits jeux, qui semblent être des petits jeux. Lui c'est avec RPG Maker, c'est Kangao qui est donc de Freebird Games, qui avait fait To The Moon. Ça devait être 2011 ou 2012, To The Moon, et donc c'était mon GOTY de l'année 2017, j'en avais déjà parlé, Finding Paradise, donc ça suit un petit peu, les deux jeux peuvent être faits séparément, mais on retrouve les deux mêmes docteurs, hein, Eva Rosaline et Neil Watts, qui font partie de Sigmund Corp, donc ça se passe dans un futur proche, où en fait on peut recréer, on peut avoir une personne qui est mourante, ils arrivent en fait à lui changer un petit peu ce qu'ils pensent de leur vie pour avoir un dernier souvenir avant de mourir. Et donc ils corrigeaient dans le premier ce qu'il y avait, c'était pour s'appeler Johnny. Et là dans le 2, ils vont tomber sur quelque chose d'un peu plus particulier, sur une personne qui sait pas trop si elle veut que son rêve de vie soit modifié ou si sa vie soit changée. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, j'en avais déjà parlé dans le podcast justement sur nos jeux de l'année 2017, si ce n'est que c'était un superbe jeu, un jeu qui m'a foutu. Alors je crois qu'en fait dans sa dernière heure il m'a foutu en larmes deux fois, mais des crises de larmes vraiment deux fois dans la dernière heure, et je sais que je suis pas le seul, donc merci. C'est toujours très dur de dire, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, il est sorti vraiment en décembre 2017, et je m'étais dit est-ce qu'il va atteindre le même choc émotionnel que m'avait fait To The Moon, il le dépasse. C'est pareil en fait, c'est quelqu'un, Kangao, qui a une écriture qui arrive à toucher, à émouvoir. Mais sans faire du pathos, il arrive même aussi à mettre, il a un humour particulier qui fonctionne aussi. Et c'est vraiment magique, assez miraculeux, espèce de numéro de funambule qu'il a entre le côté nostalgique, mélancolique, humoristique. Bref, je sais pas comment il fait, mais en tout cas, il y arrive. J'avais adoré ce jeu-là. Je vous les conseille, To The Moon. Après, vous avez deux petits épisodes gratuits qui font le lien entre les deux jeux, plus Finding Paradise. Et en 2020, donc cette année... Pour la fin d'année, normalement, on aura le troisième opus qui s'appelle Impostor Factory. Donc, on retrouvera les docteurs Rosaline et Neil Watts. Et qui devrait être peut-être la conclusion de cette trilogie To The Moon. Alors, c'est pas vraiment le nom de la trilogie, hein, mais en tout cas, c'est plus ou moins comme ça que lui, il a défini pour l'instant. C'est un de mes jeux que j'attends le plus. Est-ce que c'est un jeu qui sera mon GOTY de cette année-là aussi? Alors qu'il y a vraiment des super gros jeux qui débarquent. On verra, mais cette année 2020 s'annonce assez folle dingo. En tout cas, moi, c'était mon GOTY de l'année 2017. Au niveau de l'année 2018, donc là, on remonte un petit peu. On arrive vraiment, donc on va pas trop spoiler. Un jeu, puisqu'on parlait de nos GOTY ever, qui était The Witcher, un jeu qu'on aimait tous les deux. Tu l'as mis sur ton podium, pas moi, mais j'aurais pu le mettre. C'est Thronebreaker, The Witcher Gwent Game, je sais plus comment il l'appelle exactement. The Witcher Tales. Exactement, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, parce que j'avais parlé du Gwent en 2017. Donc le Gwent, c'est le jeu de cartes qui a été introduit dans The Witcher 3 et qui est un plus qu'un mini-jeu, c'est déjà un super bon jeu dans Witcher. Forcément, ils ont fait une version standalone du Gwent gratuite. Qu'ils ont enrichi. Ça n'a plus rien à voir avec le Gwent de Witcher 3, donc ça devient un jeu très compliqué. Et puis les mecs, à un moment donné, ils ont dit on va recommencer un petit peu, on va faire d'autres choses, et on va faire aussi une campagne solo. Donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et donc ils sortent donc Thronebreaker, où on suit les aventures. Alors tu vas m'aider, c'est de la reine... C'est la reine Maeve. Maeve. C'est de Lyrie et de Rivie. De Lyrie et de Rivie. Donc ça se passe en... C'est une histoire qui se passe en parallèle des romans. Ouais. Donc il y a les deux en fait. Donc il y a une sorte de jeu d'aventure où, en fait, on va contrôler la reine, on va la déplacer sur des cartes. Des cartes en fait où on va pouvoir trouver des ressources, rencontrer des personnages, et forcément il va y avoir des combats, et tous les combats se passent avec le Gwent, donc avec des cartes et avec des cartes nouvelles inclus exprès pour ce jeu solo. Le truc qui est vraiment intéressant, c'est que il y a aussi tout un système de choix. C'est pas une aventure linéaire. En fonction des choix qu'on va faire, certains personnages vont disparaître, vont nous trahir, vont mourir, etc. Et ça, c'est un réel impact sur le gameplay, parce que si le personnage est plus là, sa carte dans ton jeu, elle n'est pas là non plus. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé comment ils ont mélangé les genres en fait, et comment raconter une histoire qui est super passionnante et qui n'était pas du tout racontée dans les bouquins, et comment à la fin ça se rejoint avec l'histoire des bouquins. Puisque, enfin, pour sans vouloir spoiler, bon voilà, c'est Gérald de Rive, en fait, il tient ce nom-là parce que lors d'une célèbre bataille, il a été adoubé par cette reine-là avant de finalement se faire le mal, parce que bon, il avait pas envie de la suivre. Et donc voilà, toute l'histoire est quand même super intéressante. Le jeu est long, je crois qu'il y en a pour une bonne vingtaine d'heures d'aventure. Tu peux même aller quasiment en 30, hein, je pense. Ouais, je sais plus trop. Et voilà, donc super jeu. Donc pour tous ceux qui ont aimé le Gwent, franchement allez-y, il y a des combats qui sont franchement intéressants et pas évidents du tout, parce qu'il y a aussi des sortes de challenges, et non, franchement c'est voilà, puis ça permet aussi de prolonger un petit peu The Witcher, donc qui, pour rappel, donc moi j'avais tout refait en 2018, et donc forcément ce jeu là il tombait à point nommé, puisqu'il était sorti en fin d'année, je crois, ouais, vers septembre-octobre. Hein. Sur PC, ça doit être octobre, et je crois qu'un peu plus tard, ils ont sorti la version console. Ouais, voilà, donc c'était parfait, j'avais ma dose encore de Witcher pour tenir jusqu'à fin 2018. Et donc voilà, donc ouais, un très bon jeu qui est pas excessivement cher, je crois qu'il était sorti à 20 ou 30 euros, et voilà, avec une durée de vie tout à fait correcte. Ouais, mais je te rejoins totalement, c'est un jeu que j'ai adoré. Il est pas loin d'être dans mon top, je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. Et comme tu dis, voilà, en plus les personnages sont super bien écrits, on retrouve encore la qualité d'écriture. En fait, c'est comme si on jouait, parce que quand tu dis on se déplace sur des cartes, c'est sur des maps, hein, pas sur des cartes de jeu. Hein. Et c'est parce que c'est quoi? C'est de la 3D. C'est la 2D isométrique. 2D isométrique, ouais, plutôt, ouais. Et donc t'as ce côté un peu à l'ancienne, mais avec une super DA, une super musique. Ils ont même pas à recycler des thèmes de musique, ils ont créé des nouveaux thèmes. Tous les personnages en fait principaux sont entièrement doublés, hein, par des acteurs. Donc c'est super bien fichu, et comme voilà, les quêtes sont vraiment très bien, comme tu dis. On va découvrir en plus des régions qu'on n'a jamais vues dans la saga The Witcher, hein. Bon, Rivillier évidemment, mais aussi le monde des nerfs, hein, Mahakam, ou encore celui des elfes. Et enfin bref, c'est vraiment génial. Pour le feeling, il y a un feeling en plus récent en fait de Baldur's Gate au niveau du déplacement sur les maps. Et donc voilà, ouais, comme tu dis, c'est vraiment un jeu qui, si vous avez aimé le jeu de cartes, c'est vraiment sympa. Si vous aimez ne serait-ce que les histoires, limite on a l'impression d'être dans un jeu vidéo qui serait une adaptation des livres dont vous êtes le héros en fait. Et moi qui adorais ça, c'était un plaisir de voir ce jeu-là. Donc ouais, il est pas sur mon podium, mais il aurait pu y être. Sur mon podium, un jeu dont j'ai parlé le mois dernier, oula, je m'avance un peu, le podcast dernier. Pour le côté Halloween, c'était avec les démons et tout ça, c'était Unavowed, donc c'était le jeu vidéo de Wadget Eye Games. Donc je vais pas trop en reparler, vous pouvez encore écouter le podcast, c'est un peu facile, comme ça évite de faire de la redite. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, super bien écrit, avec des personnages bien travaillés, c'est du sorte de point and click aventure. Voilà, j'avais vraiment envie de le remettre sur mon podium, parce que moi c'est une aventure qui m'a quand même vraiment... J'ai retrouvé un feeling que je ne pensais pas retrouver sur ce côté-là aventure, et c'était vraiment génial, et je l'avais dit dans le dernier podcast, et je le répète, il faut vraiment que je prenne le temps de faire toute la série qui s'appelle Blackwell, qu'ils ont fait parce qu'il paraît que c'est vraiment super bien aussi. Et voilà, il y a une super ambiance, super écriture. Si vous voulez mon avis sur le jeu, vous avez dans donc, le dernier podcast qui c'était le podcast sur Halloween. Un autre jeu sur lequel bon, je vais avancer sur le mien, puis après je te laisserai parler du tien. C'était Gris, que j'avais vraiment envie de mettre en valeur aussi. C'était un jeu d'un studio espagnol, hein, c'était, je crois que c'était leur premier jeu, tu pas de bêtises, de Nomada Studio. Donc Gris, qui est un jeu qui pareil, a une direction artistique vraiment merveilleuse. Donc on suit, en fait, et on accompagne, je dirais, une jeune fille, une jeune femme, qui s'appelle Gris, en tout cas, et qui ça commence, en fait, elle est dans la pomme d'une grande statue, pomme de main d'une grande statue de femme. Cette statue explose, on ne sait pas trop pourquoi, et le personnage qu'on joue a perdu sa voix, et après, dans un monde qui semble au début désertique, un peu en ruine, on va petit à petit déambuler, et en fait, ce monde va revivre, et le personnage, quelque part, en même temps, en quête de sa voix. Alors, pourquoi elle a perdu sa voix? Qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment? Il y a un traumatisme. Chacun, suivant sa perception, y mettra ce qu'il veut. Derrière, justement, ces mots qu'elle ne peut pas prononcer. Moi, je sais ce que j'ai mis, je sais ce que j'ai vu. Je ne dirais pas que c'est ça qu'ils ont voulu parler. Je pense qu'ils ont laissé un peu ouvert, mais c'est vraiment quelque chose de très sensoriel. Il y a une OST aussi par le groupe Berliniste qui fonctionne à merveille, en fait, avec le sound design, l'audio design sur le jeu. La direction artistique, donc qui est par l'artiste Conrad Rosette, un espagnol aussi, est vraiment merveilleux. Les tableaux sont fabuleux, et c'est un jeu qui peut faire vivre des émotions ou pas. On peut ne pas du tout y rentrer. C'est quelque chose qui quand même vraiment m'a parlé, et ça a résonné. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de le mettre en valeur. Je dis pas que c'est mon top 3 d'ailleurs de l'année, mais j'avais vraiment envie d'en parler là, en fait, parce que le personnage, enfin, cette aventure est vraiment touchante. Et elle est assez courte, elle doit se faire en 5 heures, je pense. Peut-être un peu moins, même, je sais plus trop. Donc il y a une sorte de système aussi de puzzle, hein, mais c'est vraiment assez intuitif. Mais voilà, un jeu qui est vraiment une belle œuvre d'art, et qui peut toucher. Des fois, ça peut faire trop arty, peut-être, pour certaines personnes. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et vraiment quelque chose de sensoriel, et que j'avais vraiment donc envie de mettre en avant là, donc pour l'année 2018. Et un jeu aussi où il y a un côté sensoriel que je n'ai pas fait et que tu m'as conseillé, Macrimic, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, tu vas en parler, et je pense que je le ferai peut-être un jour, c'est Subnautica. Ouais, Subnautica, un jeu de survie. Mais pas que, et justement c'est ce qui m'a fait accrocher à ce jeu-là, parce que contrairement aux autres jeux de survie où on te balance et t'as un gameplay super où tu dois crafter, etc., machin, bah, t'as pas de scénario en fait qui te donne envie d'avancer, et là justement t'en as rien. Donc Subnautica, donc le pitch, on est en 2000, je sais pas combien, on est dans un vaisseau spatial qui va se subir une avarie, enfin, ou se faire descendre, qui en fait va se cracher sur une planète. Donc nous on incarne un personnage muet, mais peu importe, qui est dans sa capsule de sauvetage à la surface. Enfin, parce que c'est purement à 90% aquatique, donc on est à la surface de l'eau. On a une lampe et un couteau, et là c'est parti. Et ben, faut survivre. Donc comme tous les jeux de survie, alors il va falloir, enfin, faut vraiment activer l'aspect survie, en fait, parce qu'on peut désactiver l'aspect survie, c'est-à-dire se dispenser de manger, de boire, et ensuite t'as la chose de santé et d'oxygène, mais en fait il faut vraiment manger, boire, ça rajoute tellement plus. Donc avec ton couteau, bah, tu vas commencer à crafter des petits trucs. On a un appareil génial qui permet de construire absolument n'importe quoi, pourvu que tu aies les plans et les matériaux. Donc tu vas commencer par un petit glider, donc c'est une sorte de petit un petit moteur qui va te permettre de nager plus vite et plus loin, et qui va te permettre d'explorer, c'est-à-dire répondre aux appels de détresse qui ont été lancés, fouiller les autres capsules, fouiller le vaisseau qui s'est crashé pour découvrir ce qui s'est passé, etc., et fouiller l'environnement aquatique qui est juste somptueux. Au début, on en voit que la surface, ça ne veut rien dire finalement. on voit que les premiers fonds, avec une faune, une flore qui est extrêmement variée et super bien rendue. Et au fur et à mesure qu'on va débloquer des plans et qu'on va construire des trucs, eh ben, on va pouvoir faire un petit sous-marin, on va pouvoir faire un plus gros sous-marin, on va pouvoir faire un truc de malade qui va augmenter en fait la profondeur maximale à laquelle on peut plonger. Et on va découvrir des biomes absolument, absolument splendides. Voilà, ils sont tous très variés, mais il y a des fois ça te décroche à la mâchoire tellement c'est beau. Les idées qu'ils ont eues pour prendre cette faune et cette flore sont vraiment incroyables. Et tu as ce scénario en fait qui te fait avancer. Voilà, je vais pas trop spoiler le jeu. Mais Surtout me spoil pas, parce que moi je pense que un jour je le ferai, ça fait partie de ma liste des un jour je le ferai, tu sais. Mais parce que justement ce côté scénario, hein, comme tu dis, c'est vraiment un truc qui m'en parle. Mais la fin, franchement, ça m'a fait verser une petite larme, parce qu'en fait tout le but du jeu en fait c'est pas forcément de découvrir qu'on se fait là, mais c'est surtout de barrer de cette planète où t'es tout seul, quoi. Donc faut se barrer. Mais voilà, j'ai failli verser une larme à la fin, parce que t'as limite pas envie d'en partir, tellement c'est bien fait. Et donc c'est un jeu qui a été une franche réussite. Il a été un accès anticipé pendant très longtemps, et c'est un accès anticipé qui a marché, parce que donc il est dans l'année 2018, parce que la version 1.0 est vraiment sortie en 2018. Et pour moi c'est vraiment une grande réussite. J'attends maintenant je sais pas si on peut appeler ça une suite. Enfin, en tout cas, c'est un nouveau jeu à part entière. C'est pas un DLC, c'est Subnautica Below Zero, où on va avoir un environnement un petit peu plus glaciaire, avec des nouveautés gameplay, un petit peu plus de choses en surface aussi. Donc, j'en attends beaucoup. Je l'ai pas encore acheté en accès anticipé, parce que justement, moi, j'ai envie d'avoir le scénario qui est bien ficelé, surtout que j'ai appris qu'il y a pas longtemps qu'en fait ils allaient revenir énormément là-dessus. Donc voilà, donc j'attends vraiment la release de ce jeu-là. Franchement, je pensais pas autant accrocher à un jeu de survie. Et encore une fois, enfin je te le dis à toi parce que tu vas le faire, faut vraiment mettre la survie. Ça change vraiment tout, quoi. Quand tu dois aller chasser des poissons et quand t'apprends qu'il y en a un, mais tu vas te servir de ça. D'une espèce de poche d'air qu'il a pour filtrer l'eau, pour avoir de l'eau potable, etc. Et il y a aussi un plaisir assez satisfaisant aussi de te construire tes bases, de les rendre autonomes et d'être un petit peu coquet aussi. Bah, tu dis, bah, tiens, bah, non, bah, en fait, j'ai envie de me mettre plus marre de tel côté parce que c'est super joli, et donc je vais mettre une baie vitrée à la place d'une baie en métal. Bah, ça me coûte plus cher, mais je m'en fous, mais j'aurai une jolie vue. Le jeu est tellement beau en fait. T'as un mode bac à sable justement qui te permet d'exploiter complètement cet aspect créatif, où t'es pas limité en ressources, tu peux faire ce que tu veux. Mais franchement, ouais, c'est super cool, quoi. Quand tu rentres dans ta base, tu dis, mais je suis chez moi, je suis bien, j'ai pas envie de partir de cette planète, je suis très bien. Bon, je suis tout seul, je me fais peut-être un peu chier, mais voilà, super. Super expérience, j'ai passé quoi, une bonne trentaine d'heures. Ouais, je pense que c'est une bonne trentaine d'heures à vuner. Mais voilà, mais le scénario minimaliste, mais il te donne envie d'avancer. Et même si ça, il répondra pas complètement à toutes tes questions, voilà, il a le mérite d'exister, et il est vraiment surprenant par des aspects. Et là, je viens de regarder mon temps de jeu, j'ai passé 46 heures dessus. Donc voilà. Bah ok, bah, notre GOTY de l'année 2018, c'est un jeu où on a passé aussi du temps dessus, et ça peut-être pourra aussi une bonne quarantaine d'heures, je sais plus trop. En tout cas, c'est pareil, c'est un jeu où on peut avoir son petit chez-soi, mais on n'est pas tout seul, on est même en bande. Et je vais bien sûr parler de Red Dead Redemption 2, donc le jeu de Rockstar Games. Et alors pour le coup, on en avait parlé, pas du jeu, mais on avait parlé de Red Dead Redemption dans un podcast justement sur le premier jeu, puis nos attentes qui n'étaient pas hyper max pour ce Red Dead Redemption 2, et paradoxalement en fait quand on a fait le jeu, et bien en fait alors qu'on s'attendait pas forcément à aimer, on a adoré tous les deux. Et donc évidemment le jeu il se passe avant les événements du premier Red Dead Redemption, donc cette fois-ci on joue Arthur Morgan, qui fait partie, c'est un peu le bras droit de Dutch van der Linde, hein, donc qui était le méchant, on va dire, enfin le méchant, en tout cas le chef de bande qu'on traquait dans le premier Red Dead Redemption. Donc on va croiser aussi le héros, hein, John Marston de Red Dead Redemption, donc Arthur Morgan qui est un personnage qui est un peu différent, hein, de Marston. Et c'est un personnage pareil, dans les trailers, je sais qu'on l'avait vu, on l'avait parlé dans le podcast, il ne nous inspirait pas grand chose, on ne trouvait pas qu'il ait beaucoup de charisme. Et effectivement, ils nous avaient bien caché les choses, Rockstar Games, puisque quand on le joue, quand on le découvre, c'est probablement un de leurs plus beaux personnages écrits, qui paradoxalement se rapproche beaucoup plus de Max Payne que ne se rapprochait le Max Payne qu'ils avaient écrit pour Max Payne 3. C'est assez drôle, mais en tout cas, c'est super bien réussi. L'acteur Roger Clark, qui joue Arthur Morgan, fait vraiment une super composition. Il a eu d'ailleurs un Game Awards. Alors les Game Awards ne veulent pas toujours dire grand chose, mais en tout cas celui-ci pour le coup était plutôt on point, comme on dit en anglais, je ne sais pas pourquoi je parle anglais. Bref, donc on joue Arthur Morgan, donc on est, il y a un casque qui a mal tourné, la bande donc des brigands de Dutch van der Linde, elle est un peu traquée par les Pinkerton, hein, qui étaient des espèces de police détectives à l'époque, qui avaient des pratiques un peu douteuses également. Et en fait le jeu, donc c'est un monde ouvert et c'est un jeu qui a un peu divisé parce qu'il prend son temps déjà. Et il y a un système de gameplay avec 36 000 contrôles qu'il faut arriver à appréhender. Et surtout, c'est même le rythme du jeu et la vie du jeu et de son environnement qu'il faut appréhender. Puisque dans ce jeu-là, donc il y a la quête principale, il y a plein de missions. Mais c'est pas non plus c'est pas un bac à sable, justement, ce jeu-là, contrairement à, tu parlais de Subnautica. Et il faut vraiment savoir se dire, bah tiens, aujourd'hui je vais faire ces activités là ou sinon je vais avancer la quête. Enfin, il faut planifier sa journée un peu comme Arthur Morgan planifie la sienne et celle de la bande. Et en tout cas, c'est un très très grand jeu qui emprunte beaucoup de codes du western, mais pas dans un côté on va faire une synthèse des codes du western comme était le premier où c'était fun. Là ici, la notion de fun sera moins présente, je pense. Mais il y a une profondeur qui est amenée. L'écriture de Rockstar qui me plaît pas tout le temps, où j'étais même un peu fatigué ici, m'a beaucoup plus parlé. Ils sont plus posés. Alors on va pas revenir sur le problème dramatique, hein, en fait, hein, du crunch qu'il y a eu. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, enfin, on va pas revenir. Autant le dire, effectivement, ça a coûté beaucoup financièrement et en termes de moyens humains, ce jeu-là. Et donc voilà. Donc le jeu est réussi, tant mieux. Mais ça ne doit pas écarter tous les problèmes qu'il y a eu autour. Mais pour en revenir donc au jeu, il y a un côté vraiment hypnotisant aussi de vivre. Il y a la simulation du cowboy, mais c'est pas la simulation. Enfin, c'est difficile à dire. Le jeu est magnifique. Il y a des plans, ça pourrait faire penser à la cinématographie, à du cinéma. Hein, mais plus que le côté cinéma, même si ces panoramas sont extraordinaires, l'impression que moi j'ai eu de faire, c'est plutôt de lire un grand roman, plus qu'un film. C'est vraiment une fresque de comme un grand roman. Et avec ses tableaux, et bien sûr, et voilà, ces grands westerns qu'on pouvait lire, et qui ont disparu un petit peu de la littérature, en tout cas, on n'en a plus beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, et je ne m'attendais pas à l'adorer autant, et je sais que toi, c'est pareil, tu ne t'attendais pas à l'aimer autant. Ouais, c'est vrai. Ensuite, c'est un jeu qui est extrêmement exigeant, et qui ne laisse pas non plus énormément de place à l'improvisation. Enfin, moi, je me souviens d'une mission, en fait, où on se finit dans une cabane complètement acculée par je sais pas qui. Enfin, je sais plus qui. Et en fait, il faut suivre le jeu. Si le jeu te dit, ben, reste dans la cabane, tu restes dans la cabane. Et moi, en fait, j'ai vu une percée. En fait, je suis sorti de la cabane et je voulais passer derrière l'ennemi pour le prendre à revers. Et là, les mecs, qu'est-ce que tu fais, Arthur ? Reviens dans la cabane, vous êtes toi, etc. Donc c'est vrai qu'au début ça surprend un petit peu. Le mec il dit bah, tu te mets à l'abri derrière ce caillou pour les prendre, enfin pour les embusquer. Bah, c'est ce caillou là, c'est pas un autre. Bon, une fois que tu t'es fait à cette idée qu'en fait il faut vraiment suivre le scénario qu'ils ont écrit, ça passe mieux, mais ça peut en frustrer un petit peu plus d'un. C'est le jeu est certain. Et un petit peu rigide de ce point de vue-là. Mais justement, c'est pour faire la part belle au scénario, à la mise en scène, etc. Donc ça a son effet, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est un jeu vraiment ouvert finalement. Parce que oui, il est ouvert en dehors des missions, mais quand tu es dans la mission, tu dois rester entre les deux lignes. Et voilà. Ouais, mais c'est ce que je disais justement sur la gestion, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te lances dans des sessions de jeu, tu te dis si là je dois faire avancer le scénario principal ou des missions, je le fais. Et après, si tu veux en fait le côté plus de la balade, ben en fait, faut dire ben là je lance pas de mission et je me balade. Et il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Et quelque part, comme tu dis, c'est vraiment, ça peut être frustrant. Alors c'est voilà, c'est pas Just Cause quoi. Mais en fait, justement, ce que je trouve ça bien, c'est que il laisse le monde ouvert être par moments. Pas vide, mais tu vois qu'il n'y a pas forcément 36 000 choses qui se passent, même si tu peux avoir des événements aléatoires hein, qui sont assez sympas, tu vas croiser des mêmes personnes et tout, mais des fois il y a juste ben, la faune est là, tu veux chasser ou pêcher, tu peux, mais il n'y a pas forcément des quêtes qui vont se déclencher. Et en fait, il laisse dans ces moments de creux, et c'est l'entre-deux qui peut vraiment happer le joueur ou pas, il laisse en fait de la respiration, et c'est quelque chose qu'on perd, je trouve, beaucoup dans les jeux qui sont en mode ouvert. C'est que, alors je veux pas taper sur Ubisoft, mais c'est eux qui me viennent à l'esprit sur ce point-là, mais ils sont pas les seuls. Mais dans leur jeu, ils disent on va mettre un monde ouvert, et donc les mecs veulent toujours tout remplir. Et je pense qu'en fait, le meilleur moyen de faire vivre un monde, c'est pas d'y mettre fondamentalement que de la vie tout le temps, c'est justement de laisser respirer et de laisser en fait, là, on va dire, le calme et le silence, et laisser en fait le joueur pouvoir mettre sa propre respiration là, et après reprendre les rênes, sans faire de jeu de mots avec les chevaux ou les diligences. Quand il s'agit en fait de la narration avec de l'histoire principale. Et donc effectivement, comme tu le dis, ça exige aussi de s'y mettre ou pas. Et si on n'est pas dans cette optique-là, c'est un jeu qui peut être hyper frustrant. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, c'est là où tu vois qu'ils ont fait un super travail. Parce que le monde, en fait, il paraît super cohérent. C'est d'une manière générale. T'as toujours de la vie quelque part. Et tu sens pas que c'est... qu'elle est trop forcée, si tu vois ce que je veux dire. En particulier au niveau de la faune et de la flore, il y a vraiment une fluidité dans tous les changements de décor, parce qu'il y a de tout. Ouais. On commence dans les montagnes enneigées, donc il y a le bayou qui est plus au sud, tu as des plaines, t'as des forêts, t'as un côté un petit peu plus désertique. Alors bon, forcément, on peut pas avoir autant d'environnement dans une si petite surface en vrai. Mais dans le jeu, ça marche quand même. Et voilà, le monde est juste tellement vivant, c'est des fois tu t'arrêtes, et si t'es perdu dans la nature, il y a le vent, il y a les animaux, t'entends des bruits, t'as les effets météo qui sont super bien faits, et la météo dynamique, elle envoie quoi. Quand tu vois le ciel s'obscurcir, tu te dis, tiens, je vais prendre un orage dans la gueule. Même s'il n'y a pas forcément d'incidence dans le gameplay, mais c'est pas grave. Si, à part le fait d'être détrempé. Et voilà, quand tu vas dans les villes, c'est pareil. Chaque personnage a son petit rituel, etc. Tu vois qu'il y a vraiment de la vie. Et en plus, tu as aussi les événements aléatoires. Tu passes, il y a une Rix. Bon, il y a le cliché du mec qui se fait éjecter par la fenêtre du saloon. Parce que les mecs, ils sont toujours éjectés par une fenêtre fermée du saloon et pas par la porte ouverte. C'est oui, d'ailleurs, je sais pas, il y a le mec qui vend les fenêtres. Il doit se faire un pognon monstre. Parce qu'elle est toujours réparée, elle est toujours pétée le lendemain. Ah non, mais ça c'est sûr, il fallait bosser dans le verre à l'époque. Et voilà, et c'est vrai que des fois tu déambules parce que t'as envie d'aller chez un marchand et tout ça, et puis tu observes le truc et tu vois qu'il y a de la vie en fait. Et ils ont vraiment très très bien rendu cet aspect-là dans le jeu. Ouais, c'est pour savoir. Après, voilà, on va pas s'étendre plus sur le scénario, surtout pas, parce que voilà, le jeu est quand même vraiment assez récent, et donc on vous laissera vivre tout ça. Juste une chose, parce qu'on parlait du monde ouvert, comme tu dis, en fait, on aime se balader. Et justement, je pense que là, enfin, je sais pas pour toi, mais c'est un jeu où finalement, à part quand tu es sur certains trucs pour aller lancer une mission, mais sinon, entre temps, où finalement, t'as limite même pas envie d'utiliser trop les diligences qui sortent une sorte de, on va dire, de voyage rapide. Après, tu peux les faire comme ça, t'as juste envie d'être à cheval. Et je pense que les mondes ouverts où justement, t'as très peu envie d'utiliser les simili voyages rapides ou les voyages rapides, bah, ça montre que le monde est réussi. Et souvent. Quand ils sont ratés, c'est qu'en fait tu te téléportes d'un endroit à l'autre et c'est qu'en fait tu t'en fous un peu. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un grand jeu, mais il faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. Et voilà, si on pense faire vraiment le côté bac à sable et qu'on va pouvoir se balader comme on veut et puis un peu faire un peu à la Skyrim, donc j'ai parlé précédemment que j'adorais, hein, mais c'est totalement différent, c'est pas du tout la même approche. Et sinon, vous allez être quand même vraiment assez déçus, mais c'était quand même un très très grand jeu pour peu qu'on l'appréhende bien. Enfin, c'est pas appréhender bien. Pour peu qu'on l'appréhende de cette manière-là, et après qu'on aime ou pas, et ça dépend des sensibilités de chacun. Et là maintenant, on va débarquer sur l'année 2019. Alors ça va être comme tu dis, t'as dit un peu plus récemment. Bon voilà, les jeux qu'on fait, il y a des jeux qu'on ne fait pas, donc on les fait beaucoup plus tard. Donc c'est vrai qu'on a dit qu'on faisait le top de la décennie, mais là on arrive en 2019 et on n'a pas fait beaucoup de jeux en 2019. Alors moi j'ai plus surtout ou moins un moi, top, ouais, surtout toi, mais parce que tu joues à des jeux plus anciens, puis voilà, et puis je pense que tu varies plus les jeux que moi. Bon, moi j'ai pas trop varié cette année, je suis un peu concentré là-dessus. Donc on va passer assez rapidement, puis c'est des jeux assez récents. On va quand même faire. Bah, t'as même pas un top 3 ni rien, on va juste. Non, non, non, j'ai pas de classement. Ouais, pas de classement. Bon, moi j'en ai un rapide, mais je sais qu'il y a deux jeux qu'on a fait en particulier qui sont moi sur mon top 3 et que toi je sais que pour l'instant ils sont sur ton top. Bon, c'est facile en même temps. Mais on Il va. y a que trois jeux Il donc. y a que trois jeux, c'est cool. Mais en fait, on va quand même en parler un petit peu. Alors, un jeu qu'on attendait quand même beaucoup, mais et qu'on en parlera sans doute plus tard et même prochainement. Ça, c'était, je parlais du teasing en fait pour le renouveau de la cantina qui va fermer ses portes, mais il y aura autre chose qui va débarquer. Donc voilà, donc c'est Jedi Fallen Order qu'on a beaucoup aimé. Donc c'est un jeu en fait hein, qui est fait par Respawn Entertainment et un jeu qui a été annoncé un petit peu. Enfin, ils ont pas trop au début, ils l'ont pas trop marketé, hein, parce qu'il y a eu tellement de merde avec Battlefront. On avait fait un podcast sur Star Wars, on avait déjà parlé de tout ça. On a souvent parlé de ces histoires-là. Qui est sorti là en novembre et qui est un jeu, une super campagne. Si tu veux juste dire quelques mots, on va pas trop en parler parce que c'est un jeu dont on parlera dans un prochain format en 2020. Mais si t'as quelques mots, vas-y. Ouais, donc c'est donc déjà faut préciser que c'est un jeu qui est purement solo. Donc c'est un TPS style God of War. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un mec qui avait bossé sur la série God of War, qui a travaillé sur ce jeu-là. Bah, le creative director de ce jeu-là et le creative director de God of War 3, je crois. God of War 3, tout à fait. Et donc voilà, donc on manie enfin on incarne un Jedi qui a échappé, comme d'autres probablement, à la purge Jedi à l'ordre 66. Un padawan même, hein, qui n'est pas Jedi. Un Padawan, oui, c'est pas un Jedi, il était en pleine formation, il était tout jeune, donc il a échappé à l'ordre 66, il a réussi à se cacher sur une planète, et puis il vit une vie un petit peu de misère de ferrailleur, mais bon. Comme chacun sait, on ne peut pas rester caché éternellement et son passé va le rattraper. Donc on va pas en dire plus sur le scénario. Non, ça, juste que ça se passe 5 ans après les événements de l'épisode 3, La Revanche des Sith. Donc voilà, donc on est au tout Voilà. début de l'Empire encore. Voilà, tout à Et fait. les Jedi, en fait, il y a ce qu'on appelle la purge, c'est-à-dire qu'en fait, ils traquent un petit peu. Il y a un fameux ordre qui s'appelle les Inquisiteurs, qui sont un peu sous la. C'est Dark Vador qui dirige ça, puis après, évidemment, avec l'Empereur. Et donc, en fait, les Inquisiteurs traquent les Jedi ou les Padawan qui ont survécu pour justement purger la galaxie. De De ces ces Jedi, traîtres. scum. Et donc voilà, donc effectivement, on va pas aller plus loin dans l'histoire, si ce n'est que donc ben, Cal Kestis, donc le nom du personnage qu'on joue, va croiser un personnage qui va l'emmener sur une quête un petit peu pour essayer justement d'aller trouver d'autres personnes comme lui. Et donc en fait, le jeu va nous amener dans ce côté-là. Je vais te laisser parler justement un peu de comment le jeu se développe en fait, Du hors scénario, gameplay? mais du gameplay, et puis même après, moi je parlerai peut-être un peu du design. Oui, parce que bon ensuite c'est pas du tout une histoire linéaire telle qu'on pouvait le voir un petit peu comme dans Jedi Knight. On peut faire un petit parallèle avec Jedi Knight parce que c'est l'un des rares jeux où on dirige un personnage avec un sabre laser. Même si à l'inverse de Jedi Knight, pour le coup on a vraiment que le sabre laser et la force. À aucun moment on va utiliser un blaster. Ce qui est c'est un parti pris. Et des fois tu te dis bah, j'aurais quand même bien aimé avoir un blaster pour défoncer le Stormtrooper qui Et est oui, à 25 mais comme mètres. dirait Obi-Wan, un blaster, ce n'est pas une arme civilisée. Non, et non, c'est, non. Ce n'est pas élégant. Donc c'est un jeu qui peut être dur. Faut dire ce qui est donc alors on fait des parallèles avec Sekiro, les Dark Souls, etc. Le gameplay, franchement, il est très bien calibré. Donc c'est le genre de jeu, donc on a des sauts, on a des attaques faibles, on a des attaques fortes, et puis on va développer des points de compétences qui nous permettent de faire des combos, et on a aussi surtout un système de parade en fait, où des fois pour parer des coups, en fait on a une fenêtre de parade, il faut vraiment parer au bon moment et pas juste mettre en mode défense en attendant que le mec te tape dessus, c'est pas logique. Donc si on monte vraiment le cran de difficulté, il y a un vrai challenge, et moi franchement je me suis carrément surestimé parce que j'ai mis le jeu en difficile. Et quand tu te fais défoncer par deux Stormtroopers, tu dis, ok, donc ce jeu il va m'en faire baver. Et quelque part c'est logique, parce qu'on tombe pas du tout dans le cliché du Jedi surpuissant qui va décimer des Stormtroopers par paquet 12. Non, au contraire, trois Stormtroopers au début du jeu, en tout cas, ça peut être un vrai challenge. Il faut vraiment parer au bon moment, esquiver au bon moment, parce que s'il y en a un qui nous met un coup, on est déstabilisé, on s'en prend deux autres derrière, et la vie descend très vite. Donc, ceux qui veulent un challenge, mettez la difficulté, baissez-la par la suite si vous voulez, on peut la baisser librement ou la réaugmenter librement en cours de partie sans problème. Mais voilà, c'est le fait d'incarner un personnage qui est vulnérable, parce que c'est un padawan déjà qui n'avait pas fini son entraînement, et assez sympa. Et puis à la fin du jeu, quand on a développé pas mal de pouvoirs, qu'on se sent plus à l'aise et tout, là il y a moins les défoncer, c'est quand même assez jouissif. Quand tu sais que tu rates, enfin tu réussis toutes tes parades, certes, tu renvoies un tir de blaster, tu pars un coup au corps à corps, tu défonces le mec derrière, etc. Quand tu arrives à tout enchaîner parfaitement, c'est assez gratifiant. Ouais, voilà, c'est un jeu qui va te proposer plein d'outils que tu vas pas forcément utiliser. Moi, il y a des choses que j'ai vues dans les vidéos de gameplay que j'ai quasiment pas utilisées ou que j'ai pas fait dans le jeu, mais c'est pas grave, chacun en fera sa propre chose. Et puis en plus, comme tu dis, alors moi la difficulté, je l'ai pas mis au max du tout parce que voilà, j'avoue que j'ai pas ce challenge là. Mais pour ceux qui sont comme moi, l'histoire en elle-même se suit bien, on va pas trop en parler. Mais il y a aussi des puzzles qui sont assez sympas. Il y a un côté très aussi, tu parlais de Sekiro, mais dans le jeu, il y a un côté aussi. Quelques séquences épiques aussi, vous sentez laurier du côté. Laurier. Pourtant, je vais tresser des lauriers au jeu, mais plutôt lornier du côté d'Uncharted. Mais surtout, ça faisait penser pas mal à Shadow of the Tomb Raider, dans ce côté un peu au niveau des puzzles. Il n'y a pas des tombeaux, mais il y a des petits trucs un peu comme ça. Et c'est vraiment assez sympa le jeu. Voilà, le jeu n'invente rien, il prend à droite et à gauche, mais tout ce qu'il prend, il exécute bien. Et c'est vachement sympa. Et en plus, voilà, l'univers, par rapport au pouvoir, déjà, le level design est bien, bien fichu. Et l'univers en lui-même est vraiment sympa, les planètes, on va découvrir des planètes qu'on connaît de l'univers Star Wars, mais d'autres qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais trop utilisé ou vu dans ce sens-là, donc c'était vraiment super sympa, on va pas dire lesquels. Et aussi, c'est pareil au niveau du... Alors les acteurs font bien le boulot, la modélisation m'a un peu... Voilà, au niveau des visages, c'était un peu particulier, mais on s'y fait assez vite. Et surtout, c'est la bande originale est vraiment super, c'est elle garde l'esprit Star Wars, mais elle fait quand même aussi... Elle amène du neuf, bref, il y a une très bonne balance entre les deux. C'est Gordy Happe qu'on avait déjà vu sur les jeux Old Republic, enfin pas les jeux Old Republic, The Old Republic, hein, le MMO, notamment ou les Battlefront, qui a fait ça aussi avec le compositeur que j'ai perdu le nom malheureusement, attitré de chez Respawn, qui avait fait Titanfall, Titanfall 2. Et le système audio, enfin l'audio design du jeu est vraiment top, tous les bruitages, tout ça. Il y a un petit droïde qui nous accompagne, qui a été créé sous son son, donc qui est interprété quelque part par Ben Burtt, qui est en fait l'audio designer en fait de la première saga historique de tous les Star Wars, évidemment, qui a créé R2-D2 notamment. J'en perds ma voix. Et donc voilà, donc on va pas aller plus loin parce qu'on reviendra sur ce jeu là dans un format particulier, mais voilà, donc c'est vraiment un jeu qui nous a beaucoup plu, qui a une belle durée de vie, et que je vous conseille. C'est sur console, c'est sur PC, donc si vous êtes fan de Star Wars et que vous aviez un peu de doute en vous disant mais en fait ça va être c'est produit par Electronic Arts, ils vont foutre un peu la merde, mais pas du tout. L'histoire se tient bien, le jeu se tient bien, et vraiment c'est vraiment très très très agréable. Un autre jeu qui est pas du tout dans l'univers d'une galaxie lointaine, je perds vraiment mes mots, c'est du mal, galaxie lointaine, très lointaine, mais qui se passe même bien chez nous, c'est-à-dire en France, mais au 14e siècle, durant la période de la peste noire, c'est A Plague Tale: Innocence. Un jeu du studio bordelais, lui aussi, on parle de Nova Box, il y a d'autres studios, très bons studios, hein, dans le coin, à Bordeaux. Je dis ça dans le coin parce qu'on est originaire du côté de Bayonne, tous les deux. Et donc c'est en Aquitaine. Et donc c'est donc A Plague Tale, donc Asobo Studio, des Bordelais. C'est leur premier jeu, je crois. Et en tout cas, premier jeu en solo. Et donc on va dire dans les chausses, puisqu'à l'époque c'était les chausses, de Amicia de Rune, une jeune fille de 15 ans. Qui donc avec sa famille, hein, qui sont des seigneurs en fait. Donc je sais pas exactement où ça se passe, hein, au début je pensais que ça se passait en Aquitaine, peut-être pas, mais en tout cas c'est dans la France. Il y a l'Inquisition qui débarque chez eux. Il y a aussi des problèmes avec des rats dans la forêt, enfin c'est un peu louche toute cette histoire. L'Inquisition débarque, elle va tuer le père, la mère va disparaître, et donc Amicia va se retrouver à partir sur les routes de France et de Navarre avec son petit frère Hugo, qui a lui que 5 ans, et qui a une sorte de maladie. Il est resté enfermé chez lui pendant longtemps, donc en fait Hugo c'est quelqu'un, son petit frère, qu'elle n'a pas trop vu, avec qui il n'a pas trop établi de lien, hein, quand on commence le jeu. Et donc ils sont traqués par l'Inquisition, ils doivent aller trouver un alchimiste, médecin qui pourrait les aider justement par rapport à la maladie d'Hugo. Et donc on va suivre leur pérégrination, leur aventure, donc traqué par l'Inquisition. Il y a tout un système avec les rats, puisqu'il est dans cette fameuse peste, et des rats qui sont très voraces. Et donc voilà, donc on va pas raconter tout le scénario, on va juste vraiment le voyage. Ils vont rencontrer d'autres personnes sur la route, des personnages qui sont très bien campés. Et je vais, tu l'as fait, toi tu l'as bouclé très récemment ce jeu-là. Moi c'est un jeu qui m'a beaucoup touché, qui m'a marqué, qui a une ambiance, une DA qui est vraiment superbe. Là encore je parlais de l'audio design sur le sound design sur Star Wars, Jedi Fallen Order. Là c'est pareil, les rats, les bruits, les sons. Et puis même au niveau de la DA, on ressent le jeu, mais quand je parle de ressentir, c'est ressentir au niveau des émotions, mais au niveau des sens. C'est-à-dire que là en fait on est pendant cette France où il y a la guerre en fait contre les Anglais. Et en fait, les charniers, les corps, la maladie, on la sent vraiment. Elle vient dans nos narines, elle vient dans nos regards. Il y a un travail là-dessus qui est fantastique. Tu l'as bouclé, je sais, tout récemment. Qu'est-ce que tu peux m'en dire dessus? En fait, je l'avais fait parce que j'entendais beaucoup de bien, sans trop savoir de quoi ça parlait. Alors, bon, déjà, premièrement, techniquement, il peut faire un petit peu daté, mais c'est pas du tout grave du tout. Il est compensé par la direction artistique. Et j'étais sceptique, je savais pas du tout ce que c'était en fait. Je m'attendais juste à entre guillemets, à un simulateur de marche, je savais pas trop. Bon, au final, t'as un petit peu de gameplay parce que Amicia elle est armée d'une petite fronde, elle va jeter des petits cailloux, mais des cailloux plus, on va pas trop en dévoiler parce que elle va apprendre des petites choses avec l'alchimie. Il y a un système de craft qui est simple et efficace, mais de toute façon. C'est pas le but du jeu, effectivement. La grosse surprise, en fait, c'est le plaisir, finalement, c'est de suivre un frère et une sœur qui, effectivement, ne se connaissent pas, tu le dis, hein, parce qu'il était un petit peu, on va dire, en quarantaine, le petit frère, parce qu'il a une maladie mystérieuse. Quel est le lien de sa maladie avec tous ces rats qui surgissent dans ses zoos, quel est le lien avec l'Inquisition, avec tout ça. Donc on sait que ça va se recouper à un moment donné, et donc voilà, tu as deux personnages qui finalement vont devoir apprendre à se connaître, à se faire confiance. Ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus leurs parents, effectivement. C'était des seigneurs, c'est pas des paysans, donc voilà, faut aussi apprendre à se débrouiller, et c'est ça qui est bien, c'est à apprendre à se débrouiller, à apprendre à survivre, se faire confiance, et y compris avec d'autres personnages qu'on va croiser, qui sont tous très jeunes en fait. C'est pas on n'est pas dans un teenage movie, mais c'est tous les personnages principaux qu'on croise sont des adolescents, et qui vivent la même horreur que nous, quoi. Ouais, mais qui la vivent différemment parce qu'ils viennent de milieux différents. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que on dit que c'est des adolescents pour nous, mais en fait, à l'époque, au Moyen Âge, quand t'avais 15 ans quelque part, bah, t'étais déjà un adulte, enfin ou presque. En tout cas, t'étais considéré comme tel. Mais effectivement, plus t'étais dans les hautes sphères, en fait, plus forcément t'avais des avantages. Enfin, en tout cas, la vie t'est différente, et là, effectivement, hein, tu vas être confronté à ça. Et comme tu dis, alors voilà, on va vraiment pas trop dévoiler ce qui se passe. Le gameplay, comme tu dis, est simple mais vraiment très efficace. C'est pas du tout un simulateur de marche. Il y a vraiment un gameplay quand même. Il y a un côté un peu stealth aussi. Il y a un côté survival horror. Par certains côtés, il pourrait rappeler une version aussi un petit peu de The Last of Us, surtout avec son système de craft. Bref, vraiment, c'est un jeu que je conseille beaucoup. Il vient de débarquer sur GOG par exemple. Vous le trouvez aussi sur Steam, vous le trouvez sur console. Et donc voilà, donc c'est un jeu. Qui a une super OST aussi, parlons-en, hein, Olivier de Rivière, qui fait encore une... Ouais. Je sais que toi t'as adoré, on avait parlé de l'OST de Vampire. Bon, ben là, il a encore fait une OST qui y a des thèmes vraiment qui tapent. Les acteurs sont très bien, le doublage. Alors moi, je l'ai fait en plus en VF, parce que je me suis dit, ça se passe en France, faisons en VF. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la VF. Les acteurs sont vraiment très bons. Et la VO est un peu différente pour avoir vu des vidéos, mais elle est très bien aussi. La VO est bonne, et je suspecte la VO a été faite par des acteurs français ou québécois, c'est sûr et certain. Mais québécois, je pense, il faudrait poser la question, mais parce qu'effectivement... J'ai pas l'impression que ce soit... Parce que moi aussi, comme toi, j'hésitais à passer en VF, mais une fois que j'avais commencé en VO, c'est un peu compliqué. C'est pas tout à fait le même timbre de voix, mais quand en VO, elle prononce certains noms qui sont typiquement français, tu dis non, c'est pas un Anglais ou un Américain qui peut faire ça. Mais ça rajoute une petite touche intéressante. Malgré. Mais alors, après, la question que je me posais justement, parce qu'on dit VO, VF, mais peut-être que la langue originale et la VF, je ne sais pas si le jeu a d'abord été écrit en français puis traduit en anglais ou vice versa, et ça, c'est une question qu'il faudrait que je pose. C'est une bonne remarque. Aux personnes de chez. Parce que je me suis posé la question, parce que moi qui veux toujours jouer un jeu dans sa version la plus originale, je me suis dit, mais alors je le fais en VF parce qu'il est écrit en VF ou je le fais en VO parce qu'il a d'abord été écrit en anglais avant d'être traduit en VF. Donc je ne sais pas du tout, je poserai peut-être la question pour savoir le jour où j'aurai besoin de reparler de ce jeu-là parce que c'est un projet aussi. Alors, en tout cas, c'est un jeu qui nous a beaucoup touché. Et un autre jeu, en fait, qui parle de frères et qui est pareil, qui est fait par un jeu français mais qui est écrit en anglais. Je sais que tu ne l'as pas encore fait, mais je pense que tu le feras. Et c'est moi. Bah, je l'ai acheté. J'ai acheté le pack complet il y a cette semaine. Là, on est mi-décembre. Mais bon, là, j'ai pas le temps en ce moment, mais je vais le faire l'an prochain. Bah, impeccable. Bon, bah, moi, c'est mon GOTY de l'année 2019. Un jeu encore qui m'a laissé en larmes, comme son prédécesseur d'ailleurs. Hein. C'est Life is Strange 2, donc de Dontnod Entertainment. Et donc, on suit deux frangins. Ça se passe. Alors, c'est dans le même univers que le premier Life is Strange. D'ailleurs, il nous demande de renseigner notre choix qu'on avait fait, le dernier choix du premier Life is Strange, parce que ça peut amener quelques variantes dans l'aventure principale. C'est plus pour forger l'univers hein, qu'autre chose, mais bon. En tout cas, ça permet vraiment une cohérence, et moi j'aime beaucoup la cohérence dans les univers narratifs. Donc là, cette fois-ci, ça se passe, je crois, on est en 2016. Le premier Life is Strange se passe en 2013. On joue Sean Diaz, donc, qui est un jeune Américain, donc fils d'un immigré mexicain. Donc Sean Diaz, en fait, qui a 16 ans, avec son petit frère Daniel, qui lui en a 9. Il vit donc avec leur père qui est tout seul, hein, la mère est partie depuis un petit moment, qui s'appelle Esteban. Il vit du côté de Seattle, et en fait, le père, il va avoir une bavure policière, et le père va perdre la vie. Ça va déclencher une sorte de pouvoir, parce qu'on est dans Life is Strange, donc il y a toujours un peu, ben, la vie est étrange, hein, et il y a toujours un peu des pouvoirs chez le petit frère, et donc on va accompagner, on va partir sur les routes. Encore un jeu, mes deux jeux préférés de l'année sont des histoires, en fait, un peu de fraternité, ou de famille, avec des ados et des jeunes enfants qui partent sur les routes. Et c'est drôle, en fait, il y aurait des parallèles à tracer entre ces deux jeux-là. Et en tout cas, voilà, donc ils partent sur les routes des États-Unis pour rejoindre, en fait, au Mexique, le village natal du père. Donc c'est un jeu épisodique, hein. Le premier épisode était sorti en 2018, mais après tous les autres sont sortis en 2019. Et donc voilà, 5 épisodes, et on va croiser du monde. Donc en fait, ce qui est vraiment bien dans ce jeu-là, c'est que Dontnod Entertainment a pris un risque par rapport, en fait, au premier Life is Strange, puisque le premier se passait dans le même endroit, et en fait on croisait toujours les mêmes personnages, et ça se passait sur même pas une semaine, que là les événements vont se passer vraiment sur une année complète. Donc il y aura, entre chaque épisode, il y aura des ellipses, et les ellipses ne sont pas de la même durée que les dates de sortie entre les épisodes, mais en fait le fait de le faire de manière épisodique et pas tout d'un coup, il s'intègre très bien avec l'univers, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, ils arrivent vraiment à intégrer ce côté-là épisodique pour l'amener dans l'univers. Et donc voilà, donc on va croiser des personnages différents, ça peut être le temps d'un épisode, ça peut être, ils peuvent revenir ou pas suivant nos choix, puisque là encore les choix vont compter, le rapport qu'on a avec notre petit frère va compter, parce que suivant l'exemple qu'on donne de lui, ou comment on l'aide à utiliser son pouvoir ou pas, et bien fait que quand le jeu, il y aura des choix vers la conclusion à faire, et bien ça pourra même, le choix pour être réfuté par le jeu et les autres personnages eux-mêmes. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vraiment un jeu qui touche beaucoup. Ils ont, dans l'écriture de l'adolescence, je trouve qu'ils ont même encore, ils ont encore élevé le niveau. C'est vraiment une super écriture. L'OST, comme d'habitude, c'est Jonathan Morali, hein, qui a fait l'OST du 1, donc qui était l'un du groupe, en fait, français, Sid Matters, et encore une super OST. Les ambiances sont belles, tout est vraiment bien transcrit. Les personnages qu'on va croiser, voilà, vont être des bons personnages, et les thématiques sont différentes aussi. Il y a une des thématiques communes avec Life is Strange, avec l'univers, mais on va avoir un côté beaucoup plus politique qui amène vraiment de fortes scènes. Donc voilà, moi c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup touché, et voilà. Et donc ça a été ma crise de larmes annuelle sur un jeu vidéo, en tout cas celle-ci vraiment, vraiment puissante, ça remontait de loin et ça fait du bien, ça nettoie l'âme. Et donc voilà, donc, pour moi le GOTY de l'année 2019, et ben, j'ai hâte que tu le fasses, qu'on en parle en off. Parce que je sais pas s'ils feront d'autres jeux dans l'univers Life is Strange. Ils ont annoncé un jeu pour 2020 en Dontnod qui s'appelle Tell Me Why. C'est pareil, une histoire aussi avec des pouvoirs. Est-ce que ça s'inscrit dans cet univers ou pas? Ben on verra, ça sera la surprise, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec cet univers-là, j'aime beaucoup les risques qu'ils prennent pour se renouveler. Pour moi, c'est payant, et donc voilà, donc j'attends vraiment leur prochain jeu avec impatience. Et mais avant d'avoir cette année 2020, donc même si vous écoutez ce podcast-là en 2020, ben on vous souhaite déjà la bonne année, mais on va peut-être faire juste pour boucler, et avant de faire mon annonce pour la suite du podcast, on va peut-être boucler rapidement, sans reparler des jeux, mais juste donner notre top 3. On va s'arrêter à 3 de la décennie. Donc, MacRémy, je te laisse aller avec ton top 3. Eh ben, sur la troisième marche du podium, oh, c'était super compliqué, évidemment. Je vais mettre Uncharted 4. En 2, Mass Effect 2. Et le Game of the Decennial. Comment on dit Decennial? Decade. Game of Decay, le GOT, c'est imprononçable. Bref, The Witcher 3, avec toutes les extensions. Voilà, donc c'est que des suites, étrangement. Je viens de m'en apercevoir. Mais voilà. Bah écoute, ça aurait pu être le mien aussi, comme tu dis, c'est tellement difficile, c'est juste, c'est à pleurer de faire des... Mais bon, on a dit qu'on le ferait. Donc The Witcher 3, moi je vais le mettre en troisième position. Et même si je pense que c'est peut-être en termes de jeu, par tout ce qu'on y trouve, c'est peut-être pour moi le jeu ultime en fait de la décennie, par tout ce qu'il y a en fait. Mais bon, après il y a aussi il y a d'autres jeux que je mets devant. Tu vois, Uncharted 4, ben moi je vais le mettre sur la deuxième marche parce que comme j'ai dit, la saga Uncharted c'est pour l'instant ma saga préférée du jeu vidéo et j'adore les personnages et les dans The Witcher aussi, mais dans Uncharted 4 encore plus, j'adore. Enfin, dans tout Uncharted, j'adore tous les personnages et donc voilà, donc je le mets en seconde position et la première position. J'en ai parti beaucoup plus tôt dans le podcast, mais je vais mettre jeu de la décennie, of the decade, alors le GOTD, le GOTD, bref, c'est Bioshock Infinite pour moi, et c'est pas le meilleur jeu de toute la liste, et pourtant je le mets là parce que c'est une œuvre, comme j'ai dit, qui m'a bouleversé, et surtout c'est les personnages, et en fait ce qui m'intéresse le plus dans toute œuvre narrative, mais voilà, c'est même pas que le jeu vidéo, hein, le cinéma et tout ça, c'est plus que les histoires, que les gameplays, que la mise en scène, c'est en premier lieu les personnages. Et voilà, et comme dans Bioshock Infinite, il y a mon personnage préféré de tout le jeu vidéo, un de mes personnages préférés de toute création narrative, qui s'appelle Elisabeth. Mais je suis obligé de le mettre en première position, donc voilà. Donc c'est mon jeu de la décennie, et c'est même pour l'instant mon jeu préféré ever, parce que c'est mon personnage préféré ever du jeu vidéo. Donc voilà pour nos top 3. Donc on va clôturer, on va fermer les portes de la cantina. On les avait ouvertes en 2017 avec Star Wars, d'où le nom, la cantina Chictaba, c'était une référence à Star Wars. Je vous remercie pour tous ceux qui ont écouté ne serait-ce que 10 secondes du podcast sur ces deux années-là, même ceux qui sont passés sur YouTube mettent des points rouges et tout ça, au moins ils ont pris le temps de mettre un point rouge, ils ont lu le titre, ils ont mis un point rouge, ils n'ont pas aimé Novo, ils n'ont pas aimé nos tronches, pour ceux qui ont vu ma tronche. Mais en tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui sont passées, qui nous ont écoutés, celles qui sont intervenues dans le podcast, puisqu'on a fait venir d'autres personnes. MacRémy, je te remercie évidemment d'avoir participé. Évidemment. Bien sûr. J'aurais dû le garder pour la fin, on dit le meilleur pour la fin, mais bon, j'allais pas me garder moi-même, ça serait quand même prétentieux. En tout cas, voilà, un grand, grand merci. Donc, merci à ceux qui découvrent le podcast là, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et donc tous les autres, voilà, un grand merci, c'était un plaisir. Nonobstant, je sais pas pourquoi je place nonobstant, c'est le mot de la journée. However, comme dirait Dumbledore dans Harry Potter. Ben voilà, il faut des fois fermer des choses, des portes pour en ouvrir d'autres. Et donc voilà, les portes de la cantina, on va les fermer là. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter tous les podcasts, on va se retrouver. Mais j'avais envie de parler différemment. Comme vous pouvez le voir, on fait des podcasts un peu à rallonge. Et ben voilà, moi j'avais envie de faire un format donc différent. Donc à partir de 2020, je ne sais pas encore quand, un nouveau format va débarquer en remplacement, un podcast qui va s'appeler, je vous donne, c'est la primeur, c'est la petite info croustillante, la causerie JV. Et voilà, on n'a pas été très loin non plus, hein, c'est pas aussi funky que la cantina Chictaba. Causerie JV, donc le but, c'est très simple en fait, ça sera deux personnes, donc moi, votre humble serviteur, et un invité, mais qui sera un invité récurrent. Il y aura, pour l'instant, on va commencer la première saison avec trois intervenants, donc il y aura MacRémy évidemment, plus deux autres personnes que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Donc à chaque fois, ça sera un jeu, donc que sur un jeu, une conversation entre deux personnes. Donc ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer une heure. Ça, c'est vraiment, on se donne pas de limite là-dessus. Ça sera pas forcément tous les mois, ça peut être, il peut y avoir deux épisodes en un mois ou trois, et après, c'est vraiment en fonction des jeux dont on a envie de parler. Ça pourrait être des jeux passés, des jeux récents. C'est vraiment comment on le fait, au feeling. Et donc voilà, et vraiment pour parler du jeu, et plus que ça sera pas des critiques ou des tests, On parlera peut-être pas forcément beaucoup de tout ce qui va être gameplay, peut-être un petit peu rapidement, mais c'est plus pour parler de, bah, des ressentis, des expériences qu'on a. Parce qu'en fait, moi, c'est ça que j'aime le plus parler dans le jeu vidéo. Les personnes qui vont intervenir aussi, Macrimic, j'espère qu'il me confirme. Me dis pas non, sinon je vais passer pour un con. Non. Non, ok. Non, je dis pas non. Non, tu dis pas non, mais moins par moins, c'est égal plus, donc t'es d'accord, c'est ça? Bah oui. Ok, donc voilà, exactement, donc bon, vous verrez. Et donc voilà, donc ça sera le nouveau format remplacement. Je vais renouveler mes remerciements à tout le monde. Toi en premier, Macrimic. Je me mets en second parce que pourquoi pas. En même temps en temps, un peu d'autocongratulation, c'est bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle décennie, que ce soit en termes de jeux vidéo, mais de manière générale dans la vie. Voilà, que du positif. Et je vous donne rendez-vous ben, donc, sur un autre format, dans d'autres lieux. Et puis avec toujours la même passion, la même envie. Et j'espère qu'elle sera partagée. Merci encore une fois. Ciao, ciao. Ciao.